Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, un podcast Movies Nerd spécial puisque c'est notre c'est à chaque fois le retour de l'été, c'est-à-dire notre hors-série bilan de l'été. Cette fois-ci, bah, c'est l'été 2019, cinéma. Comme on n'a pas fait de podcast pour le mois de mai et juin, on va rapidement mettre des films de mai et juin dans le bilan, alors que normalement on faisait juillet-août seulement. Et là, on va mettre mai-juin en même temps. Bon, il y a quelques films, hein, c'est pas grand-chose. Voilà. Je suis Axel, votre hôte, comme d'habitude. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon comparse habituel du podcast Movies Nerd, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. Bah, nickel. Moi, j'ai une petite angine, fin d'angine, en fait. Donc, si ça s'entend dans ma voix qui est un peu malade. Non, ça va. Non, ça va, du coup, bah, voilà, ok, super. Tout est nickel. Donc voilà, on a mis un peu de temps à enregistrer parce qu'il y a des problèmes de planning et tout ça, et du coup, on voulait qu'il y ait Morgane parce que c'est lui qui voit le plus de films, même si j'ai encore la carte UGC, mon cinéma ne passe pas tous les films non plus, donc voilà. Mais Morgane, du coup, lui, n'a toujours pas de PC, voilà. Et Quentin vague vers d'autres occupations qui lui prennent beaucoup de temps, donc voilà. On fait ça juste à deux, et on a un programme quand même assez chargé, parce que... Et du coup, on fait surtout ça comme on peut. Voilà, c'est ça, comme on peut. Comme on parce qu'alors à moi, niveau film, voilà. Là... Ouais, donc il y a quelques films qui sont des rattrapages que t'as fait pendant cet été, du coup, de ouais. Films qui étaient sortis en 2019. Je rattrape. Voilà. Donc, on en glissera quelques-uns durant le programme. Voilà. Moi, du coup, comme j'ai ma carte UGC, j'ai pu voir quand même pas mal de films cet été, donc j'étais assez content. J'allais quasiment toutes les semaines au cinéma. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Ça m'arrivait très rarement avant cette carte, donc voilà, j'en suis très, très content. Du coup, je propose qu'on commence directement. On va pas faire le sommaire, hein, puisque ça va être trop long pour énoncer tous les films dont on va parler. Et on commence directement avec un rattrapage dédié sur Glass, film qui était sorti en février 2019, si ma mémoire ne fait pas défaut. Janvier, je crois même. Même janvier. D'accord. C'était vraiment tout début d'année, il me semble. Ouais. On en avait parlé avec Morgane et Adrien, peut-être. Ouais, parce que Morgane l'attendait beaucoup. Oui, voilà. Le 16 janvier. Ouais, voilà. Donc, le podcast de janvier, Movies Nerd, du coup, avec Morgane et Adrien, il me semble, on a parlé de Glass. Et du coup, Morgane était assez content de cette fin de saga. C'est une saga, hein. C'est une trilogie. Oui, une trilogie, voilà. Et du coup, Eddy, toi, tu ne l'avais pas vu au cinéma, tu as pu rattraper cette fois-ci. Est-ce que tu l'attendais déjà par rapport aux deux autres films précédents, donc Incassable et, j'ai un trou de mémoire, l'autre film Split. Oui. Voilà. Et du coup, tu l'attendais beaucoup, Glass j'aimais vraiment beaucoup Incassable. Donc Split, je l'attendais pas plus que ça parce que c'était une période où M. Night Shyamalan n'était pas au mieux de sa forme, disons. Il avait fait le film avec la sorcière là, il me semble. Il avait fait, il était, en fait, son dernier film en date, c'était After Earth. Et après il avait fait The Visit. Voilà, The Visit. Ouais. The Visit, After Earth, c'était une catastrophe, hein, avec Will Smith et son fils. Jaden. The Visit était un petit peu mieux. C'était même plutôt encourageant, on va dire. Plutôt encourageant, ouais. C'était pas forcément le style Shyamalan, mais c'était on retrouvait pas certains gimmicks, mais certaines certaines habitudes en tout cas de réalisation qui lui étaient propres, et puis surtout une thématique qui lui était propre, parce que la SF. La SF de After Earth, et de Avatar et tout ça, il a essayé quoi. le dernier maître de l'air là, c'était c'était chaud aussi. Là du coup avec Split, on sent qu'il revenait quand même à quelque chose de plus habituel, on va dire. Fantastique dans son quoi. Cinéma, de fantastique, et puis il y avait surtout ce pitch avec quelqu'un qui a 23 personnalités. Truc assez improbable quand même. Ouais, ouais. Donc voilà, mais ça s'arrêtait là, je veux dire. On n'avait aucune information ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans ces derniers instants que le film dévoilait nous dévoilait un plan de Bruce Willis. Bruce, ouais. Et là, instinctivement, on faisait le lien en fait avec Incassable. Et on se dit, ah oui, en fait, d'accord, on est là en fait. Et ça, c'était trop cool. Et du coup, bah, Glass a fait toute sa promo finalement sur le fait que Split était une suite cachée de. Incassable. Ouais, une suite cachée ou inattendue d'Incassable. Et que du coup, bah, Glass était finalement la conclusion d'une trilogie commencée en 1999, donc il y a 20 ans. Ouais. Et 2000, pardon. Oui, c'est 2000. 2000. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Voilà, exactement. Bon, j'avais 5 ans, j'ai pas vu le film en 2000. Hein, moi, je l'ai vu assez tôt. Ouais. Il me semble. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, du coup, forcément, l'excitation qui n'était pas forcément là pour Split parce qu'on savait pas trop. Oui, voilà, ça paraissait être un film standalone. Bah, c'est ça. Sachant que Incassable, c'est quand même un des films les plus aimés de la filmographie de Shyamalan par tout le monde en fait. Bah, c'est ce qui est considéré avec le sixième sens, quoi. Comme son meilleur film avec le sixième sens. Ouais. Ouais. Alors, même si moi j'ai une affection énorme pour Le Village. Que je trouve infiniment bon. Mais c'est vrai que c'est vraiment sa sainte trinité, quoi, pour moi. Et je sais que Morgan aime beaucoup là, le film avec Mel Gibson, avec les aliens. Là. Signe aussi. Signe est très très bon, effectivement. Ouais. Ouais. Non, il a une capacité à faire du drame fantastique, je trouve. Mm-hmm. Et justement, avec Glass, il revient un peu à ça. Ouais. Parce que du coup, on retrouve les personnages dans Incassable, donc... Samuel Jackson du coup qui Mr Glass, voilà. Elijah Price, mm-hmm. qui du coup atteint du syndrome des os de verre, et David Dune qui du coup on l'appelle le guetteur, le surveillant, oui, un peu, ouais. C'est l'anti-héros par excellence, quoi. Mm-hmm. Et on retrouve évidemment James McAvoy, Kevin Wendell Crumb, qui est du coup le méchant. Le méchant, oui, la bête de Split. Donc c'est vrai que c'est un trio quand même assez fort. Charismatique. Oui, complètement. Et bon, déjà, il y a un vrai plaisir de retrouver les acteurs parce que moi, ce film a vraiment prouvé que finalement Bruce Willis avait toujours été bon chez Shyamalan. Mm. C'est vraiment quelqu'un qui a su saisir toute la sensibilité de cet acteur-là. Ouais. Et c'est quand même pas évident au départ parce que Bruce Willis, c'est un peu l'homme de verre, bah, c'est Piège de cristal, c'est l'actionneur, quoi. Mm. Par définition, presque. Ouais. Un peu, un peu comme Schwarzenegger ou Stallone. Mais quoi. Même, je trouve que c'est pas vraiment la même catégorie d'acteur, en fait, parce que Bruce Willis, c'est quand même pas la montagne de muscles, même s'il en a, tu vois, mais c'est pas... Mais il est nerveux, il a quand même... mais ça reste un... Il reste humain, en fait. Alors que Schwarzy et Stallone, c'est presque des surhumains dans leurs films. Ah bah oui, bah, voilà. Déjà Schwarzy... Oui, voilà, non, visuellement, tu vois. C'est... Bah oui, c'est vive l'Autriche, quoi. Ouais. Donc, vive les hormones aussi. Ah oui, je crois, ouais, beaucoup. Mais c'est vrai que Bruce Willis avait quand même... Oui, c'est vrai, il a quand même plus cette carrure plus humaine que bodybuildée. Mais il a toujours joué quand même dans des rôles très... c'était beaucoup des rôles d'action. Armageddon, tout ça. Ouais. Et voilà. Et là, c'est vrai qu'il il compose vraiment un personnage... il joue, en fait, c'est marrant parce que dans le film, bon, il est censé avoir une super force et il craint pas grand-chose, finalement. Mm-hmm. Mm. Et pourtant, lui, son personnage, il est vraiment composé sur sa fragilité, et c'est ce qui le rend beau et touchant, finalement. Donc ça, moi, ça m'a énormément plu, et puis voilà, quoi. Déjà, rien que ça, moi, c'est un plaisir, en fait, de voir jouer Bruce Willis dans ce rôle-là. Alors, évidemment, il est un petit peu moins présent que dans Incassable, qui était vraiment le film centré sur lui. Oui. Parce qu'en gros, bon, on dirait qu'Incassable, c'est centré sur Bruce Willis. Split, Split, c'est James McAvoy. Et puis Glass, c'est Glass, Samuel c'est, Jackson. bah, c'est, voilà, comme le titre l'indique, c'est plus sur Samuel L. Jackson, ce qui n'est pas forcément évident au début. Parce que du coup, ça s'inscrit pour le coup comme une suite directe de Split. Mais Samuel L. Jackson a vraiment toute son importance ici. Et ça se dévoile au fur et à mesure. Donc voilà. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est ce qui fait toute la force du film, c'est que encore une fois, ici, Shyamalan s'attache à nous parler d'un thème bien précis. Alors, qu'est-ce qu'est le super-héros? À l'époque où nos cinémas sont envahis de super-héros en tout genre, où Marvel cartonne, lui, il nous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un super-héros? Et surtout, quelle est son utilité? Quelle est son importance finalement dans notre culture et dans notre société? Et donc ça déjà c'est très intéressant. Et c'est surtout qu'en plus, lui, il va décortiquer tout ça en usant des codes du film de super-héros. Donc on va retrouver dans la mise en scène plein d'éléments qui sont de grosses références, bah, aux comics, ne serait-ce que les comics sur planche même. C'était déjà le cas dans Incassable, il y avait une manière de filmer. Bah Will Smith avec son impère qui lui donnait l'impression d'avoir une espèce de d'habit de lumière comme ça, un peu à la Superman, quoi, à la cape, ce qui est très emblématique du super-héros. Et ici, on reprend un petit peu ça, mais c'est que ça va plus loin. Genre, je sais pas, il y a une scène d'affrontement sur un parking, par exemple. Un truc qu'on a vu, je sais pas, bah, sur Civil War. Oui, voilà, Voilà, c'est un parking d'aéroport, enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est vrai que les super-héros ont cette manie de se battre sur des endroits improbables parfois. Et là, il reprend plein de petits éléments un peu partout comme ça, et il détricote, en fait. Voilà. Il défait la pelote de laine, et il nous raconte au fur et à mesure, bah, qu'est-ce que c'est qu'un super-héros, qu'est-ce qu'on a comme lien, nous, enfin, qu'est-ce qu'on a comme rapport avec ça, et est-ce que finalement, c'est pas juste des malades, est-ce que c'est pas juste des barjots, en fait, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, et tout ça, c'est lié au personnage de Sarah Paulson, qui du coup est une psychiatre. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est vraiment, c'est bien mis en scène, ça fait plaisir, enfin ça fait du bien. Ça fait du, surtout, alors, je vais être méchant, mais surtout dans le cinéma américain. Ça fait du bien de voir des films qui sont mis en scène Ouais, c'est vrai que en avec plus passion et où tu sens où que c'est réfléchi, c'est quoi. Et des films qui n'abusent pas de fond vert. Beaucoup d'effets spéciaux à l'ancienne. Et pourtant, James McAvoy grimpe au mur et tout, quoi. Donc Oui. c'est. Mais Voilà. Et puis évidemment, justement, en parlant de James McAvoy, alors pour revenir rapidement quand même sur Samuel Jackson, c'est pas le rôle de sa carrière. bah il fait pas grand-chose en fait, hein. Non. Bah, en fait, là, il est en fauteuil en plus parce que, bah, forcément, il a vieilli, donc sa maladie l'oblige à rester assis. Mais ça n'empêche pas que, dans le fond, ça reste un personnage hyper inquiétant quand même, comme il l'était dans Incassable, Oui, parce qu'il parce a une que. super intelligence en fait, et Et voilà, qui... il est très intelligent, il a une connaissance. Enfin, il a une connaissance très très très Poussé, très vaste ouais. de tout ce qui va être pop culture aussi. Et tout ce qui est technique aussi, c'est ce qui va... Oui, Enfin, oui, oui. Ah bah ouais. oui, parce que là, bon, sans spoiler, Ouais, hein, voilà, c'est ça, mais c'est... il déjoue un peu les systèmes de sécurité de du. Bah, De bon, c'est pas c'est un vraiment un asile. asile, mais Ouais, c'est un enfin, hôpital, ouais. ouais. Donc il est oui, et ça paraît pas au départ, on se dit ben non, c'est pas lui, c'est pas possible, il est dans un fauteuil, ça a pas de sens, Surtout machin. qu'il joue l'amorphe, quoi, donc... C'est ça. Ouais. Alors il le joue très bien, hein, c'est Ah sûr, parce que oui. c'est pas si évident que ça à jouer non plus. Mais bon, Samuel Jackson en même temps, enfin moi j'ai jamais vraiment douté que c'était un mauvais acteur. Non, honnêtement, avec le pédigré qu'il a, C'est ça, honnêtement... pour moi c'est un peu un acteur caméléon qu'on a vu un peu partout. Ouais. Et du coup, voilà. Bon, ici, oui, c'est clair, c'est pas le rôle de sa carrière, même si le rôle de Mr. Glass reste très intéressant, surtout à analyser plus en profondeur. Mais celui qui, honnêtement, moi, me bluffe encore une fois, c'est James McAvoy. Genre, il y a une scène, ça doit durer, je sais pas, 5-6 minutes, peut-être un petit peu plus, mais il change de personnalité toutes les. Tous les 3-4 plans, quoi. Et c'est des plans rapides. Parce que lui, alors, il est dans une cellule où il y a un système de lumière, et en fait, pour protéger les gardiens. Et les gardiens, quand ils entrent et que lui essaie de s'approcher, hop, il y a des flashs, en fait, qui se Ouais, déclenchent. et qui font changer de personnalité en Et du fait. coup, ben voilà, ça provoque quelque chose en lui et ça lui fait changer. Donc, il passe de Patricia à Kevin à la machin. Bon, la bête reste toujours Contrôlé. contrôlée, plus ou moins. Ouais. Et on comprend vraiment aussi ce que j'avais un petit peu moins saisi quand même dans Split, où c'était pas forcément aussi clair, tout ce lien qu'il y a finalement entre les différentes personnalités de Kevin, qui sont là pour le protéger lui parce qu'il a subi un traumatisme. Et la bête finalement qui est un peu son libérateur, son exutoire quoi. Donc c'est très intéressant aussi à ce niveau-là. Et puis évidemment, bon, on revient sur du Shyamalan, il y a aussi des twists. Et ça, Oui, c'est sa grande marque de fabrique. parce que enfin on va peut-être pas spoiler le film parce que bon il est Non. ouais, même s'il est sorti en janvier je pense que comme toi il y a quand même des gens qui l'ont pas encore vu Oui. et qui se le gardent de côté mais sans vraiment en dire plus qu'est-ce que tu as pensé de cette fin ce twist qui révèle quand même quelque chose d'important moi je trouve pour Ouais. Qu'est-ce que j'en ai pensé? ouais. J'ai trouvé ça osé, en fait. Ouais. J'ai trouvé ça assez osé parce que tout le long du film, on essaie de nous faire croire à quelque chose. On arriverait presque à nous en convaincre. Ouais. À la fin, on se rend compte que non. Et puis, en fait, ben, c'était carrément non parce que comment dire, les aboutissants du scénario tendent vraiment à nous montrer qu'il y avait une vraie raison à tout Ouais. ça et que. Donc j'ai trouvé que c'était assez couillu et que c'était plutôt bienvenu. Oui, moi franchement je Alors, l'ai pas vu venir, hein, honnêtement. bah Alors non, moi non que plus. Adrien disait ouais moi je l'ai vu venir. Ouais, mais Adrien, de toute façon, il avait un a priori déjà avec ce film dès le départ. C'est un peu comme ceux, voilà, on parlait de Jurassic World il y a tout de suite là avec le court-métrage. C'est voilà, t'entends Jurassic World, ah bah tout de suite, oh bah oui, non mais c'est de la merde. Oui. Voilà, Jurassic Park c'était 93 et puis c'est tout. Hein. Après c'est pourri quoi. Donc, mais ça, c'est voilà, j'adore Adrien, il le sait, mais c'est Non. pour là-dessus, Voilà, il on me se saoule taquine avec un ça. peu. Il a, il a des, il a des, il se ferme à des trucs. Voilà, Ouvre-toi, ouais. Adrien. Le monde est grand et vaste. C'est ça, il y en a pour tout le monde. C'est pas parce que ça te plaît pas que c'est pas bon. Moi j'ai trouvé ça très bien. Donc voilà ce que j'ai à peu près à Par dire sur rapport à Glass. Split, tu as préféré? Je sais pas, ben Split, il y a vraiment une ambiance particulière. Ouais. On est un petit peu moins sur. C'est plus huis clos en fait. Oui, Ouais. là on est sur quelque chose d'un petit peu plus classique. Alors, c'est vrai que je pense qu'en termes d'ambiance, Split est plus intéressant. Mais en termes d'histoire, Scénario, tout Glass. ça, Voilà. ouais. Moi j'aime beaucoup la patte Shyamalan, donc je pense que ce serait Glass. Ok. Ouais. Mais. Même devant Incassable. Ah non, ça reste Incassable en incassable. premier, Oui. ouais. Non, ça reste incassable. Mais voilà. Ok. Et puis après, si, le petit truc en plus, c'est par exemple, on a son fils, à Bruce Willis, qui revient. Ouais. Tout ça, c'est intéressant, surtout que son fils a quasiment le même rôle que dans le premier. C'est lui qui ben, finalement, enfin, c'est comme souvent chez Shyamalan, c'est les enfants qui sont un peu la voix de la raison. Ça, c'est un héritage très Spielbergien. Donc voilà, moi c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et que bon, il sera probablement dans mon top parce Ok. que ça a été une très bonne surprise. Et du coup, j'en ai aucun des trois à la maison, faudrait que je les achète. Peut-être qu'ils vont faire un coffret, quelque Une chose. trilogie, peut-être? Ouais, Bah, c'est ce possible. serait logique en même temps. Bah oui. Hein. Ok, bah très bien, bah on va changer totalement d'ambiance. Ah oui, pour le coup, On va oui. passer des asiles psychiatriques à enfin à Pokémon Détective Pikachu, voilà. Donc film sorti en France le 8 mai 2019. Du coup, c'est un film que j'ai vu en mai, donc excusez-moi d'avance si mes souvenirs sont un peu troubles parce que j'ai voilà. Mais en tout cas, je sais l'impression qu'il m'a laissé. Donc déjà, enfin, moi je trouve que c'est important de dire pour ce film, c'est que il a été en développement très longtemps. Au scénario, il y a quatre personnes. Dan Hernandez, Benji Samit, Rob Letterman et Derek Connolly, qu'on connaît un petit peu pour ses scénarios dont on parlait juste avant, Jurassic World et Jurassic World Ah oui, Fallen c'est lui qui a Kingdom, écrit ça? avec Colin Trevorrow. Voilà. Et oui, enfin, il était en partie dans le groupe de scénaristes qui a enfin, qui a participé au scénario. Donc, film quand Et même. Il n'y a pas Justice Smith dans le film? Si, si, si, si. Qui joue dans Fallen Kingdom, il me semble. Ouais, ouais. Okay. Qui joue dans Fallen Kingdom et dans The Get Down aussi, une bonne série. Et Netflix, oui, effectivement, voilà. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, c'est sur Netflix que je conseille d'ailleurs, qui est plutôt bonne, même si j'ai pas vu la deuxième partie, donc je pourrais pas conseiller jusqu'au bout. Bref, donc Justice Smith en rôle principal et Ryan Reynolds, c'était un peu le. Un des aspects qu'on mettait partout, Ryan Reynolds fait la voix de Détective Pikachu voilà, dans ce film. Donc Détective Pikachu, c'est un peu une ambiance particulière parce que c'est déjà le monde de Pokémon à la base, en fait, c'est. Il est. Enfin, Détective Pikachu prend la base de ce monde qui est voilà, un monde. Assez sympathique au demeurant. mais c'est que si c'est enfin si c'est enfin moi j'ai vraiment que j'ai jamais joué au jeu et tout, mais j'ai la série oui voilà, la série que j'ai découvert quand j'étais petit. Moi c'était assez bon enfant quand même, même voilà. S'il y avait des oui il y avait moments... des moments ça abordait quand même des thématiques intéressantes Ouais, c'est... Et là, on est quoi ? On est à mi-chemin entre ça et Deadpool ou Ted c'est... avec Ryan Reynolds, quoi. Non, il est voilà. En fait, c'est un peu ce que je voulais. En fait, on rajoute un aspect enquête à ce monde, du coup, un peu plus noir, un peu plus voilà, un peu moins coloré. Parce que déjà, ça se passe principalement dans une ville où il fait quasiment tout le temps noir. Déjà, la réalisation qui est de Rob Letterman, moi je la trouve pas géniale. Bon, enfin, il est derrière Gang de requins, Monstres contre Aliens. Pour moi, c'est quasiment les pires DreamWorks, honnêtement. Et Chair de poule, le film que je n'ai pas vu. Ah oui, c'est lui qui a fait ça. Voilà. Donc, bon, on voit déjà le personnage qui est derrière la production. Alors, moi, je vais pas dire non plus qu'il est mauvais parce que je trouve que si on. Alors, il joue énormément. Ça, on s'y attendait. Il joue énormément sur la film nostalgique et ça fonctionne par moments, un peu moins sur d'autres. Par exemple, on a des moments justement où ça clash un peu parce que on sent qu'ils veulent faire un film un peu adulte, mais on sent qu'ils sont réfrénés par l'univers Pokémon, justement, ouais. Qui s'adresse principalement aux enfants. C'est ça. Et du coup, c'est un film qui a toujours le cul entre deux chaises avec un Pikachu qui dit parfois des gros mots. enfin voilà, déjà juste. On s'y attend pas, voilà. Parce que dans la série, il sait dire que son nom. Voilà, quoi. C'est ça. Il y a pas un film en 2017 où il parlait Pikachu à un moment. Je sais plus. Moi, je les ai pas vus, hein, les films. Moi non plus, après, je les ai pas vus. Il y a pas un film justement qui reprenait un petit peu tout. I choose you, là où il reprenait. Ben, Sacha, ça y est, partait en quête. Ah oui, oui. Il reprenait la base, ouais. Enfin, il reprenait le tout début, ouais, oui. Je l'ai pas vu, donc je pourrais pas. J'ai pas vu toute la série Pokémon. Non, mais le premier, en plus, elle continue actuellement, donc. Mais moi, j'ai dû voir que le premier cycle, je crois, là. Ouais. Là, ils doivent être sur Pierre et Lune, non ? Un truc comme ça, là. Honnêtement. Je sais plus quoi. Moi, je sais juste que j'ai précommandé le prochain jeu sur Switch et c'est tout ce que je sais. D'accord. Enfin, j'ai pas suivi les histoires au-delà de la deuxième ou troisième génération, quoi. Donc, ok. Et là, ils en sont à la septième, huitième, je crois, donc. Sixième, je crois. Sixième, ok. Bon, voilà. Mm. Désolé. Donc, voilà. On sent que le film a toujours le cul entre deux chaises. On expliquera bien sûr que pourquoi Pikachu parle alors que tous les autres Pokémon ne disent que leur prénom pendant tout le film. Oui, parce qu'il n'y a pas que lui, évidemment. Il y a que lui. Il n'y a pas que Pikachu en tant que Pokémon. Non, il n'y a pas que Pikachu en tant que Pokémon. Il y en a énormément. Il y en a même de quasiment toutes les générations. Mais on est comme dans la série, on est dans un monde où il y a des Pokémon. Il y a des Pokémon en liberté, que des personnes de la ville, du coup, vont parfois faire des randonnées pour aller en récupérer, etc. C'est comme. Et donc il y a des dresseurs, il y a voilà, des. Voilà, c'est ça. Il y a des arènes, enfin, il y a tout. Il y a tout. Ouais, donc l'univers Pokémon est bien là. Est bien là, en fait. C'est vraiment, on prend cet univers-là et on rajoute un élément de détective, en fait, vraiment d'enquête sur ce monde-là, donc le rendre un peu plus noir, un peu plus. D'ailleurs, par exemple, il y a une scène tout entière qui se passe dans des combats illégaux de Pokémon en fait, où ils se combattent jusqu'à la mort, Ah oui. Ah, dans c'est les plus sombre bas-fonds quand de la même, ville, etc. Enfin voilà, ouais. ça va jusque-là. Mais bon, on voit pas des Pokémon morts, etc. Hein, Non, mais non. voilà. Mais oui, il y a quand même cette idée, oui, ça va un petit peu De plus loin. ouais, où il y a un peu l'idée exploitation animale qui est un peu abordée, mais qui n'est pas non plus très creusée, je trouve. Mais elle est quand même là, elle a le mérite d'être là en fait, voilà. Parce que sachant que chaque, en fait, quand ils sont dans dans la ville, les habitants en fait, ils ont si c'est pas des dresseurs, ils ont principalement un ou deux Pokémon pour faire leur, par exemple pour les aider à faire les courses ou des choses comme ça. Enfin voilà, Ah c'est plus oui, des serviteurs voilà, entre guillemets, que d'accord, et ça c'est intéressant. Voilà, donc y a des aspects vraiment intéressants au film, même si c'est pas vraiment très creusé en fait. C'est juste abordé, c'est Ouais, c'est vraiment évoqué, mais on c'est tout, caresse la ouais. surface de quelque chose qui pourrait être intéressant, mais en fait le film se focalise plus sur l'histoire de Détective Pikachu avec Justice Smith, donc Tim Goodman en fait, le nom du personnage, qui lui, ben en fait il veut pas être. Enfin, tout le monde lui dit il faut que tu aies un Pokémon, il faut que tu sois dresseur, mais lui il veut pas vraiment en fait. On saura plus enfin, on en saura plus pourquoi plus tard, mais ça je veux pas vous spoiler, parce que c'est quand même un élément assez important de l'intrigue. En tout cas, l'aspect enquête, tout ça, bah, ça reste très très enfantin en fait. Et c'est là où j'ai moi personnellement un problème, c'est que le twist final qui devrait être tellement incroyable en fait, bah, moi je l'ai trouvé dans les 20 premières minutes du film, sachant que le film fait à peu près 1h20, quelque chose comme ça. Un Oui, il est peu pas très long, ouais. moins. Du coup, c'est un peu dommage, je trouve, que bah, on se retrouve avec des avec non un élément d'intrigue en fait, que on sait honnêtement la plupart des personnes qui vont voir ce film et qui ont un tout petit peu du jeu, parce qu'il y a beaucoup d'indices en fait, il y a énormément d'indices sur le fait que le twist en fait arrive, et que c'est bien ça, qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Bah, en fait on s'ennuie quand on a trouvé ça, parce que l'enquête elle est pas très intéressante en elle-même. Il n'y a pas de y a des moments de mise en scène qui sont plutôt sympas, parce que t'as des grands quand ils partent dans la nature, etc. Il y a des moments d'exploration, etc., qui sont sympas, mais ça reste quand même plutôt après ça reste plutôt enfermé dans la ville, à part cette scène, quoi. Et du coup on n'a pas cet aspect aventure, etc., qu'on pourrait espérer d'un film Pokémon. Donc voilà, niveau visuel, certains Pokémon, dont Pikachu, dont Psycho-Kwak, qui sont les Pokémon principaux du film, puisque c'est les deux qui accompagnent les héros, sont vraiment bien faits, honnêtement. Psycho-Kwak. Psycho-Kwak, tu vois pas qui c'est? Si, Ah si, c'est le c'était Pokémon un de Pokémon Ondine. de Ondine, Ouais, ouais. c'est ça, exactement. Ouais. Et honnêtement, C'était quoi? C'était un Pokémon O? c'est un Pokémon O et Psy. O et Psy, Ouais. ouais, c'est ça. Putain, je sais ça, quoi. Bah oui, non, mais. voilà. Mais du coup, c'est de lui que vient principalement le côté humoristique du film, pour les enfants et honnêtement pour les adultes, parce que Pikachu qui dit un ou deux gros mots, honnêtement, à part le fait d'être un peu. C'est assez compliqué à passer, je pense quand même, hein. Ouais. Bon, après, il dit pas un énorme gros mot. Je me souviens plus exactement de ce qu'il dit, mais c'est pas quelque chose qu'on s'attendrait à entendre de la bouche d'un Pokémon, en fait. Voilà. Ouais. Mais sachant que c'est, enfin, que c'est Ryan Reynolds qui fait la voix, etc. Donc il y a tout cet aspect-là derrière, et qu'ils essayent de parler à un public adulte et enfantin en même temps. Donc voilà. Voilà. Visuellement, je voulais juste dire que des Pokémon un peu secondaires, hein, qu'on voit un peu passer dans les rues. Est-ce qu'on voit un roux Ouais. Il me semble bien, ouais. Bon, c'est Et je crois bien. qu'il chante même une chanson. Donc, C'est trop bien. honnêtement, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble bien, ouais. Donc, Non, ouais, honnêtement, moi j'ai presque préféré l'aspect comique, psycho-quack, détective, enfin, psycho-quack, justement, qui fait un peu n'importe quoi, qui est un peu. Ben, qui est un peu qui, en fait, il est tout le temps stressé, quoi, et du coup, ça amène pas mal de situations humoristiques, plutôt que l'aspect, honnête, entre guillemets, pour les adultes, qui est assez raté, je trouve. Ils auraient dû se contenter de faire vraiment un film. Pour enfants, mais que les adultes auraient pu apprécier justement pour les scènes comiques que Psycho-Quack apporte ou d'autres Pokémon pourraient apporter. Voilà, donc le film n'est pas mauvais, honnêtement, c'est un film moyen qui a ses défauts. Qui, bah, du coup, quand on a découvert le twist, bah, il est un peu long parce que on se dit, mais quand est-ce que ça va arriver? Parce que voilà, c'est pas très intéressant. Visuellement, c'est plutôt joli sur certains aspects, sur d'autres, les Pokémon en arrière-plan, c'est plutôt moyen. Honnêtement, ça aurait mérité un petit peu plus de travail, je trouve. Mais voilà, c'est un film qui, honnêtement, si vous êtes nostalgique ou si vous êtes toujours dans la période un peu Pokémon, qui se regarde sans trop de problèmes, quoi. Si, voilà, si on est assez patient pour repasser le fait qu'on a découvert le twist pendant les 20 premières minutes du film. Voilà. Un rattrapage, un autre rattrapage du coup pour Eddie. Moi, c'est un film que j'ai pas vu par contre et que je voudrais voir parce qu'il y a énormément de retours qui disent ouais, c'est le meilleur film de l'année, etc. Bon, j'y crois peut-être pas, mais en tout Meilleur cas, film de l'année, non, voilà. mais c'est pas un mauvais film du tout, Donc, effectivement. Alita Battle Angel, c'est le nouveau film de Robert Rodriguez, si je me trompe pas, et qui est sorti en février. Du coup, dis-moi ce que tu en as Et ça fait le pensé. lien encore, c'est marrant, ça fait le lien avec un anime en plus. Oui. Parce que c'est l'adaptation d'un C'est manga qui l'adaptation. s'appelle Gunm. Gun. Oui, c'est Gun. Ouais, Gun. c'est un manga que j'ai jamais, enfin que j'ai jamais lu, mais dont j'en ai entendu parler énormément en disant Apparemment, c'est très que très bon. c'est très très bon, etc. Évidemment, moi je ne l'ai jamais lu non plus, hein, parce que je n'ai pas vraiment lu de manga. C'est un film que Bah je pourquoi pensais tu l'as voir en vu en fait? salle. Alors, je pensais aller le voir en salle parce que c'est vrai que les retours étaient pas mauvais, puis je me suis dit, tiens, c'est intriguant, pourquoi pas. Et au final, au dernier moment, on n'a pas pu. Donc, bon, on a fait l'impasse dessus. Et puis, ben, mon beau-frère, qui aime beaucoup aller aussi voir des films, l'avait trouvé très bon et l'a acheté en Blu-ray. Donc, du coup, je l'ai vu en Blu-ray Ok. à la maison et sur un écran 4K. Donc, c'est très bien. Ouais, bah oui. Et effectivement, c'est les bonnes conditions pour voir le film. Et je pense que ça devait aussi valoir son pesant de pop-corn en IMAX. Oui, bah j'imagine, ouais. Parce Moi j'ai jamais que vu de film en IMAX, mais c'est. ça doit être. Ah oui, ça doit être assez impressionnant, Ouais. je pense. Ah, Parce que c'est les ça a de pauvres la gueule, petits. quoi. Comment dire? C'est ceux hors de Paris là qui se plaignent de ne pas pouvoir voir de IMAX. Oui, bah nous, les provinciaux, quoi. Ouais. Voilà, les pauvres petits provinciaux. Bon. Oui. Du coup, Alita Battle Angel, qu'est-ce que ça donne? Bon, je pense que du coup, techniquement, parce que Robert Rodriguez, c'est quand même quasi. Moi, je dirais quasiment que Bah, c'est c'est plus un Sin City. technicien que vraiment un réalisateur, même si, honnêtement, il a fait des bons films. Mais Ah oui, quand même, oui. oui. Du coup, qu'est-ce que ça donne vraiment au niveau de Bah moi, c'est vrai l'histoire, que tout ça? j'avais vu que Sin City. Sin City, j'ai tué pour elle. Ouais, mais t'as vu les Spy Kids? Non. Non, t'as pas vu les Spy Kids? Non. Ok, ouais, non, mais c'est. Non, je n'ai Honnêtement, je pas te les grandi conseille avec pas. Hein. ça. Et je m'en. Voilà. Et je suis bien content de m'en être préservé, en fait. Ça n'avait pas l'air terrible, hein, Non, quand même. honnêtement, c'est vraiment pas terrible. Moi aussi, moi j'ai grandi avec ça, tu vois. Et honnêtement, pour les avoir revus, je comprends pas la nostalgie sur ces films parce que c'est horrible. Bref. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, J'ai même vu le 3D au cinéma, quoi, avec des lunettes rouges et bleues. en fait, je me demande si j'ai pas vu Machete. Ah, Machete, oui, c'est possible. C'était très barré, il me semble. Ouais, c'est avec Danny Ouais, le Trejo. prochain sera bien barré aussi parce que Kills Again in Space avec Danny Ouais, bah oui, non, mais de toute façon, Trejo. c'est de la série B, hein, à assumer, donc. Ah oui, ben c'est pour ça que c'est cool, d'ailleurs. Donc Alita, alors de quoi ça parle? Donc Alita, c'est l'histoire d'une jeune, comment dire, c'est pas vraiment une robot, c'est une cyborg. Oui, C'est une c'est une humaine qui a des parties robotiques. et c'est ça. C'est une cyborg, bah, comme dans comme chez DC Comics, en fait, le personnage oui, voilà, éponyme, c'est la même chose. Voilà. Et du coup, elle va être reconstruite par le docteur Ido. Déjà, ça se passe au Japon. Alors non, c'est même pas. C'est une ville future. Enfin, c'est ouais, un. T'as pas une de. Ville futuriste. De... Il y a eu. Il y a eu ce qu'ils ont appelé. Ça se passe en 2500 et quelques. Il y a eu ce qui s'est. Il y a eu ce qui s'appelle l'effondrement. Et du coup, il y a plus qu'une ville qui subsiste. Et en fait, enfin, c'est deux villes l'une sur l'autre. Il y a une ville à terre et il y en a une autre en l'air. Donc bon, déjà c'est très SF à ce niveau-là et c'est plutôt cool parce que ça donne vraiment des univers intéressants. Tout le monde est plus ou moins cyborg parce qu'ils ont tous un peu des bras, ils ont tous un bras qui manque mais du coup qui est un bras robotique, un bras bionique. Et voilà. Donc Alita, elle est quand même plus proche du robot que de l'humaine parce qu'elle, en fait, elle n'a d'humain que sa tête. Quand elle est reconstruite par le docteur Ido au début du film, elle n'a plus aucun souvenir de sa vie d'avant. Ça va revenir un petit peu par bribes, mais en fait, elle va se découvrir au fur et à mesure qu'elle a des, qu'elle était probablement une combattante puisqu'elle a des capacités de combat assez élevées. De fil en aiguille, elle va se rendre compte que il y a toute une organisation qui corrompt en fait la ville d'Iron City, donc la ville d'en bas, et qui vont se lancer à sa poursuite parce que elle a potentiellement des choses à je peux pas trop en dire en fait, oui, sans en dévoiler. Ouais. Mais elle en fait, pas... c'est un peu deux castes sociales, c'est-à-dire c'est un peu oui, comme Elysium, c'est-à-dire ceux Elysium, qui vivent. Elysium, où ça m'avait fait penser aussi à un film qui était beaucoup moins bien, mais Upside Down. Ouais. Avec. Oh là là. Oui, c'est un film d'adolescent là. Voilà. Mais il y avait ceux, enfin en fait, ces deux villes, mais alors c'est pareil, une ville en haut, une ville là-bas, mais enfin pas vraiment parce que du coup il y a un centre de gravité, mais ils sont en fait il y a le monde en haut. Qui est à l'envers et pour le monde d'en bas il est à l'endroit enfin c'est le monde d'en bas est à l'endroit, le monde d'en haut est à l'endroit, mais l'un pour l'autre ils sont à l'envers en fait, c'était un peu compliqué. Ça m'a fait un peu penser à ça, bon c'est plus profond que ça, même si le film a quelque chose d'assez teenage et parfois c'est un petit peu niais, mais ça empêche pas ça, je veux dire ça gâche pas non plus tout le reste, oui, ça reste intéressant. Et après le scénario est intéressant aussi, bon clairement ça donnait lieu à une suite qui ne se fera pas parce qu'apparemment ça a pas assez bien marché au cinéma, donc c'est un petit peu dommage parce que l'univers est très intéressant parce que finalement à la fin du film son histoire n'est pas totalement finie hein. Ouais, d'accord. Donc c'est toujours assez risqué de laisser des fins ouvertes comme ça, surtout là où tout l'arc narratif de l'héroïne n'est pas terminé. Maintenant en fait on aura peut-être probablement jamais la suite. Ouais. À moins de lire le comics, le manga. Donc du coup voilà. Au-delà de ça, c'est un film qui est intéressant sur plein de points parce que déjà techniquement c'est bien fichu. Alors moi j'ai une question parce que j'ai vu que des images, j'ai pas vu le film, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai rien vu. Est-ce que c'est un film d'animation ou alors est-ce que c'est avec des vrais acteurs? C'est un film en prise de vue réelle, c'est l'actrice qui est en performance capture. D'accord. Ok. Ouais. Et qui, elle, par contre, a un design très animation, oui, avec des grands avec yeux. Avec des grands yeux, etc. C'est, c'est très manga, pour le coup. Mais honnêtement, on s'y fait vite. D'accord. On s'y fait vite, et elle demeure attachante. Donc, moi, ça ne m'a pas posé de problème. Tout le monde est bon, les acteurs. Mm-hmm. Tout le monde est bon. Peut-être un peu moins Keenan Johnson, là. Keenan Johnson, qui est le crush de Alita. Hein. Ouais. Et voilà. Alors après, voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que par exemple, elle, c'est une cyborg, et voilà, il y a pas, en fait, entre cyborg et humain, il y a des relations, il y a pas de, à ce niveau-là, il y a pas de problème. C'est le film démontre que finalement, une société recomposée, un peu comme ça, fonctionne. Ouais. C'est pas un film qui est très pessimiste, curieusement, sur l'avenir de l'humanité. Mmh. C'est pas vraiment, c'est pas totalement une dystopie, alors c'est pas hyper joyeux non plus, hein, parce que la criminalité règne et tout ça, mais il y a un savoir-faire qui existe et qui est surtout atteignable finalement puisqu'il est préservé dans la ville d'en haut. Le film parle plus d'inégalité que d'un monde en perdition. D'accord. Même si au-delà des frontières de la ville, il n'y a plus grand-chose, hein, malheureusement. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé que c'était hyper pessimiste de ce côté-là et qu'en fait, on sent que l'humanité a beaucoup de capacités pour peut-être réparer ses erreurs, mais c'est juste qu'on ne les laisse pas faire, en fait. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Alors que, par exemple, Avatar était très pessimiste oui. sur l'avenir de l'humanité, où finalement, les hommes reproduisaient sur Pandora ce qu'ils avaient fait sur Terre. Mm. Et le film s'ouvre quasiment sur... s'ouvrait quasiment sur Jack Sully qui est en France, qui est sur Terre. Alors la Terre égale la France, hein, désolé de mon chauvinisme exacerbé. La France, monsieur. qui est du coup chez lui. Et par exemple, à la télé, on voit que les scientifiques sont tout contents parce qu'ils ont réussi à cloner des tigres de Sumatra. Mmh. Waouh. D'accord. Et c'était, donc pour le coup, voilà, c'était des petits messages comme ça qui montraient que c'était beaucoup plus grave. Alita, on est un petit peu moins là-dedans. Et pourtant, c'est produit par James Cameron aussi. Ouais. Et du coup, au-delà de ça, le film tient aussi beaucoup par ses scènes de combat. Ouais. Qui sont très très efficaces et vraiment bien fichues. Quoi d'autre? Visuellement, ça a de la gueule. Les scènes de combat sont bien. Le scénario est intéressant, mais finalement, le problème, c'est que ça va pas assez loin parce que ça aurait mérité à être développé sur plus. Et c'est ce qu'ils pensaient faire. Malheureusement, ouais. ça n'a pas suffi. Parce que le film, c'est pas qu'il a rien rapporté, mais c'est que finalement, il a coûté tellement cher. Ouais, que ça. Ils sont pas retrouvés financièrement, en fait. Quoi. Voilà. Donc voilà. Donc moi j'ai bien aimé. C'est vrai qu'une suite aurait pu me plaire. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Apparemment, il y avait des projets de série, peut-être. Je crois. Ouais. Bon, c'est comme punaise. Maintenant, j'oublie le titre. Mais tu sais, le film des Wachowski là. Celui que tout le monde a détesté, sauf quelques personnes, dont moi et toi, je crois. Après Claude Atlas, il y a eu avec. Jupiter Ascending. Voilà. Ascending. Oui, qui était. Moi, je très, trouvais que c'était un super univers qui avait de quoi faire des suites et tout ça. Ouais. Mais voilà, le film n'a pas fonctionné. Tu sentais qu'ils avaient un truc énorme entre voilà, les mains. C'est ça. Et que les studios leur avaient dit ah non, faut trancher, hein, c'est trop long, il y a trop de choses, on va rien comprendre. Et que du coup, oui, ils nous l'avaient un peu fait. Bon, on va juste vous donner ce que vous voulez voir. Baston et des effets spéciaux à gogo et puis ouais, basta, on sentait le potentiel mais voilà c'est ça c'est on sentait que c'était pas exploité mais que finalement c'était presque volontairement un pied de nez en fait ouais c'est ça ouais. Qu'on faisait et... c'est un peu votre faute le public si on n'a pas pu faire ce qu'on voulait parce que vu que vous allez voir que des films à la con c'était un peu l'impression qui en ressortait ouais, alors Alita on sent que ils ont pu faire un petit peu ce qu'ils voulaient mais que on leur avait un peu dit, ça pourrait être bien de créer une nouvelle franchise pour contrer un peu Marvel et tout ça. C'est qui derrière? C'est la Fox, tu sais? C'est la Fox. Ouais, c'est la Fox. C'est un film Disney. Ouais, voilà, bah, c'est un film Disney. Non, c'est un film de la Fox et ce sera toujours un film de la Fox. ouais, c'est ça. Mais voilà, je pense que c'est un film qui aurait vraiment gagné à faire peut-être une trilogie, quoi. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Mais allez le voir, hein, c'est très bien, ça vaut le coup, et puis c'est très divertissant. Ouais, non, mais moi j'ai vraiment envie de regarder, donc voilà. Je le ferai sûrement avant la fin de l'année. Voilà, donc moi je vais parler très rapidement. Je vais essayer de The Dead Don't Die, même si c'est un film que je trouve. Enfin, le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais c'est un film qui m'a pas énervé, mais. Embêté, en fait. Je me suis ennuyé devant ce film et j'ai pas compris ce que voulait faire le réalisateur. C'est de Jarmusch, c'est ça ? C'est de Jim Jarmusch, voilà. C'était le premier film de Jim Jarmusch que j'ai vu de ma vie. Ah oui ? J'avais pas vu Lovers Left Alive. Only Lovers Left Alive. Only Lovers Left Alive. J'avais pas vu Deadman. Enfin, j'ai rien vu de lui. Alors, Deadman, j'avais essayé, mais j'ai pas pu. Ouais. C'était voilà. Trop lent en fait pour moi. Voilà. J'y arrivais pas. Alors autant je peux voir du Malick, hein, ils vont me dire, mais complètement con. Et le regard du Malick, il n'arrive pas à regarder du Jarmusch. Ouais. Mais c'est pas la même lenteur, c'est pas la même chose. Et pourtant j'adore Johnny Depp. Hein. Ouais. Mais là, j'ai pas réussi. Et t'avais aimé le Only Lovers? Et Only Lovers Left Alive, j'avais trouvé ça absolument magnifique. D'accord, ok. Comme quoi, faut pas chercher de Oui, bah logique. oui. Mais C'était un peu une déconstruction du vampire, c'est ça, si je me trompe pas. ben, c'était pas forcément une des. Enfin, Non, c'était. c'est des vampires, mais c'est Ouais. surtout que ça posait vraiment un questionnement sur ben, un peu comme glace sur ce que c'est que le vampire, Oui, puis ce que voilà, c'est surtout que de vivre éternellement. ouais. Et ça, c'était hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on n'avait pas énormément vu en plus. Ouais. Et puis surtout, ben voilà, le duo fonctionnait Ouais. magnifiquement. Le trio même, parce que c'était Tilda Swinton, Mia Wasikowska, et puis, comment il s'appelle? Loki? Merde, j'ai plus son Putain, mais nom. on oublie tous les Tom membres, quoi. Hiddleston. Tommy Dalston, voilà, très bien. Voilà. Les trois étaient très très bons. Voilà. Ok, d'accord. Bah, moi, en fait, Only Lovers Left Alive, j'ai vraiment envie de le voir. Même après avoir vu Dead and Die, encore plus quand on parle du coup, parce que là, honnêtement, moi, le questionnement philosophique, bah, je l'ai vu au placard. Enfin, il n'existe pas dans ce film. C'est censé C'est être quoi? une C'est une comédie? C'est quoi? comédie horrifique, Ouais. dont le seul intérêt, en fait, c'est un peu. Et je spoile pas en disant ça parce que ils le disent dans les 5 premières minutes du film que c'est un peu de briser le quatrième mur. Mais le problème c'est que en fait on brise le quatrième mur un petit peu au bout des 5 premières minutes et après on fait un film entier où on questionne une fois le quatrième mur et c'est tout en fait. Le reste c'est enfin c'est quasiment du vent quoi parce que au niveau de la comédie c'est drôle deux fois surtout enfin sur 1h30 Et pourtant, il y a Carol Kane. voilà mais non mais C'est Liliane dans dans Unbreakable Kimmy Schmidt. ah Non, oui. Viviane. Non mais elle joue une zombie quoi Oui, mais ça doit être drôle quand même. Non. y a quelques moments drôle, mais c'est honnêtement, c'est tellement. En fait, moi j'aime beaucoup les films bizarres. C'est les films à la Dupieux, tout ça. Moi je peux supporter tout ça, il n'y a pas de souci. Parce que y a une certaine. Comment dire. On sait, même si on ne Il sait y a pas. Iggy Pop en Ouais, zombie, il quoi. y a Iggy Pop, il y a RZA, il y a. Enfin, y a Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloé Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, enfin, il y a du monde, il y a du casting, il y a du tout ça. Ouais. Mais ça fait prétexte un peu, quoi. C'est prétexte déjà, complètement. Parce que, bon, en fait, je vais dire ce qui se passe, c'est au bout de 5 minutes, en fait, c'est Bill Murray et Adam Driver, donc ce sont deux flics dans la ville, et la ville va se faire infester de zombies. Mais ils sont allés voir. Au tout début du film, ils sont allés voir un mec, un ermite qui est du coup qui vit dans le village, enfin en dehors du village, et qui est accusé d'avoir tué des vaches, il me semble, alors que on découvre que c'est les zombies qui ont fait quelque chose, voilà. Après, plus tard. Et du coup, le comique avec cet ermite fonctionne plutôt bien. On se dit, bah, c'est plutôt bien parti. Et dans la voiture, à un moment, Adam Driver dit quelque chose à propos du script. Et tu te dis, ah merde, bah, pourquoi il parle du script? Enfin voilà. Et tu comprends qu'ils essayent de briser le quatrième mur. Et j'ai pas révélé la fin parce que c'est pas dans l'intérêt du film non plus. Et je pense que ça peut peut-être intéresser des gens de le voir, même si je le conseille pas vraiment en fait parce que c'est un film. Qui du coup il a amorcé quelque chose au bout de 5 premières minutes, mais finalement il continue de faire comme s'il était dans un vrai film, comme si les acteurs jouaient vraiment. Voilà, et il y a des moments vraiment étranges où on ne sait pas vraiment ce que le réalisateur a voulu faire en fait. Tilda Swinton, enfin le personnage est complètement barré quoi. C'est une Écossaise qui arrive dans le truc et qui manie le sabre. Et qui découpe des zombies à la chaîne. Donc Enfin. c'est quoi? C'est la parodie de comment elle s'appelle dans The Walking Dead. Ah, de. Mission, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est possible, ouais. Mais, enfin. Honnêtement, même moi qui aime les films bizarres, barrés, tout ça, là, en fait, enfin, y a même pas d'explication, il n'y avait pas de but, il n'y a rien, en fait. À la fin, bah, rien n'est expliqué, rien n'est. Rien n'est démontré. Le film n'est même pas drôle. Et voilà, en fait, on s'ennuie mortellement pendant au moins 50-60 minutes du film, quoi. Parce que on se demande, mais où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'on essaie, enfin, moi, j'ai essayé de voir ouais, où est-ce qu'il voulait briser le mur, le quatrième mur, etc. Mais honnêtement, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Le film, c'est un peu du vent, clairement. Et j'ai pas compris l'intérêt de faire ce film, voilà. Alors peut-être que je suis passé à côté, c'est possible, hein. Bah, a priori, t'es pas le seul, du coup, hein. Je suis pas le seul parce que le film a l'air d'être assez mal aimé. Alors bah, si quelqu'un a aimé honnêtement ce film, qui m'explique pourquoi, comment, moi je veux bien l'entendre, hein, parce que voilà. Mais honnêtement, pour moi personnellement, même, enfin voilà, j'ai même les films où il y a du non-sens complet, etc., j'adore, c'est vraiment ma came de film, mais là, j'ai pas compris le truc, quoi, parce qu'il essaye vraiment de faire un truc sérieux, alors que c'est censé être barré, quoi, et il fait du barré avec du sérieux, enfin, bref, c'est un peu étrange, quoi. Voilà. Bon. Donc, The Dead on Die, je le conseille pas, honnêtement. On passe du coup, à Sibyl, un autre film qui est passé à Cannes, du coup. Film de Justine Triet, qui avait réalisé Victoria en 2016, Ah oui. film que je n'ai pas vu, hein. Bien sûr, voilà, Avec Virginie Efira et Virginie Adèle Efira, Exarchopoulos. voilà, et qui se retrouve dans ce film aussi, dans Sibyl, Ben oui, enfin oui, c'est Sibyl, oui. oui, dans Sibyl, pardon, C'est oui, oui, Sibyl non, que je mais parlais. Virginie Efira est dans Victoria aussi, donc c'est pour ça, Oui, du coup, oui, oui. voilà. Le film est sorti le 24 mai Ah oui, 2019. d'accord, la bataille de Solferino, tout ça. Ok, je vois qui c'est du coup. Oui. Ok. Donc il y a Gaspard Ulliel, ton acteur préféré, je crois, il dit. Mais Non. j'ai rien de Oui, particulier contre non, Gaspard non, non, Ulliel. non. Mais je sais. C'était par rapport au Xavier Dolan que. Ah, il est pas très bon dans le Xavier Dolan, Ouais. mais c'est un acteur Non, que non, j'aime mais bien, hein, je sinon. sais, je Non, t'entends. mais dans Juste la fin du monde, c'est de la faute à Dolan, hein, pour moi. Ouais. Et le personnage m'agace un petit peu Oui, aussi. ouais. Mais sinon, je Non, l'aime non, mais c'est un bien bon acteur, et il honnêtement, était je très très bien dans Saint-Laurent, par exemple. trouve. Ouais. Voilà, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Exarchopoulos. Exarco, pardon, C'est désolé. grec. Désolé, je Enfin, suis. je sais même pas si c'est grec, mais ça fait grec en tout cas. Hein. Ouais, Poulos. ça fait un peu grec, oui. Voilà, donc les rôles principaux. Et Neil Schneider et puis. Sandra Hüller aussi, Laure Laure Calamy, Calamy qui joue voilà. dans la super série 10%. Je n'ai pas vu. Bah, c'est très bien, je te le conseille. C'est sur Netflix, j'imagine, non? Oui, mais ce sera bientôt sur Salto. Ah, Oh ok, oh! super. Ça va être bien ça. Oui, Allez, on fait un salto. Non, mais oui, oui, du coup, j'ai pas parlé de quoi parler. Enfin, j'ai pas dit de quoi parler ce film. Donc, en fait, le film tourne autour de Sibyl. Donc, c'est une psychothérapeute qui est interprétée par Virginie Efira. oui. Mmh. Et en fait, à la base, c'est une auteure de romans. Ou une autrice, ou je sais pas comment Une on dit. auteur. Voilà, une Une auteure, très bien. auteure. Et du coup, en fait, elle a fait cette carrière de psychothérapeute pour pouvoir manger, quoi, clairement. Parce que à la base, sa passion, c'est l'écriture de romans. Mais l'écriture, ben, ça avait pas, enfin, ça avait fonctionné, hein, ça avait pas vraiment fonctionné. Et du coup, en attendant, elle avait pris cette carrière. Mais du coup, elle a une nouvelle patiente qui est Margot, qui est interprétée par Adèle. Voilà, je vais pas redire son prénom, son nom de famille, parce que voilà. Qui est Margot, donc une actrice troublée qui s'avère être une source d'inspiration pour son prochain roman. Du coup, en fait, elle va prendre de l'inspiration des histoires qu'elle entend en psychothérapie, enfin, quand elle la conseille, quoi, en psychothérapie. En sé séance, elle va prendre ces histoires que Margot lui raconte pour écrire son nouveau bouquin. Et du coup, Margot, elle devient un peu, comment dire, attachée, et même un peu trop attachée à Sibyl. Elle l'appelle à des heures insensées, etc. Elle lui dit qu'il faut absolument qu'elle vienne l'aider chez elle à 3 h du matin. Enfin voilà. Et du coup, en fait, elle va aller sur un tournage qui est en Grèce, il me semble, je sais plus, ou en Italie, Si, peut-être en Italie. Stromboli, alors je sais pas où Ouais, c'est. Hein. c'est en Italie. Ah oui, c'est Italie, oui. Bah oui, Pinocchio, pardon. Oui, en Italie, pardon. Voilà. Mais comme j'ai dit, c'est des films que j'ai vus en mai, donc mes souvenirs, voilà. donc voilà, elle va demander à Sibyl de venir avec elle sur le tournage. Et bah, sachant que Sibyl a deux enfants, elle a un mari, etc. Et donc, elle va accepter un peu à contre-cœur d'aller l'aider sur le tournage directement. Et c'est là que les embrouilles commencent parce que. En fait, toutes ces histoires qu'elle racontait par rapport à. En fait, c'était un acteur qu'elle aimait, mais que lui, il voulait pas poursuivre la relation. Voilà, il voulait juste. Comment dire? Vous voulez pour juste être la poli. pécho, quoi. Voilà, la pécho. Et du coup, voilà, c'est de ça dont vient sa dépression, etc. Enfin, c'est un film très verbeux. Je vais pas raconter la suite parce que c'est beaucoup de crises, de De ce que machins. je lis, a priori, c'est assez chiant. Hein. C'est un peu chiant. Honnêtement, on va pas se le cacher. C'est un film Cannes, voilà. Enfin voilà, c'est très verbeux. C'est très français en fait. Honnêtement, c'est un film très français. Mais en même temps, j'ai rien contre les films français hein, parce qu'il y a des très bons films français et Non même mais bien sûr. voilà. Mais c'est très comédie dramatique française, pour être plus précis. Dans le cliché, parfois. Donc voilà, il y a des. Honnêtement, comment dire, visuellement, la réalisation est plutôt bonne, honnêtement. Il y a des bonnes idées visuelles, en fait, de réalisation, sur les moments de séances de psy, etc. Il y a des bons plans, il y a des bonnes idées de cadrage, etc. Je trouve que c'est un film visuellement qui est plutôt plaisant à regarder en fait. Ouais. Ouais, c'est Mais pas Dangerous Method non plus, quoi. non, non, bah non, mais bah attends, voilà quoi. Mais il y a quelques bonnes idées, honnêtement. Je retire pas ça parce que ça reste un film qui, honnêtement, qui m'a tenu principalement pour sa mise en scène, en fait, je voulais voir ce qu'elle allait en faire, honnêtement, du film. Donc voilà, c'est bien fait. Les décors en Italie, tout ça, c'est super, enfin, c'est joli, etc. On voyage au cinéma, voilà, c'est magnifique. On se fait un peu chier, quoi. Et C'est un peu. C'est un peu. Alors, même s'il y a des moments où on se prend des dialogues, etc., ça commence à être un peu intéressant parce que y a une ancienne histoire de Sibyl du coup qui ressurgit un peu de la même manière que Margot le ressent avec cet acteur du coup elle revoit des scènes de son passé avec son ex du coup qui font écho du coup à la situation que Margot vit actuellement. C'est assez intéressant, il y a des moments scénaristiques assez intéressants, mais au final, honnêtement, on se dit tout ça pour ça encore, parce que le film se finit un peu en eau de boudin, et voilà quoi, c'est pas. On se dit, ben, c'était pas vraiment un moment très intéressant à vivre, quoi. Donc voilà. Moi, D'accord. je le conseille pas forcément, il en reste pour moi dans mes souvenirs de belles idées de mise en scène, quelques dialogues qui étaient assez percutants au moment où je l'ai vu au cinéma. Voilà, mais c'est pas non plus le. Honnêtement, c'est vraiment pas le film de l'année, quoi. Mais voilà, même si il avait pas l'ambition d'être le film de l'année, clairement. Voilà. On va passer à. Alors, si je me trompe pas, L'adieu à la nuit, rattrapage. Voilà, maintenant que vous m'avez entendu parler pendant des heures de films que j'aimais pas trop, qui étaient moyens en fait, clairement. L'adieu à la nuit, André Téchiné, si je me trompe pas. C'est cela. Qu'en as-tu pensé? Moi, je ne l'ai pas vu. Eh ben, alors, j'avais adoré quand on a 17 ans, Ouais. qui était sorti en 2017. Comme quoi, Exact. les titres sont bien choisis. C'était un de tes films préférés de l'année 2017, il me Je me semble. demande s'il était même pas premier de mon top. Premier ou deuxième, mais il y Premier. avait. Attends, 120 battements, il est sorti quand? En 2018 ou en 2017? 2018. Ok. Je ne sais plus. J'ai Ouais. regardé ça en même temps que Non. je parle Non, mais c'est bon, je fais les là. recherches. Ah, bon. Mais j'avais trouvé que. C'était un très beau film. C'était la première fois que je voyais un. Non, c'était en 2016. C'était pas en 2017. Ok, Pardon. oui, ouais. C'était Bon, bah voilà, très bien. C'était un film que j'avais trouvé vraiment très très beau. Ah non, c'était Zootopie en 2017. En 2016, mon premier. C'était deuxième quand on a 17 ans. Voilà, c'est ça. J'avais trouvé le film très beau et surtout très juste sur tout ce qu'il abordait. Et ça m'avait profondément touché. Donc du coup, j'avais pas forcément vu son film d'après, Nos années folles, qui pour le coup m'intéressait pas plus que ça. D'accord. Et L'adieu à la nuit, en fait, j'en ai même pas entendu parler. Honnêtement, moi non plus. Voilà. Et pourtant, bah, c'est un film qui est pas inintéressant du tout. Donc en gros, l'histoire, c'est donc en plus, alors c'est avec Catherine Deneuve qui est l'actrice phare de André Téchiné. Ils ont tourné énormément ensemble. Je crois qu'ils sont à plus d'une dizaine de collaborations, donc c'est Ah un oui, peu d'accord. Ouais. oui. Ils ont vraiment beaucoup tourné ensemble, si c'est pas plus d'ailleurs. Je vais regarder. Et a priori, voilà, c'est vraiment deux personnes qui se comprennent bien, qui se connaissent bien et qui du coup savent. Enfin, en général, quand ils bossent ensemble, ça donne souvent lieu à de belles choses. Et effectivement, L'adieu à la nuit est un très beau film, qui n'est pas exempt de défauts, mais ça reste un très beau film, bien mis en scène et vraiment et émouvant. Donc l'histoire, en gros, c'est l'histoire de Muriel qui gère un centre équestre en Occitanie, donc dans le sud-ouest de la France. Qui attend de recevoir son petit-fils qui s'apprête à partir au Canada et qui vient chez elle en fait avant de partir. Et du coup, quand il arrive chez elle, bah, il est assez froid. Alors il y a eu un drame dans la famille, hein. Lui il a perdu sa mère qui est donc la fille de Muriel et il ne parle plus à son père. D'accord. Donc il y a voilà, c'est quelqu'un d'assez brisé, son petit-fils. Elle, ben, elle aussi, bien sûr, elle a eu un traumatisme, mais on sent qu'elle se raccroche au reste. Et du coup, il arrive, il est assez froid, et on sent qu'il y a quelque chose il y a quelque chose d'autre au-delà de cette visite. Et en fait, elle va découvrir au fur et à mesure, et là, c'est pas un spoil, hein, parce que c'est le cœur du film. C'est ce qui va tout déclencher, donc c'est plus la résolution finalement qui serait spoilée, mais ça je le dirai pas. Elle va se rendre compte que son petit-fils s'est converti à l'islam et que il s'apprête à rejoindre Daesh en Syrie. Voilà. Wow, l'ambiance. Donc voilà. Et donc voilà. Donc là, il aborde quand même quelque chose d'assez cru et de pas évident parce que Touchy, bah, hein, clairement. surtout en ce moment. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, et c'est ce qui, et donc bon, alors tout le truc, ça va être, ben Muriel va essayer d'empêcher ça, quoi. Va essayer de sauver son petit-fils. Donc là, c'est vraiment, ben, c'est très beau en fait, parce qu'elle, c'est vraiment, c'est l'amour de cette grand-mère qui va tout faire pour sauver son, pour un peu sauver l'âme de son petit-fils, lui qui pense sauver son âme en accomplissant. L'œuvre d'un dieu sadique, parce que finalement. Et ce qui est intéressant en plus dans le film, c'est que Muriel, elle a vécu en Algérie. Donc, et elle a dans son entourage et dans son milieu professionnel, elle travaille avec un certain Youssef qui est dans les âges à elle, donc les âges de Catherine Deneuve dans le film, et qui lui, du coup, bah lui, c'est un pied noir en fait, c'est un. Comment, ce qu'on appelle ça vulgairement un pied noir, oui, c'est un. Bah, c'est un maghrébin qui, du coup, est venu vivre en France et qui bah, fait toute sa vie en France, quoi. Et quand ils apprennent finalement que lui, que le petit-fils bah, s'apprête à rejoindre Daesh, lui, voilà, et il dit quelque chose de très bien. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il n'y a pas de jugement, c'est qu'il fait je ne vais pas. Il a quelque chose à lui reprocher et lui dit en gros je ne vais pas aider quelqu'un qui salit l'islam. Et ça je trouve que c'est bien parce que tout le monde fait des enfin la plupart des gens oui, oh, bah, de toute façon tous les musulmans sont des terroristes maintenant comme ça c'est un fait établi par tout le monde alors Oui, non enfin, il y a parler que gros con, non mais c'est ça quoi mais il y a que les terroristes qui sont des terroristes hein. les Ouais, voilà, c'est terroristes ça. c'est eux qui détournent une religion pour en faire autre chose, les musulmans, bah, voilà, ils vivent leur foi, ils ont rien, ils font Ils chier ont rien demandé, personne. clairement. Voilà. Donc le film est très intelligent là-dessus, puisqu'il ne fait pas d'amalgame, il tombe pas dans cette facilité-là, et même vis-à-vis de Muriel, elle a pas d'a priori. Ce qui la gêne, c'est pas que son petit-fils devienne musulman, au contraire, parce que finalement c'est une culture qu'elle connaît bien, et avec laquelle elle a quasiment grandi tout au long de sa vie. Non, ce qui lui fait peur, c'est surtout que son petit-fils soit embrigadé dans le terrorisme, quoi. Ouais, ouais. Et donc le film parle de tout ça. Alors un petit peu à la manière de Made in France, ouais, qui était sorti en 2016. 2016, donc ouais. Le film de Nicolas Boukrieff. Ouais. Boukrieff, je ne sais pas. Qui va sortir un prochain film, la prochaine. Oui, d'ailleurs. Oui. Adapté de. J'en ai entendu parler de Pierre Lemaitre, voilà. Du bouquin de Pierre Lemaitre sur un enlèvement d'enfant. Voilà, et donc lui, il racontait. C'était l'histoire d'un journaliste infiltré dans un groupuscule ouais. Voilà, de terroristes. Et du coup, c'était sur toute la préparation de l'attentat, comment on se fait embrigader, comment machin. C'était intéressant, c'était pas parfait, mais c'était intéressant. Ici, on retrouve un petit peu ça. Sauf que évidemment, André Ticini, ce qui lui amène, lui, c'est de l'émotion et du drame. Et à ce niveau-là, c'est vraiment très beau parce que lui, il maîtrise en fait tout ça. Il maîtrise vraiment la dramaturgie, et c'est des personnages qui sont terriblement beaux. Alors même si j'ai énormément de réserves sur Quasimodo Clin, qui joue le petit-fils, qui jouait déjà dans Quand on a 17 ans. Ici, je trouve qu'il est très plat. Et il rend vraiment pas justice à son personnage qui est pourtant torturé, donc c'est clairement pas pour lui hein, que le film prévaut. Mais par contre Catherine Deneuve elle est magnifique, elle a vraiment elle a quelque chose de comment dire, elle a une majesté en fait, je trouve, cette actrice. Et alors ça va paraître un peu con ce que je vais dire, mais c'est un peu comme une vieille lionne. Ouais. Qui aurait eu une vie bien remplie, qui a vécu plein de choses, qui s'est enrichie de tout ça en fait. Elle a quelque chose de très solaire, et même sa coiffure et tout, ça, c'est pour ça que ça me fait penser au lion un peu. Elle a quelque chose de majestueux, elle a une majesté comme ça en elle, qui la porte en tant qu'actrice, et elle arrive à insuffler ça dans ses personnages. Et puis alors Téchiné, en plus, il la filme, il sait comment. On sent qu'il a l'habitude. De l'avoir eu sous sa caméra, et c'est vraiment beau à voir, quoi. Ouais. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup depuis longtemps, et je trouve qu'ici elle est vraiment très bien, et sur ses vieux jours maintenant, parce qu'elle commence à avoir de l'âge, elle ne perd rien en fait de sa superbe. Elle joue des rôles forcément plus en adéquation avec son âge. Mais elle demeure vraiment, elle est captivante quoi à l'écran. Donc voilà. Donc c'est à ce niveau-là, c'est vraiment très intéressant. Et ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est que oui, alors on voit des réunions secrètes de prières avec les mecs qui finalement embrigadent un peu les gens un peu paumés pour les emmener dans le terrorisme. Ouais. Et pourquoi ils vont dans le terrorisme, s'ils sont dégoûtés de ces sociétés, machin, que là c'est horrible, c'est la solution. Mais bon. Alors il parle de tout ça, mais ce qui est formidable, c'est qu'il ne met pas, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement sur les actions et les choix des personnages. C'est pas le but en fait. C'est pas ce qui l'intéresse dans son film. Le but, c'est pas de dire le terrorisme c'est mal et tout, c'est qu'on le sait. Oui. On le sait et on sent bien que voilà, c'est pas ce qu'il a envie de nous rabâcher. Mais il le fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de traiter des sentiments de ses personnages. Et c'est peut-être là où le film fonctionne un petit peu moins sur l'histoire du petit-fils, c'est qu'il y a une cassure en lui, mais on le voit pas en fait. Il est trop, en fait, le jeu est trop plat. Puis d'un autre côté, la cassure vient de la perte de sa mère. Mais du coup, on n'a pas trop d'infos. On ne sait même pas trop de quoi sa mère est morte. D'accord. Par exemple, on sait qu'il le reproche à son père, donc il y a un lien. Mais il n'y a pas de... Il n'y a jamais d'explication. Ouais, au niveau du background, il aurait fallu étoffer un tout petit peu plus. Ouais. Je pense. Et ça aurait vraiment permis au film d'être très très bien. Parce que peut-être que ça aurait donné plus d'épaisseur aussi au jeu qui est trop plat de Cassie Mottaclin. Mais, mais voilà, après voilà, c'est du détail. Je lui ai mis 7 sur 10, c'est pas une mauvaise note. Hein. Oui, bah mais, oui. Mais c'est un film qui est très intéressant. Et alors, la photographie, ça commence sur une éclipse, déjà. Donc bon, ça résume assez bien le film, parce que lui pense aller vers la lumière alors qu'il se dirige vers les ténèbres. C'est lui qui pense dire adieu à la nuit dans le film. La nuit, c'est la société qui le dégoûte et pourquoi il pense aller en Syrie pour se battre et tout. Et en fait, non, l'adieu à la nuit, c'est plutôt Muriel qui se rend compte petit à petit qu'elle va être... quoi qu'elle fasse, elle risque peut-être de perdre son petit-fils pour toujours. Ouais. Donc, alors, c'est pas un film joyeux du tout. Hein. Ça, non, bah, ça se sent. C'est pas un film pas, joyeux hein, du tout, là, mais c'est vraiment un très beau film. Ouais, bah mais oui, autant, dans, quand on a 17 ans, par moment, il y avait un petit peu de légèreté comiques, par moment. Ouais. Bah, il y avait déjà de la complicité entre Cassie Mottaclin et oui, Sandrine Kiberlin. C'était une histoire d'amour. D'amour-haine un peu. C'était la découverte de la sexualité. Plus. Oui, voilà. Ouais, ouais. Mais c'était un très beau film. Et puis, bon, les acteurs étaient formidables. Et il filmait aussi la nature donc, quand on a 17 ans. Alors, il le fait un petit peu moins ici. Mais même si on sent que, voilà, c'est, bah, a priori, moi, j'ai pas vu tous ses films, mais le Sud-Ouest, c'est une région qui lui est chère, à André Téchiné. Ouais. Et il aime filmer ça. Et bah après, évidemment, il y a aussi pas mal de métaphores. Par exemple, elle a une plantation de cerisiers. Et toutes les nuits, elles sont visitées par un sanglier. Donc, il y a une intrusion déjà dans sa vie. Il y a quelque chose de... D'accord. Voilà. Et en fait, ce sanglier, c'est un peu c'est... Bon, c'est... Alors ça, pour le coup, c'est pas hyper subtil. Ouais. Le sanglier est un peu la métaphore du terrorisme islamique. Bon, ouais, en sachant que les musulmans ne mangent pas de porc, c'est pas... Voilà. Okay. Mais il a plein de manières d'amener les choses, mais il est jamais dans le cliché ou dans le... Il y a du recul, en fait. Ouais. Et c'est ce qui fait la force du film. Donc, c'est un film que je conseille. Il risque d'être dans mon top quand même, parce D'accord. que ça m'a quand même ému. Il sera pas aussi haut que quand on a 17 ans, ne serait-ce que par sa note. Oui. En général, les films dans mon top sont quand même assez bien notés, mais bon, cette année, c'est assez catastrophique en termes de films vus. Oui, et puis même, honnêtement, on fera peut-être le bilan, mais si, il y a des bons films, mais honnêtement, c'est pas un très bon cru pour l'instant cette année, je trouve. Non, c'est pas un peu, excellent cru, peu, on va dire. Un peu platounet, voilà, on va dire c'est ça pour être... Poli. Voilà. Donc voilà, donc c'est un film que je vous conseille. Si toi t'as pas vu du Téchiné, bon ben commence non, peut-être je pas n'ai par vu celui-là. Aucun film de Téchiné, donc. Mais voilà. Tu peux essayer d'en voir. Ben, quand on a 17 ans, ça, je ouais. pense que c'est une bonne première approche. Honnêtement, quand vous en aviez parlé avec Morgan, ça m'avait donné envie de le regarder. Mais il est vraiment bien. Il est dans ma liste de toute façon de tout ce que je dois regarder. Il est très bien. C'est du cinéma français qui est pas chiant. Ben oui. En tout cas, beaucoup moins chiant que d'un dont je vais parler tout à l'heure. Juste après. Ok, alors moi je sais pas comment je vais faire la transition parce que... Ah, alors effectivement parce que je vais parler de, bon, on va le dire tout de suite, je vais parler d'Aladin du coup. Aladin était sûrement musulman, hein. Donc bon, il y a quand même oui, un lien entre non, les deux. Non mais il y a un lien, mais c'est un peu compliqué de parler voilà, de terrorisme et d'après parler d'Aladin. C'est mais sûr, quoique le terrorisme Disney passe aussi par ouais, les voilà, réadaptations live. Hein. Exactement, voilà, c'est Disney qui se sabote lui-même, qui fait du harakiri, qui fait tout c'est ce que tu veux. C'est un peu ça, ouais, voilà. Mission suicide. Ouais. Voilà, donc réalisé par Guy Ritchie, donc... Déjà, voilà, j'ai posé le tableau. donc, ce film, en fait, qui est sorti en France le 22 mai 2019, bah moi, j'allais le voir, mais sans aucune attente, sans aucune... Rien du tout, j'avais vu aucune bande-annonce, j'avais rien vu. Oui. Tout ce que je savais, c'est que tout le monde se moquait de Will Smith en bleu, voilà. J'avais vu ça sur les réseaux sociaux parce qu'on ne pouvait pas y échapper. Mais voilà, c'est tout ce que je savais du film. Donc je suis allé voir un peu. On verra bien. J'ai la carte UGC. C'est pas de l'argent que je dépense pour rien. Voilà. Qu'est-ce qui leur retourne quoi Qu'est-ce qui leur retourne Eh ben finalement un film qu'il est sympatoche. Voilà, moi je dirais ça comme ça. Okay. C'est un peu dans la même veine que Le Livre de la Jungle, que je sais que ça va te faire de mal si je dis ça, mais La Belle et la Bête, parce que c'est un peu la même chose, mais il y a des petites modifications qui rajoutent quelque chose de plutôt sympa à l'histoire. Ouais. et du coup qui en font un film qui est plaisant à regarder par moment, par moment un peu lourd, on va pas se le cacher. Voilà, Will Smith, même si je trouve qu'il est plutôt bon dans le rôle du génie, n'est clairement pas Robin Williams. C'est ça. Voilà. De toute façon, oui. Mais en même temps, qui est Robin Williams actuellement? Je veux bien qu'on me dise qui, hein, parce que L'acteur qui arriverait. Pour moi, le dernier acteur c'est comique Jim Carrey. américain qui me fait mourir de rire, c'est Jim Carrey. Hein. Ouais, voilà. Et encore, on peut pas dire qu'il soit hyper productif dernièrement dans la comédie, Pour quoi. l'instant, il est un peu Moi, dans le j'aimerais délire. vraiment un retour en force de Jim Carrey au comique, quoi. Ouais, ça Ça me pourrait être ferait vraiment tellement du sympa. bien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais voilà quoi, donc du comique comme ça, surtout très visuel, très très slapstick, comme ils disent aux États-Unis, enfin très voilà, Charlie Chaplin, etc. Enfin voilà, la tradition du comique visuel, de la blague, vraiment. Enfin, je sais pas comment on appellerait ça en France, mais Bah, le bref. comique à la Louis de Funès, un peu, hein. Voilà, c'est ça, clairement. Voilà. Clairement du Louis Parce de que Funès, bon, c'est voilà, un ouais. peu notre équivalent chez nous, quoi. Ouais, Alors, il y en a ouais. peut-être qui vont sauter au plafond, mais pour moi, Louis de Ben. Funès, ils ont Chaplin aux States, et nous, on a eu Louis de Funès, quoi. C'est C'est quand même ça. un acteur. Bon, Il a il y pas fait que avait. des bons films, mais je veux Ouais. dire, Louis de Funès, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, voilà. Là, dans ce film, ben, en fait, c'est exactement la même histoire que le Aladdin de 92, il me semble, quelque chose Il comme est ça. sorti juste avant Le Roi Lion, je crois. Ouais, donc Roi Lion, c'était 93. Peut-être bien. Avant ou Donc, après? non, peut-être Non, 94. avant. Non, je crois que Ah. c'est 91. La 80. Ah, attends. Voilà. Je crois que l'ordre, c'est La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Aladdin, Lion, le Roi Lion. Pocahontas. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que quand tu regardais la VHS du Roi Lion, tu avais la bande-annonce de Pocahontas. Voilà, Donc exact. Pocahontas Oui. est en C'est dernier. 95, ça je sais, Pocahontas, Ouais, parce mais que. je crois que c'est La Belle et la Bête et Et. Aladdin. Voilà, c'est ça. En premier. Donc, voilà. La période, le second, le Le c'est quoi, le second âge d'or qui a troisième ou commencé. second âge d'or Disney? Troisième, je Voilà. crois. Là, ils sont dans leur quatrième âge d'or, là, en ce moment. Actuellement, Ouais. au niveau des films d'animation, je suis d'accord. Au niveau Oui, des oui, films oui. live, je suis pas Bah, d'accord. Disney, c'est depuis les Ouais. années 30, hein, quand même, hein. Bah Donc, oui, bien sûr. C'est sûr. Ouais. Oui, c'est vrai ça va que. quasiment faire 100 ans. Oh, putain! Bientôt, ouais. Putain, dans Bientôt. une quinzaine d'années, Blanche-Neige, il aura 100 ans. Ouais, et du coup, Dans ressortir au une vingtaine cinéma, d'années. ça va être cool. Oh, la vache. Donc, voilà. Moi, je l'ai vu en VF en plus. Alors, du coup, moi, je connais les. Aladdin, je l'ai découvert sur le tard, comme beaucoup de Disney, en fait. Enfin, je sais que je l'ai sûrement vu une fois quand j'étais petit, J'ai dû le voir mais petit, moi, sûr. que j'avais aucun souvenir. Et du coup, voilà, je l'ai revu. En fait, quand j'ai recommencé mon cycle Disney, je crois que c'est le premier vraiment que j'ai revu. Ah oui. Et après Robin des Bois, ouais, il me semble, voilà. C'est un film que je voudrais revoir en film d'animation parce que à l'époque j'étais encore peut-être pas, enfin comment dire, j'étais encore. Il est pas vilain, hein, le film Ouais, non, d'animation, hein. honnêtement il est pas vilain. Moi Toute j'adore les chansons. l'introduction est très bien, par exemple. Ouais, j'adore les chansons en fait. C'est principalement ce Et qui, les chansons, oui. Sauf c'est ce ce rêve qui. bleu. En ouais, J'en peux plus. moi je l'aime bien, ce Non, rêve j'en peux bleu. plus. Enfin, du coup, D'ailleurs, sur YouTube, Alex Ramirez en a fait une parodie très drôle en voilà. version low cost de Ce rêve bleu Ah avec Camille Lelouch. Alors, oui. Alex Ramirez me saoule un peu avec ses vidéos low cost, mais alors celle-ci, Ouais, c'est c'est vrai très très drôle. qu'elle est plutôt drôle, ouais. Oui. Ouais. Donc, voilà, moi j'ai pas grand chose à dire sur ce film, je trouve plutôt sympatoche, c'est un peu dans la même veine que comme j'ai dit, du livre de la jungle, La Belle et la Bah, Bête. La Belle et la Bête, pour moi, c'était le. Jusqu'à maintenant, c'est peut-être le plus réussi. Ah non, c'est Dumbo. Non, Pour moi, c'est Dumbo, Dumbo le plus ouais. réussi, mais La Belle et la Bête est loin d'être le. Pour moi, il est même bien, La Belle et la Oui, Bête. ben moi je trouve bien Aladdin, honnêtement. Ouais, Voilà, ok, bon, ouais. après tout. Honnêtement, je Mais le peut-être que trouve. je me trompe, hein, peut-être que je le trouverais très bien. Hein. Mais ouais. Alors, du coup, oui, comme je l'ai Mais c'est vu en vrai que moi, VF, Willy Smith. c'était la voix d'Anthony Cavana pour le génie. Mais alors ça, c'est pas gênant, Et parce qu'il du sait coup, chanter, Anthony Cavana. ouais. C'était Ouais, très voilà. bien ce qu'il avait fait sur La Princesse et la Grenouille, Oui, sur... voilà, c'est ça. Et puis si, mais il avait fait plus récemment Maui dans Vaiana. C'est ça, exactement. Donc honnêtement, Anthony Cavanagh, la voix du génie en français est bien. Voilà, même si je connaissais pas les chansons en VF, à part ce rêve bleu, eh Bah, ben Prince Ali, évidemment, la chanson voilà. du génie, Voilà, enfin ouais, il où y a je Prince suis Ali et ton meilleur ami. ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Et du coup, voilà, non, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. La chanson inédite, du coup, qui Ah est oui, il y en a une, ouais. parler du coup de Jasmine. C'est une chanson que Jasmine interprète et qui est très bien. Qui est Il paraît en que plus. Jasmine, c'est la meilleure du groupe dans le film. Naomi Scott, ouais, qui interprète Jasmine, qui est honnêtement déjà, enfin, en VO, c'est une très bonne chanteuse. Et du coup, Ce qui paraît que Jafar est assez catastrophique. Jafar, c'était Marwan Kenzari. Honnêtement, ouais, enfin, il chante, non, il chante jamais, Jafar. Non, il chante jamais. Jafar, non, il chantait pas dans le film d'animation Non, non plus, mais apparemment l'acteur est pas très bon. Donc, il en fait un peu des caisses. ouais. Honnêtement, il est un peu ah, je suis méchant, nanana. Oui, Enfin voilà, d'accord, il fait un ok. peu la tête de méchant, il a les sourcils qui se froncent et du coup c'est un méchant. Est-ce que moi, Voilà. tu vois, par exemple, j'adorais le fait que Luke Evans se joue à fond la carte du gros niais pour Gaston Oui. dans La Belle et la Bête, parce que Gaston est con. Il est complètement con, Gaston. Il est fort, mais il est bête, quoi. Ouais. Et là, il fait un peu le méchant caricatural. Comme j'ai dit, hein, c'est un peu lourd à certains moments. C'est pas un film c'est clairement pas un film parfait. C'est un peu, on ressent un peu la patte Guy Ritchie, honnêtement, où ça devient un peu lourd à certains moments. Voilà. Et Aladdin, du coup? Aladdin, moi je trouve bien. Moi je trouve bon. Ouais. Je trouvais qu'il Honnêtement. ressemblait pas du tout. Après, moi je. Alors ça, ouais, oui. Enfin, moi ça me dérange moins les ressemblances animées. Enfin, tu vois, si c'est quelque chose adapté de la vie réelle, ça me dérange plus quand Mais je sais l'acteur pas, c'est plus ne ressemble pas. l'acteur est de la même origine que le personnage et tout, et c'est cohérent, ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, je trouve que sur les visuels, il y avait, je sais pas, au niveau du visage, je trouvais qu'il avait trop, il avait les traits trop un petit peu tirés et tout, il faisait Ah. pas. Mais bon. Ouais, non, moi je le Alors trouve que plutôt. Jasmine, ça allait. En fait, je le trouve plutôt sympathique, honnêtement, et je le trouve plutôt bon acteur, en fait. Et donc, non, enfin, moi là-dessus, j'ai pas eu de soucis, franchement. Voilà, Mais il c'est un. semblait pas avoir beaucoup de charisme sur les images. Alors que Jafar, à contrario, semblait en avoir plus, et a priori, finalement, les gens qui ont vu le film, bah en fait, non, c'est l'inverse. Ouais, moi je trouve que Aladdin, finalement, en fait, il est un peu. Enfin, il est touchant, quoi. C'est. C'est que moi, c'est un personnage que je n'aime pas. Ouais. C'est un peu comme Peter Pan, ce petit Ouais, con non. qui vient faire croire n'importe quoi au gamin, et puis Aladdin, j'ai toujours vu comme un opportuniste, en fait. Ouais. Et Oui, c'est aussi pour. Enfin, c'est ça pour m'a ça. jamais Moi, touché, cette non, mais histoire. moi, je te suis sur Peter Pan. C'est clairement un personnage que je déteste. Voilà. Mais Aladdin, je sais pas, même si c'est vrai qu'en fait il est opportuniste, mais du coup en fait ça lui re, ça comment dire ça lui est renvoyé dans la gueule, en fait. C'est pas il est pas opportuniste et rien ne lui arrive, en fait. C'est-à-dire qu'il doit quand même finalement avouer qui il est vraiment, Oui, c'est etc. Donc sûr, ouais. c'est pas sans conséquence, en Oui, il a quand fait. même, oui, Alors que pour arriver Peter à ses Pan, fins, il honnêtement use des pouvoirs du génie, mais ça, c'est pas sans conséquence, oui, c'est vrai. Ouais. Honnêtement, qu'est-ce qui lui arrive à Peter Pan? Ah, pas grand-chose, quoi. Il perd son ombre. Oh Oh là là, au secours. ouf. Mais non, il redevient pas un petit garçon à la fin, je sais plus maintenant. Non, ça, c'est Pinocchio. Non, c'est Pinocchio. Enfin, je veux dire, un garçon normal qui Je grandit. sais Je sais même plus. plus maintenant. Je l'ai vu Je l'ai qu'une vu qu'une fois, fois Peter aussi, tu Pan. vois, donc. Voilà, en tout cas, pour dire Aladdin, honnêtement, c'est clairement pas le pire film de live Disney. On en parlera après. Et on retrouve Yago, Ouais, Raja et comment il s'appelle? Abou? Abou, ouais, on retrouve tous Ok. les trois. Visuellement, Abou est pas génial. Enfin, les Mais il est en image de animaux, synthèse ou pas Abou? ouais, il est en image de synthèse. Ouais. Yago aussi. Parce Et que moi, le. Yago me faisait mourir de rire hein, dans le film d'animation. Ce perroquet là, colérique, énerveux. Il est un peu moins. Enfin, si, il a toujours ses crises de colère, etc. Il parle Mais. pas. Si, si. Ah, il parle, d'accord. Ouais. Il parle. Mais. En fait, comme il a un design plus qui fait plus vraiment oiseau Ouais. plutôt que personnage de Et dessin animé. c'est raté comme Zazu dans Le Roi Lion ou pas? Parce que Zazu, C'est ça fonctionne pas visuellement, je trouve, dans Le un Roi peu Lion. ça. C'est un peu Ouais. ça. Ouais, clairement, D'accord. c'est exactement le même syndrome, quoi. Ouais, bah oui, ouais. Voilà. Mais c'est pas évident Donc, en même temps, hein, voilà, c'est honnêtement pour donner Ah bah. vie à un personnage qui a. Ah ben Enfin, un bec, hein. voilà, c'est ça. Un bec, c'est pas mouvant, hein. C'est Il n'y a pas de un. dents, il n'y a pas. Enfin, voilà, il n'y a Un bec, c'est comme un rien. système de vérin, c'est la même chose, hein. Exactement, voilà. Donc, Donc, ouais. Et c'est. Raja et du coup, ouais, bien sûr, oui. Raja est en image de synthèse, ils ont pas été foutre un vrai tigre. Attends, je crois que si, hein. Ah Attends. bon? Il me semble. Alors, attends. Je vais revérifier. Ils auraient mis un vrai animal? Il me semble. Attends. Non, non, non, non, non. Non, non, c'est en image de synthèse, pardon. Désolé. C'est ma mémoire qui me fait défaut. Voilà, non, non, oui, enfin, tous les animaux sont en image de synthèse, là. Enfin, voilà, les animaux Oui, principaux. parce que même Abou et tout, lui, il subit des transformations. Oui, À un bien moment, il se sûr. retrouve en éléphant, en machin. Ouais. Donc, voilà, le film est pas aussi raté qu'on aimerait le faire croire, je trouve, et que c'est plutôt un Disney honnête. C'est Ouais. clairement pas au niveau de Dumbo, parce que ça apporte pas une vraie Une autre dimension à voilà, une l'œuvre. autre dimension, et même, comment dire, c'est pas réinterprété, c'est pas, C'est un voilà. copier-coller, quoi. Exactement, voilà. C'est un peu le syndrome Disney Live qu'on connaît, hein. Ben, vraiment sur les derniers, parce que les autres un peu moins. Parce que Cendrillon, Cendrillon, ben, ils déjà. étoffaient un peu quand même. Ouais. On en apprenait un petit peu plus sur son passé. On la voyait petite déjà, ce qui n'était pas le cas dans le film Oui, c'est d'animation. vrai. C'est vrai. Il y avait tout le lien avec sa mère. Même Lady Tremaine était plus travaillée aussi. Le prince parlait, parce qu'il ne parle pas dans Cendrillon. Oui, oui, Et on c'est vrai. voyait le roi, c'est un royaume avec un roi, alors qu'il n'y en avait pas dans le film d'animation. Il était un peu plus. Il y avait Étoffé, quelque ouais. chose. Et puis la Belle et la Bête, bon, ben, on étoffait un petit peu le background des personnages aussi, surtout au Ouais. niveau de la bête. Il avait eu une vie quand même avant d'être une bête. Oui. Le Oui, livre de c'est. la jungle, ben. Si, quand même, il y avait deux, trois Ouais. trucs. Mais c'est vrai Mais en que fait, il y a là. toujours. En fait, pour moi, le syndrome Disney, c'est pas vraiment du copier-coller, c'est du copier-coller et on rajoute deux, trois trucs. Ben, en fait, C'est. le truc, c'est que Maléfique, Cendrillon, le livre de la jungle, il y avait des éléments qui faisaient évoluer un peu l'histoire. La Belle et Voilà, la c'est Bête, ils ça. ont rajouté un peu au background des personnages, mais ça restait quand même un copier-coller. Et du coup, ils se sont rendus compte que le copier-coller fonctionnait parce que ça a marché du feu de Dieu au cinéma. Bah Et du oui. coup, j'ai l'impression pour les nouveaux, alors pas Dumbo, mais pour Aladdin, comme tu le dis, et puis pour Le Roi Lion, alors pour le coup, c'est du copier-coller. Ouais. Mais Le Roi Mais Lion, on c'est même rajoute plan une par scène de plan. 30 secondes, hein. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est tout. Alors que bon, Dumbo, bon, c'est pas évident de faire du copier-coller. Non, Un voilà. Et film du live coup, de 1h20, ça l'aurait peut-être pas fait. Voilà. Je vais passer rapidement parce que il reste quand même quelques films. Ah, effectivement. Du coup, à Rocketman, Ouch. film que déjà Morgane a adoré. Hein, voilà. Ah bon? Donc film. Non, c'est ironique. De quoi? Il a adoré Morgane? Ouais, il a adoré. Ah, je sais pas, Ouais. je croyais que c'était ironique. Non, Je me rappelais pas qu'il non, avait il a adoré. adoré. Il a vraiment aimé. Ah, d'accord. Donc, je sais pas si c'est même un de ses films de l'année, je crois. Hein? Je crois, hein, Oh. j'ai cru voir ça. Oh non, pas pour Je dis moi, peut-être des j'en veux. bêtises. Bah, en tout cas, le défend, enfin, comment dire, le coupable n'est pas là pour se défendre. Donc voilà. film de, enfin, adapté de la vie d'Elton John, Ouais. du coup, réalisé par Dexter Fletcher à qui on doit Frères d'armes, Hôtel Babylone, entre autres. Voilà. Dexter Fletcher, bah, c'est pas Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody en remplacement de Bryan Singer C'est lui aussi. qui a. Voilà, il a fait Et Bohemian Eddie the Eagle Rhapsody aussi qui a en. fait, voilà. Ah, Eddie the Eagle qui était très bon. Voilà. Et en fait, c'était principalement un acteur avant de devenir un réalisateur. C'est pour ça que D'accord. voilà, il jouait dans Kick-Ass, etc. Rocketman, sorti en France le 29 mai 2019. Taron Egerton qui jouait le rôle principal de Elton John, du coup. Que moi je trouve plutôt bon, qui imite bien la voix, on va dire. Mais c'est pas lui qui chante. Ben si. Bah, il chante pas les parties chantées quand même. Bah si. Ah bon? Bah si. Bah, parce que non, mais parce que Rami Malek ne chantait pas dans Bohemian Rhapsody, par exemple. Oui, et bah là c'était René Garton. Ah d'accord, ok. Ah oui, donc Voilà. il y a une performance quand Il y a même. une performance, il y a une réinterprétation des chansons, enfin voilà, D'accord, ok. c'est. Ah oui, ok, bon. C'est pas si fainéant que ça, on va dire, hein, Ouais. clairement. Sachant que Taron Egerton avait interprété Elton, enfin, oui, Elton John, il me semble, dans Tous en scène, Ah le oui, film d'animation. c'était Enfin, il a, lui. c'est, oui, c'était lui qui faisait la voix de Elton John, du coup, dans Tous en scène. Enfin, de Johnny qui. Mais il est chanteur alors, Taron Egerton. Ben, Faut c'est un acteur, croire que mais oui, quoi. il sait chanter, voilà, c'est un multicasquette, comme on dit, dans le métier. D'accord, ok. Voilà. Du coup, non, franchement, c'est un bon chanteur. Voilà, Genre c'est. Hugh Jackman, quoi. Ouais. Je sais pas si la comparaison est Bah, géniale, moi en je le fait. trouve pas très bon chanteur, Hugh Jackman, mais a priori il y a que moi, donc Ben, quand moi, je le j'entends, trouve. mais si, j'ai Non, chanté, mais attends, Les Misérables, au secours, quoi. oui, bah oui, British Par rapport Showman. à l'œuvre originale, je suis désolé, mais il y a tellement de. Enfin, bref, on va pas parler des Misérables, mais Non, on je va pas trouve que. vomir tout de suite, hein. Voilà. Donc, Taron Egerton, qui joue le rôle de Elton John dans ce film, qui est inspiré de sa vie, parce que il y a des. En fait, ce qui est intéressant par rapport à un biopic classique tel que l'était Bohemian Rhapsody, c'est que on passe, en fait, par des moments. Enfin, on prend des chansons de Elton John. Et on les met sur des moments de sa vie, en fait. Par exemple, sa jeunesse, etc. Il y a une chanson qui parle de sa jeunesse. Et il y a tout un passage. En fait, ça fait un peu clip vidéo, quoi. Parce que c'est un peu fantasque. C'est un peu. On passe d'un endroit à un autre, etc. Ça chante, ça danse partout enfin, partout dans la scène, etc. C'est une proposition intéressante, je trouve. Et à côté de ça, en fait, à côté de l'aspect comédie musicale que ça peut avoir, il y a des scènes de dramaturgie qui sont plutôt intéressantes, plutôt touchantes parfois, où on découvre un peu l'acceptation d'Elton John pour qui il est, donc un homosexuel, enfin voilà, pour sa sexualité, je veux dire, Ouais. voilà, son acceptation, le fait qu'il doive le dire à ses parents, qui sont très british, très fermés. Voilà, donc ça c'est tout. Enfin, c'est des scènes qui sont plutôt émouvantes, plutôt bien faites. La réalisation est vraiment correcte. Moi je trouve que c'est un film. Mais En est-ce que fait, ça c'est un. fait pas un peu Bohemian Rhapsody bis, quoi? Ben, pas vraiment, parce que il n'y a Parce que pas. c'est vrai que quand il a été annoncé, bah on sortait, enfin c'était vraiment la hype autour du Voilà, c'est film ça. sur Queen. C'est vrai que Et ça tout le sent un monde peu. disait, oh bah ça y est, Queen a marché, oh bah ça y est, maintenant ils vont nous faire Elton John, ils vont nous faire machin, machin. Cet été, il n'y a pas eu Yesterday aussi? Si, mais c'est vraiment différent ça, je vous en Ouais. parlerai après. Mais Sur les Beatles? oui, c'est ça, mais c'est clairement. Enfin, c'est pas un film vraiment sur les Beatles, c'est. Du coup, ouais, sur Rocketman, ça pourrait, pardon, ça pourrait paraître opportuniste, mais en fait, le film est en développement depuis assez longtemps, depuis 2012. Donc, enfin, peut-être pas aussi longtemps que Bohemian Rhapsody, mais quand même. Et du coup, ça, c'est un peu une coïncidence que ça tombe. Et que les films se suivent, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, le film, je trouve pas que ça fasse une redite par rapport à Bohemian Rhapsody, parce que c'est un film complètement différent. Dans Bohemian Rhapsody, il chantait uniquement quand il devait chanter, sur scène Oui, ou c'est vrai. des choses comme ça. Alors que là, c'est beaucoup plus une comédie musicale, parce D'accord, que. ok. Et Il y a une chanson puis même d'Elton en John termes qui. d'ambiance, c'est pas les mêmes univers. Ah non, non, non, clairement, clairement. Parce Même que Queen, si. c'est plus rock, et puis là, on est plus sûr de la pop. On est sur du pop rock, clairement, parce qu'il y a y a certaines chansons d'Elton John qui renvoient quand même surtout celles du début de sa carrière, qui sont beaucoup plus marquées rock. Mais c'est clairement plus. Après, c'est clair que c'est de la pop, quoi, clairement. Donc, enfin, c'est une évolution artistique, hein, voilà. Et on le voit pas Donc, enregistrer la chanson pour le Roi Lion? non, Non. non, ça va pas jusque-là. C'est pas En évoqué. fait, on Parce que commence. ça va de où à où, effectivement, du Voilà, coup? en fait, ça commence avec une scène où on voit Elton qui quitte une scène. Enfin, avant de monter sur scène, il quitte le comment dire le building en fait où il devait performer et il se rend à une réunion de d'alcooliques anonymes ou de pour les droguer aussi parce qu'il était drogué à la cocaïne etc. Et voilà du coup et c'est là qu'il va dans cet environnement fermé et toujours habillé comme bah, comme Elton John du coup avec des ailes fantasques etc. avec une tête de diable sur la tête enfin voilà tout en orange qui va raconter bah, sa vie de son enfance jusqu'au moment où il décide de d'aller faire cette cure justement pour arrêter d'être alcoolique et tout ça. Donc je pense que c'était dans les années début 90 peut-être. Je connais pas bien la vie d'Elton John. Il n'y a pas vraiment de marqueur temporaire en fait dans le film. On dit pas 1980 ou Bah, il y a quand 1900. même en 93 où finalement il bat le record d'Elvis, quoi. Ça, c'est pas évoqué, il me semble. A Il me priori, semble que. ça fait partie des événements marquants. Ouais. Mais ça va jusqu'à en fait son là où je pense la fin des années 80 clairement Ok. parce que voilà peut-être qu'un fan d'Elton John va me reprendre etc. mais je crois que c'est ça je crois, honnêtement ça correspond à peu près à ce qui est aux chansons qui sont dans le film parce que c'est les plus c'est ceux de son début de carrière c'est quasiment les plus connus qui sont dans le film. Donc voilà. Le film est pas mauvais. Il souffre de quelques longueurs. Honnêtement, il y a certains Ouais, passages où on. on voit pas tous ces trucs, genre son engagement contre le sida, machin. Je crois que c'est évoqué, mais c'est pas. C'est clairement pas. Enfin voilà, on est juste à la surface de la chose, quoi. C'est parce qu'il faut aller vite, faut raconter pas mal de choses. Mais on s'attarde quand même sur certains aspects comme ses relations amoureuses, etc. tumultueuses. Enfin, voilà son problème avec la cocaïne et même sa dépendance, enfin la dépendance d'autres personnes à lui par rapport à son argent en fait. Ça c'est abordé, c'est plutôt bien fait en fait. Donc voilà, c'est et puis les chansons sont bien interprétées. Je trouve que la sélection de chansons est plutôt bonne. C'est clairement du Elton John qu'on connaît, hein. Goodbye Yellow Brick Road, Rocketman, Your Song, etc. Enfin voilà, c'est du Elton John C'est connu pas un de tout le artiste que monde. j'ai beaucoup écouté, Elton John. En fait, moi non plus, je m'en rends compte. C'est pas Mais autant là, Queen, c'est vrai c'est. que je connaissais quasiment toutes les chansons. Ouais. Mais Ouais. là, beaucoup moins. Enfin, c'est pas. Je dis pas Moi que je c'est pas quelqu'un connaissais. d'inintéressant, hein, mais Ouais. c'est pas. J'aime bien la pop, mais c'est vrai, j'ai jamais trop écouté Elton John, à part celle du Roi Lion, quoi. Oui, voilà, c'est clair. Et du coup, en fait, pour ceux qui ne le savaient pas, mais du coup, Elton John n'écrit pas ses propres. Enfin, au début, en tout cas, n'écrivait pas ses propres. Les paroles. Il faisait juste la musique. Et c'est en fait. On va aussi rencontrer, du coup, son. Bernie Taupin, du coup, qui est un parolier, le parolier attitré de Elton John, et du coup, ça va être pas mal sur leur relation à eux, leur relation d'amitié, hein, parce y a rien, quoi, parce que Bernie Taupin est hétérosexuel, du coup, du coup, Elton qui va être jaloux que Bernie bah, se retrouve, le laisse seul à certaines soirées, etc. Enfin voilà, y a des scènes assez intéressantes. Moi, je trouve le film plutôt bon. Je lui ai mis un 7 sur 10 sur Sens Critique. Donc, c'est pas le film de l'année, clairement. Il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes. Enfin, y a certains acteurs secondaires qui font un peu dans le surjeu, etc. Mais Taron Egerton, qui est le personnage plus important du film, ben, il tient bien le rôle d'Elton John. Donc, moi, je. Voilà, j'ai trouvé le film sympathique. C'est un petit film de soirée d'hiver, quoi. Voilà, c'est clairement ça. Hein. Si on sait pas trop quoi mettre, on met Rocketman et on en sort plutôt avec la banane, quoi. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Alors, il me semble que c'est encore à moi de parler. Non, ça va être à moi. Non, c'est à toi. Oui, voilà, oui, c'est toi, c'est à toi, Ça va être exactement. très rapide. Du coup, Blanche comme neige. Un rattrapage, du coup, un autre Ouais. rattrapage. Alors, Blanche comme neige. Je recommence. Blanche Ouais, comme Blanche comme neige, neige. c'est un film de Anne Fontaine. Ok. Anne Fontaine, qui est une réalisatrice française, qui avait Oui. réalisé Perfect Mothers avec Hein? Naomi Watts et Robin Wright, D'accord. que j'avais absolument détesté, que je D'accord. trouvais dégueulasse dans son propos. Et alors, pour le coup, on n'est pas chez Téchiné, hein, alors, enfin, si, on est un peu comme chez Téchiné, elle posait pas de jugement, mais pour elle, c'était presque normal que finalement des copines couchent avec l'enfant respectif de l'une et l'autre. Voilà. C'était très sympa, bien D'accord. sûr. J'avais totalement détesté, j'avais trouvé ça nul à chier et pas bon du tout. Ok. Elle a fait Gemma Bovary aussi, hein. C'est ça. Oui, ah oui, Ouais. exact. Ça, je n'ai pas Ouais. vu ça. Et Les Innocentes. Les Innocentes qui Marvin ou La Belle Éducation, je crois apparemment. que Marvin ou la belle Morgane. éducation, je l'ai vu. Ouais. Qui est du coup l'adaptation du roman de En finir avec Eddie Avec Eddie. Belgueule. Ouais, voilà, c'est ça. Que j'avais plutôt bien aimé le film. J'ai pas lu le roman parce qu'apparemment le roman. Mais j'avais pas. J'ai pas C'est lu le parce qu'il y a roman, ton mais prénom dans le titre, c'est pour ça, ouais, mais. c'est ça. Voilà. Mais j'ai bien aimé le film. C'était pas parfait, mais j'ai bien aimé. D'accord. Et Blanche comme neige, du coup, ben c'est du coup c'est une réinterprétation, une relecture du conte des frères Grimm, mais Blanche à Neige, l'époque ok. moderne, donc avec Lou Delage qui joue le rôle de Claire, donc Blanche-Neige, hein, clairement. Ouais. Et Isabelle Huppert qui joue sa belle-mère. Maude. Donc autant vous dire que Isabelle Huppert dans le rôle de la belle-mère de Blanche-Neige, c'est pas non plus rien, quoi. Oui. Étant donné le potentiel de l'actrice. Ah, il y a Jonathan Cohen dans le film. Jonathan Cohen qui joue, c'est pas les sept nains, mais il y a sept hommes. Donc il fait D'accord, partie de l'un des sept hommes. Damien ouais. Ok. Bonnard qui en fait deux. Il joue des Ouais, jumeaux. oui, ouais. Vincent Pierre et François. Macaigne. Richard Fléchette qui joue un homme d'église, Pablo Poli, Pablo Benoît Poulvorde. Poli, Benoît Poulvorde, oui, oui, parce qu'elle a déjà fait tourner Poulvorde avec Isabelle Huppert dans Mon pire cauchemar, je crois. D'accord. Voilà. Donc, Ok. et Charles Berling, bien sûr, aussi. Donc voilà. Comment dire? Je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça absolument raté. Parce que. Alors, le tic de ma critique, c'est visiblement, elle n'aime pas que les pommes. Alors effectivement, pour être très imagée, elle aime aussi la banane, hein, a priori. Beaucoup, beaucoup, beaucoup la banane. Elle est très portée sur la chose, cette Blanche-Neige. D'accord. Donc. Bah ouais, tant qu'à faire. Voilà, alors on n'est évidemment pas chez l'héroïne innocente et pure de Disney, donc une vision des années 30 de la Oui, femme, bien sûr. hein, ce qui n'a évidemment rien à voir. Alors, c'est pas en soi ce qui me gêne, parce que c'est important qu'une relecture moderne soit en accord Avec son temps. avec son temps, exactement. Non, ce qui me gêne vraiment, c'est que, en fait, elle en fait quelque chose de scabreux. Ah. Et le problème, c'est même pas que Blanche-Neige, enfin que Claire dans le film s'éveille à la sexualité en rencontrant finalement, après avoir failli, parce que finalement, ça reprend la même chose, hein, c'est sa belle-mère qui tente de se débarrasser d'elle, machin, qui du coup, elle se retrouve paumée au milieu de quelque part, elle est recueillie par un mec, et puis en fait ils vivent à plusieurs dans la même maison, enfin 3-4 dans la même maison, puis disons que la maison des sept nains, c'est plus un village là en montagne, où du coup elle va refaire un peu sa vie, puis il y a plusieurs hommes qui vont lui tourner autour, ça justifie un peu comme ça. Donc c'est même pas le fait qu'elle s'éveille à ses désirs, à la sexualité et tout, mais c'est plutôt que en fait c'est jamais traité subtilement, en fait. Ouais. Elle est. Ce personnage, il est un peu. C'est bête à dire, mais elle passe un peu pour une salope, quoi. D'accord. Mais c'est cru, Ouais, non, mais mais je vois, je. y a, en fait, il n'y a pas de recul par rapport à ce qu'elle vit. Et c'est ce qui m'a gêné. Donc, le traitement de l'héroïne ne fonctionne pas. Et tout le monde cabotine. Ouais. Même Huppert, alors pourtant, voilà, moi j'ai. La dernière chose en date que j'avais avec Huppert, c'était dans sa participation à un des épisodes de 10%, qui était du coup. Elle avait beaucoup d'autodérision sur elle-même, parce que c'est une actrice qui tourne beaucoup, qui joue plein de rôles différents, qui se met en condition pour plein de trucs. Et là, en l'occurrence, c'était un rôle pareil qui lui demandait autre chose. Enfin, c'est assez caricatural, quoi. La belle-mère de Blanche-Neige. Elle n'est pas très bonne non plus. Ouais. Alors après, bon, bah, les autres, ça va. Boulevard, ça va. Cohen, ça va. McCain, ça va. Bonnard aussi. Mais finalement, même si Lou Delage, elle a quelque chose physiquement, elle est assez charismatique. Puis elle est jolie, hein, c'est vrai que c'est une belle fille. Je sais pas, elle n'arrive pas. Elle est assez hypnotisante à l'image, mais le personnage n'est jamais attachant. Et je trouve que c'est assez problématique quand même. Parce que ses actions sont pas. Elle se tape tout le monde, quoi. Donc c'est pas. Enfin, elle est. Moi, j'arrive Il n'y a pas de pas à. but. Non, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ça va pas plus loin que ça, en fait. Ça s'arrête un peu là. D'accord, Voilà. super. Donc après, l'histoire de Blanche-Neige se déroule un peu comme on la connaît, mais ça va pas plus loin. Donc j'ai trouvé ça assez plat, pas très inspiré. Et puis c'est surtout que bah, ça passe à côté de son potentiel, quoi, je trouve. Donc bon, bah, voilà, j'ai trouvé ça, j'ai pas trouvé ça terrible. D'accord, ok. Voilà, tout ce que Très bien. j'aurais à en dire. Je vais donc parler du prochain film que j'ai vu. Ça veut dire Le Daim, du coup. Film que j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être beaucoup trop. Même si je spoil déjà mon avis, mais j'ai beaucoup aimé, enfin, j'ai bien aimé le film. Voilà, je l'attendais peut-être un petit peu trop, en fait. Donc, sorti en France le 19 juin 2019, c'est un film de Quentin Dupieux. C'est un réalisateur que j'apprécie particulièrement. Voilà, parce que c'est le type. Enfin, ça dépend de ses films, mais en tout cas, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, surtout dernièrement, en fait, même si j'avais beaucoup aimé sa période aux États-Unis, depuis qu'il est revenu en France avec Réalité et Au Poste l'année dernière. Ah oui, Moi, c'est vrai. j'attendais énormément de voir ce qu'il pouvait encore proposer. Alors du coup, et sachant que c'était, il me semble, deuxième dans mes attentes 2019, Oui, peut-être bien, ce oui. film, en sachant rien du tout, juste en sachant que c'était Quentin Dupieux qui allait le réaliser. En plus, Au Poste, Réalité amorçait déjà quelque chose, même si ça restait encore très Quentin Dupieux, c'est-à-dire très barré, très. Comment dire? Parfois, il y a des non-sens, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais ça reste dans l'ambiance du film et ça reste quelque chose qui fait pas complètement hors. Enfin, qui ne sort pas complètement du film. Et avec Au Poste, je trouvais que c'était son film le plus grand public en fait qu'il avait, parce que honnêtement c'était quasiment un film normal, quasiment un film normal pour Quentin Dupieux, hein. Donc il y a quand même quelque chose à la fin qui se passe qui est un peu étrange, mais ça restait quand même quelque chose de, ça restait une comédie en fait très marrante et très très intéressante à suivre, avec un super scénario et tout ça. Donc voilà, moi j'attendais énormément de voir s'il allait continuer sur cette lancée. Et ben finalement, en fait, faut jamais attendre Quentin Dupieux, parce qu'il nous prend toujours à contre-pied. Et ben là, c'est l'exemple parfait, parce que c'est peut-être un de ses films les plus cryptiques qu'il a fait en France, en tout cas. C'est un peu dans la même veine qu'un Rubber ou qu'un Wrong Cops, pour ceux qui les ont vus. C'est-à-dire que même si on prétend être devant un film qui paraît assez normal, on a comment dire, il y a une immersion du surréaliste ou de l'humour non sens, enfin qui a pas de sens, qui s'immisce en fait à certains moments du film, et on se dit ah tiens ça c'est étrange. Bon, en même temps, quand on va voir un film de Quentin Dupieux, quand on se dit ah ça c'est étrange, on s'y attend un peu. Voilà, moi du coup en fait c'est un peu difficile de le résumer, mais déjà, le film a pour acteur principal Jean Dujardin, qui prend le rôle de Georges. Et du coup, Georges, il a quitté. On sait, en fait, le début du film, on le voit dans une voiture en train d'écouter une musique. je sais plus quelle musique, mais en tout cas c'est une musique française à la Charles Aznavour, enfin voilà, un truc triste quoi. Et dans sa voiture, on sait qu'il a tout plaqué, sa femme, peut-être ses enfants, ça on sait pas, et c'est son travail pour aller s'isoler dans un village de montagne. Et en fait, son but dans la vie, c'est un peu de d'avoir ce qu'il appelle un style de malade. Et pour lui, ça passe par acheter des vêtements en daim, en fait. Et d'avoir le maximum de vêtements en daim pour compléter son style en fait voilà D'accord, voilà ça c'est passe n'importe quoi. voilà c'est vraiment du en fait c'est un peu du n'importe quoi et du coup on comprend ce n'importe quoi parce que en fait on va découvrir au fur et à mesure et ça se découvre très rapidement que Georges en fait est complètement fou. Que en fait, il a un peu schizophrène, c'est-à-dire que quand il a acheté cette veste qui lui a coûté 7 500 euros en 100% daim, et ben, du coup, celui qui lui a vendu lui a donné en plus une caméra vidéo, voilà. Et quand il va se retrouver dans l'hôtel du coup de ce petit village de montagne. Il va poser sa veste en daim sur la chaise et c'est là qu'il va commencer à avoir une conversation avec lui-même, mais enfin, avec un personnage qui est la veste en daim et le personnage qui est vraiment lui, quoi. Et la veste en daim le pousse à faire des choses, voilà, qu'on découvre au fur et à mesure qui sont de plus en plus glauques, quoi, et plus en plus bizarres. Donc c'est quand même expliqué. C'est pas non plus c'est pas non plus de la folie pure de réalisateur. C'est-à-dire que il y a des explications si on les cherche voilà à pourquoi le personnage principal fait ses choix et du coup ben, en fait pour comme alibi on va dire parce que il est là pour enfin dans ce village il s'est juste isolé du coup il prend comme alibi enfin les gens lui demandent qu'est-ce qu'il fait dans la vie et il veut pas dire qu'il a quitté sa femme son travail etc il dit qu'il est là pour filmer un film en fait et du coup il va rencontrer le second personnage principal qui est Denise qui est interprétée par Adèle Haenel Enel, ouais. ou Haenel ouais pardon qui est une superbe Font chier avec actrice leur nom à la con aussi. C'est non mais Adèle, là, avec Exargopoulos, c'est Enel, là. N'arrive pas à les voilà. prononcer. Non non mais c'est moi qui ai une dyslexie au niveau des prénoms je crois et des noms de famille parce que voilà et elle joue le rôle de Denise une serveuse dans un bar qui elle s'ennuie puisque c'est un bar de village de montagne donc il y a deux clients par jour ou quasiment et du coup il va se retrouver et en fait elle va lui expliquer que enfin, quand il va lui dire qu'il est réalisateur et scénariste de son propre film et qu'il est là en fait en repérage entre guillemets avec sa petite caméra, elle va lui dire qu'elle est monteuse de façon Amatrice. amateur en fait voilà et qu'elle aimerait bien en faire son métier. Et du coup, Georges va lui donner des images etc. Et en même temps, il va lui demander de l'argent du coup. À Denise, du coup, à Adèle, qui travaille dans un bar, donc elle n'a pas beaucoup d'argent, mais il lui dit oui, c'est ma production qui m'a mis en galère, etc. Enfin, il trouve des mensonges de plus en plus fous pour que elle lui donne de l'argent pour qu'il puisse en fait s'acheter des vêtements en daim, voilà, tout simplement. Et donc, son but dans la vie, c'est d'avoir ce style de malade, comme il dit. C'est une phrase qu'il répète souvent. Mais c'est aussi qu'il est le seul blouson sur la Terre. C'est un peu compliqué. Ça veut dire que, en fait, il veut que plus personne ne porte de blouson à part lui. Donc, en fait, il va engager des étudiants, et voilà, des passants du village, etc., pour leur faire croire qu'ils tournent dans un film. En fait, le but du film, c'est ben, tu vas mettre ton blouson dans le coffre de ma voiture, et après, quand il a fini la scène et qu'il leur a donné 100 euros, eh ben, il se barre avec leur blouson dans le coffre et il va enterrer les blousons. Voilà. D'accord. C'est extrêmement barré, c'est très drôle parfois. En même temps, est-ce que t'en attendais moins de Quentin Dupieux? Voilà, c'est ça en fait. Mais en fait, après, au poste, moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils prennent un pan plus grand public en fait pour. à apporter plus de monde à son cinéma. Mais je sais pas si c'est ce qu'il recherche, hein. Mais... le public de niche lui convient très bien, je pense. Voilà, ouais. Et du coup, ben, en fait, il fait vraiment un film de niche parce que on va, enfin, au fur et à mesure, George va devenir de plus en plus fou et ça va devenir un peu un slasher à la française. Mm-hmm. C'est-à-dire, voilà, c'est George qui va tuer des gens devant la caméra, donc il va faire un genre de slash, pas de slasher, snuff de movie. Snuff movie, voilà, etc. Et Adèle qui va, enfin, qui va découvrir au fur et à mesure ses mensonges, etc. Voilà, jusqu'au à la scène finale où c'est du n'importe quoi total et tu t'y attends pas du tout. Et c'est un peu étrange. Et moi j'ai eu du mal à m'en remettre en fait de cette fin parce que elle sort de nulle part et il y a pas d'explication, il y a rien. Et au final, après analyse de ce qui s'était passé avant, tu peux comprendre pourquoi, ce qui se passe à la fin. En fait, tout a une explication, mais c'est un peu alambiqué, un peu, c'est très flou, très vaporeux. Je sais pas comment dire, tu vois, mais c'est voilà. En tout cas, au niveau de la, moi, je trouve que la réalisation est magnifique. T'as vraiment l'impression de voir un slasher. À la française, c'est-à-dire avec des plans derrière l'épaule, etc., en continu, etc., enfin, Georges qui suit la victime, je trouve que visuellement, Quentin Dupieux, c'est toujours, je trouve qu'il est toujours, il a toujours de très bonnes idées, en fait. Mmh. Et ça se suit, même si on n'est pas à fond dans l'histoire. Visuellement, le film vaut vraiment le coup si on s'intéresse un peu à la réalisation, si on aime bien les beaux plans, les belles images. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et il y a en parallèle une critique un peu du mode de financement du cinéma qui est sous-jacente en fait à tout le film. Et puisqu'on parle beaucoup de scénario, on parle beaucoup de. En fait, Quentin Dupieux utilise beaucoup de mots. De vocabulaire qui sont propres au cinéma en fait et à la fabrication d'un film et du coup on sent vraiment qu'il veut raconter quelque chose à propos de la fabrication d'un film, on sent vraiment qu'il est un peu énervé par rapport à tout, ben, qui doit faire un peu ses trucs en indé alors qu'il y a des gros trucs qui fonctionnent et qui sont pas forcément très qualitatifs au niveau de la réalisation etc, enfin voilà. Il a quand même des choses à dire, c'est pas non plus du non-sens pour être du non-sens, ouais. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez Quentin Dupieux en fait. C'est quand on creuse un peu la surface, derrière la folie, il y a quand même quelque chose qui réfléchit quoi. Donc voilà, pour moi c'est pas un film aussi bon que Au Poste etc, parce qu'il a ses petits défauts, il a ses petits défauts de rythme etc, c'est un peu lent à certains moments, mais le propos est assez intéressant pour valoir le coup en fait, franchement moi ce sera dans mon top, il sera pas aussi haut que Au Poste qui était deuxième en 2018, mais il sera placé quelque part dans mon top, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. Bon, toi je sais que ça t'intéresse pas. Non, pas trop. Voilà, et je pense que ça te plairait pas honnêtement. Non, c'est trop barré pour moi, je pense. Mais ouais, voilà, et je sais que Adrien a beaucoup aimé aussi, donc voilà, on se retrouve là-dessus sur Au Poste et sur Le Dain. Voilà, on va passer à une ambiance mais totalement différente. On parle de petits films français produits avec 4 francs 6 sous et là on passe à un gros, c'est peut-être pas un, si c'est un blockbuster, mais c'est un film d'animation qu'on attendait peut-être pas tous, mais en tout cas qui a été annoncé il y a quelques années et on s'est tous dit pourquoi ils font un 4. Et ben voilà, on a la réponse pourquoi ils font un 4. C'est Toy Story 4, qui est sorti en France le 26 juin 2019, réalisé par Josh Cooley, qui avait réalisé George et A.G. et Premier Rendez-vous. Donc, bon, il était animateur sur Rebelle, vice-versa. Il a fait l'histoire. Voilà, il était chez Pixar. Voilà, c'est un animateur, un storyboarder, etc., un scénariste. Mm-hmm. Il était scénariste sur Vice Versa, voilà. Donc là, c'est lui qui s'occupe de la réalisation. Alors, par quoi commencer? Ben, toi, Eddie, enfin, je sais que ben, Toy Story, c'est une trilogie qui t'est chère. Ah bah oui, moi c'est ouais. Toy Story. À nous deux. Hein, c'est... Moi j'ai grandi avec Toy Story, hein, c'est un peu comme ouais. Harry Potter. Mm. Donc, D'ailleurs, allez écouter notre hors-série Harry Potter si c'est pas fait. Eh bah oui. Voilà. Surtout, j'ai de la belle merde dedans, j'ai réécouté. Ah bon? Ah oui, je disais que quand Harry Potter est sorti, j'avais 11 ans comme le héros, en fait, j'en avais 10. Ah, bon, ça va, à un an près, je Oui, sais mais pas. bon, voilà. C'est le comptage de Moldu, quoi, c'est pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui, Toy Story, moi j'ai vraiment un affect très particulier avec cette saga, puisque ce n'est plus une Une trilogie. trilogie, ouais. J'étais un petit peu dubitatif au départ à l'idée du quatrième, parce que bah, pour moi le 3 était la conclusion parfaite, en fait. Ouais. Et c'est surtout que il y avait vraiment est-ce qu'il y avait encore des choses à dire? C'était la question qu'on se posait. Et même au vu des premières bandes annonces du quatrième épisode, on disait, ouais, ça fait un peu prétexte, il y a la bergère qui revient, machin. Bon, on savait pas où elle était passée. Donc, dans un sens, bon, c'est toujours pourquoi pas, au moins on sait ce qu'elle est devenue. Mais est-ce que c'était suffisant pour justifier un film? J'ai le chat qui fait des conneries. Pour justifier un film. On savait pas vraiment, hein. Voilà, ça restait assez mystérieux et au final, bah, j'en suis ressorti assez satisfait. Ouais. Alors même si évidemment, c'est pas évident de passer derrière le 3 qui était aussi bien, parce que bah, déjà en termes d'émotion, on n'est plus du tout sur la même chose. Alors même s'il y en a quand même. Hein. Ah oui, non, mais moi j'ai pleuré, hein. Je l'annonce déjà, j'ai pleuré comme. Enfin, peut-être pas comme dans le 3, Ah, devant le 3, moi parce j'ai que. pas pleuré devant le 4. Alors que Moi j'ai pourtant, moi, je braille tout le temps, moi, au cinéma. pleuré. Mais Non, mais là, non. moi c'est l'histoire de. La poupée, la Bonnie, je crois, c'est ça? Non, c'est pas. Non, c'est pas Ah, Bonnie. oui. Avec la voix Bo d'Angèle. Peep. Non, oh, punaise. Bo Ah là Peep, là. c'est bah, Non, la ouais. boulangère. J'allais dire la boulangère. La Oui, bergère. la bergère. Comment elle s'appelle là? C'est la Ah, comment petite. qu'elle s'appelle? Gabi Gabi. Voilà, Gabi. Il y a une scène vers la fin et Gabi qui m'a déchiré le cœur. Ouais. Voilà. Dans la fête foraine. Ouais. J'en dis pas plus. Mais. Et bon, après, ce qui est la grande idée du film, alors au-delà des visuels qui évidemment sont parfaits, enfin Ah, oh, mais c'est c'est voilà, magnifique. hein, on est chez Pixar, il n'y a pas de problème, voilà, on sait que c'est Ouais. génial. De voir Woody et Buzz déjà sur grand écran, parce que moi j'avais pas vu le 3 Ah oui, sur grand ouais, écran. moi j'avais vu le 3 sur grand écran, j'avais pas vu les deux autres sur grand écran, mais moi je suis capable, hein, je veux dire, ils me font une rétrospective de story, je pense que j'y Ah vais. oui, mais Hein. non, mais moi aussi, hein, c'est Je direct, hein, pense la que j'y place est vais. prise. Alors, et alors oui, alors quand même, au début du film, sans trop spoiler, hein, au début du film, on a des réminiscences Bah, de du Woody. tout. Ouais. En fait, on a le départ de la bergère au début du film. Dès le début du film, on sait ce qui lui arrive. Et du coup, on revoit Andy petit. Et alors là, alors le choc visuel. Parce que Ouais, ben. moi j'ai bien en tête Andy quand c'est Ouais, de sorti, 95. voilà. Mais quand on le revoit là, et on s'est regardé en plus, tous les deux on s'est regardé, on s'est dit, ah oui, effectivement, l'animation a fait des progrès, il n'y a pas de doute Ah oui, bah là. oui. Donc déjà, alors ça Bah, m'a à la base, Toy marqué. Story, c'était fait parce qu'ils savaient pas vraiment animer des personnages humains en 3D, C'est hein, donc ça. Les jouets, voilà. c'était plus facile d'animer des jouets que des personnages humains. Et c'est vrai que les humains, bon, même si ça restait pas moche, hein. Et Oui, ça, bah ils oui. avaient cet aspect un peu cubique, un peu Ouais, pantin. ouais. Les humains paraissaient moins vrais que les jouets. Ouais. Donc pour Sid, ça allait, parce que du coup, c'était le méchant. Donc il Ouais. avait quelque chose d'effrayant. Ouais, d'effrayant déjà de Parce que, bon, base. Andy, il faut le dire, il fait un petit peu peur, hein. Ouais. Avec ses grands yeux écarquillés. Les humains avaient un peu cet aspect, les baigneurs que les petites filles, elles Oui. avaient. Les bébés, quoi, et là, bah là, on est vraiment sur des trucs très aboutis. Bonnie, elle est trop mignonne, quoi. La Ouais, petite ouais, ouais. fille, Non, mais déjà dans le 3, elle m'avait déchiré le ah cœur, oui, alors. mais elle est vraiment trop mignonne, et il y a plein de détails comme ça visuels qui sont excellents. Alors, évidemment, moi je trouve qu'on voit pas assez la bande de jouets. Que ça soit Ouais, de pile Bonnie. poil, Ouais. oui, alors même, oui, bah oui, les jouets de Bonnie, bah, la licorne, celle qui gère la chambre, parce que c'est Ouais. plus Woody n'est plus le patron, il n'est pas chez Oui, voilà, lui, c'est il est chez ça. Bonnie, Ouais. donc il y a d'autres jouets. celle qui gère la chambre, on voit pas ses Rex, évidemment. Alors, non, mais oui, moi, évidemment. De toute façon, on ne verra jamais ses Rex pour moi, je pense. Ouais. C'est mon personnage préféré. Bah oui, c'est sûr. On voit pas ses zigzags non plus. On se concentre vraiment plus. Même Buzz, finalement. Buzz n'est pas le héros de ce film. Non. Et c'est vraiment Woody. Mais Buzz était vraiment le héros du premier, honnêtement, et c'est tout. Du second, quand même. Il monte l'expédition pour aller chercher Woody. Ouais, ouais, si, oui. Ah oui. Oui, plus du second, ouais. Ah oui. Ouais, mais après. C'est pas pour ça que je préfère le second, hein, parce que j'adore Buzz, mais j'adore l'ambiance du second film. Ah oui, ouais. Visuellement, en plus. Et puis j'aime beaucoup les nouveaux personnages du second. Je trouve avec Jesse, Pile-Poil, tout ça. Et et Papy, le chercheur d'or, j'allais dire Papy Peter, n'importe quoi. et la grande idée ici, pour moi, dans le film, c'est que dans le 3, on était sur Andy qui faisait le passage de flambeau, finalement, qui donnait ses jouets, qui abandonnait définitivement son enfance pour devenir un adulte. Ce qui est assez surprenant chez Disney parce que on est quand même dans cette culture du, on est toujours des grands enfants chez Disney. Ouais. Et c'est vrai que là, avec Andy, il y avait vraiment cette idée de, je te laisse mes jouets à toi, Bonnie, parce que moi je pars à l'université. Mais d'un autre côté, il lui laisse à elle parce qu'elle sait qu'elle va s'en occuper, qu'elle va en prendre soin. Donc il y a quand même cette idée, je préserve aussi mes souvenirs d'enfant, je les laisse pas à n'importe qui. Bonnie devient un peu la gardienne des souvenirs d'enfance de Andy, quoi, entre guillemets. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, ici, on est vraiment. C'est un épisode qui est vraiment plus. Parce que finalement, même si les jouets étaient le moteur de ces histoires, ça tournait toujours autour des thématiques de Andy. Il fallait revenir dans le premier, faut revenir à la maison parce que Andy nous a perdus. Dans le deuxième, Woody se fait embarquer par le collectionneur, alors faut le ramener à la maison parce que sinon Andy va être triste. Dans le troisième, Woody va absolument retourner vers Andy parce qu'il pense qu'Andy ne s'en sortira jamais sans lui à l'université. Ouais. Alors que les autres jouets comprennent, non, faut le laisser aller maintenant. Il a plus besoin de nous. Et là, on est vraiment dans Woody aimerait retourner auprès de Bonnie parce que pour lui c'est sa mission. Il le dit, j'ai été créé pour m'occuper d'un enfant. Ouais. Et du coup, ça devient un film sur la parentalité. Ouais, c'est ça. Je trouve. Ouais. Et ça, c'est vraiment la grande force du film, c'est que Les jouets sont sont parfois les parents de substitution des enfants. C'est que quand tu es petit et quand tu, par exemple, j'ai travaillé un petit peu en centre de loisirs en accueil de loisirs. On n'a plus le droit de dire centre de loisirs. En accueil de loisirs. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des enfants. Ils viennent avec leur doudou. Mais qu'est-ce que c'est que le doudou? Le doudou, c'est un petit peu la maison qu'on ramène quelque part. C'est ça, ouais. Et le doudou, forcément, ça fait écho aussi. C'est réconfortant, c'est papa et maman. Et c'est vrai qu'il y a, il y a un peu cette dimension-là dans le film où, finalement, même si Bonnie, finalement, son nouveau jouet fourchette qu'elle va créer elle-même, devient son. Ça devient son doudou, entre guillemets. Préféré. Ouais, voilà. Ouais. Woody, lui, il sait très bien qu'il va tout de suite comprendre l'importance de Fourchette. Alors, Fourchette, elle est en pleine crise existentielle, ne comprend pas ce qu'elle est. Super drôle. Et Pierre Niney fait un travail formidable en VF. C'est Tony Earle qui fait en VO. Moi, j'ai vu en VO. Ouais. Et c'est un acteur, c'est du niveau de Pierre Niney en France. Enfin, bref, c'est marrant qu'ils aient choisi Pierre Niney d'ailleurs, parce que c'est clairement. Il était déjà formidable quand il faisait peur dans Vice et Versa. Là, en Fourchette, il est vraiment très bien. De toute façon, Pierre Niney, c'est un bon acteur. Donc, par définition, je pense que c'est un bon doubleur aussi. Parce que c'est un comédien fait en général un bon comédien de doublage. Plus que juste un humoriste, comme on le prend par exemple pour le Roi Lion. Il n'y a jamais de bouse aussi dans celui-là. Oui, mais là, ça va. Parce que il est très secondaire et puis parce que c'est un personnage un peu barjo. Ça fonctionne. De qui est Bunny? De qui est Bunny? Moi, c'est ma révélation de ce. Enfin, Ils sont très drôles. De ces films, et punaise, qu'est-ce qu'ils sont drôles. Oui. En français, en VO, c'est Keegan Michael Key et Jordan Peele. Oui, bah du oui. coup, du duo Key and Peele qui font la voix. Et mais qu'est-ce qu'ils sont drôles, mais franchement. Mm. En France, c'est Jamel Debbouze et Franck Gastambide. Mm-hmm. Je sais pas, j'imagine que de toute façon, les blagues fonctionnent encore. Hein, ah oui. Non, mais ouais, moi, je n'aime pas du tout Franck Gastambide pour les mêmes raisons que Morgane. Jamel Debbouze, il me saoule. En fait, c'est pas que je l'aime pas, mais il me gonfle. Mais là, c'est pour le coup, les deux font vraiment un bon boulot. D'accord. Ouais. Donc là, de ce côté-là, ça va. Mais mais ce qui fonctionne du coup, oui. Alors, déjà, bon, on va faire un point sur le doublage. Tout fonctionne bien. Moi, Morgan n'a pas été fan du doublage de Angèle. De Angèle qui fait Gabi. D'accord. Il trouve qu'elle est un peu désincarnée et tout. Bah, moi, en fait, je trouve que le côté candide et angélique d'Angèle. Je sais pas si t'as écouté du Angèle, moi j'en ai écouté un petit peu. Si, et j'aime vraiment, vraiment bien. Ouais, moi aussi. Et ça colle bien en fait à Gabi. Parce que Gabi, c'est la petite poupée à l'ancienne. Donc ça reflète l'esprit 50s, quoi. Les 50s, ouais. 60s même. Les bonnes manières, la bonne ménagère, là, c'est un peu Brivante de Camp, quoi, Desperate Housewives. Mm. C'est très donc elle arrive à faire ressortir ça, je trouve, dans le ton. Et il me semble que c'est Christina Hendricks, ouais, qui est très, d'ailleurs, même dans son style très 50s. Ah bah oui, très, Christina Hendricks, c'est un peu la pin-up, quoi. Ouais, voilà. La pin-up, ouais. Ouais, exactement. Et ça lui va très bien. Alors moi, je trouve qu'en français, ça fonctionne bien. On a, comment qu'elle s'appelle en France, on a, c'est une super actrice, Audrey Fleurot, qui joue la bergère. Ah oui. Qui joue la bergère. Voilà, hein, c'est pareil, je trouve que ça lui va très bien. Donc moi, niveau doublage, j'ai pas eu de soucis. Pas eu de soucis. Et après, voilà, bon, le film, oui, c'est vraiment sur son scénario qu'il fonctionne, c'est que Woody va devoir faire comprendre à Fourchette qu'il est devenu le jouet le plus important. Enfin, déjà, il va devoir lui faire comprendre qu'il est un jouet. Qu'il est un jouet. Et après, il va devoir lui faire comprendre qu'il est très important pour Bonnie et que sa mission de jouet, puisqu'il est un jouet, c'est de veiller sur Bonnie. Et en fait, Woody fait ce que Andy fait dans le film précédent. Mmh, c'est un passage de flambeau. Et c'est vrai que jouer ça sur le fait que les jouets sont parents, les jouets ont cette fonction, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Bah ouais, c'est digne des idées de Pixar. C'est hein, ça. C'est clairement ça. Et évidemment, le personnage de la bergère là-dedans, son importance, c'est de ramener Woody sur d'autres plans, en fait. Ouais, pour explorer d'autres facettes du personnage, parce qu'elle, elle s'est émancipée de tout ça. Ouais. Elle n'a plus de propriété. C'est ça. Elle n'appartient plus à personne. Ouais. Et elle fait comprendre à Woody que Bonnie. On peut aussi être heureux en tant que jouet sans appartenir à un enfant. C'est ça. Alors, on est sur quelque chose de plus fantastique. Parce que les jouets n'ont pas de vie. Ils ne sont pas vivants, nos jouets. On aimerait on aurait bien voulu. Hein. Moi, j'aurais vraiment aimé que mes jouets soient vivants dans ma chambre. Hein. Mais ce n'est pas le cas. Et bon, là, on est sur quelque chose de plus fantasmé, d'un petit peu plus. C'est vraiment. Là, c'est plus un hommage aux personnages eux-mêmes, quoi. On pourrait se dire, voilà, Woody, après tout ce qu'il a fait dans sa vie de jouet, bon, il a le droit de vivre un peu sa vie comme il l'entend, avec la bergère qui est finalement son amour de toujours, en plus. Donc ça donne lieu évidemment à des belles scènes aussi, notamment, je ne dirai pas quand. mais bon, vous l'avez tous vu, hein, Toy Story 4, normalement. Donc voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui sera dans mon top cette année. J'étais ressorti un petit peu dubitatif. Sceptique, même après avoir vu le film. Oui, en sortant du cinéma, et en fait, c'est en y réfléchissant, je me dis, mais si, en fait, c'est brillant. C'est brillant, j'avais pas perçu ça tout de suite, mais si, c'est brillant. Donc je me suis vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment. Ça fonctionne peut-être un peu moins sur l'émotion, mais c'est vrai que la relation. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand Andy donne ses jouets à Bonnie, à l'époque où je l'ai vu, Ouais. Ben, en fait, c'est moi qui vivais mon passage d'ado à adulte. En gros. C'est un Ouais. peu comme ça, en fait, que je me voyais. Alors, je sais, c'était tard, hein, parce que c'était 2010. Bah. Non mais. Bon. J'avais 19 ans. Non mais ça va, enfin 19 ans ça va encore, Mais attends, c'est pas. je voyais, voilà. Moi je l'ai vécu à 22, alors je peux te Bah dire. ouais, mais du coup, Toy Story 3, je le voyais vraiment, ça y est, quoi. Oui, effectivement, c'est fini. Voilà. Et un an après, c'est marrant, je prenais mon indépendance, j'avais mon appartement. Donc, Ouais. comme quoi, il y a des trucs, comme quoi le cinéma influence aussi la vie des gens, j'en reste intimement Ouais. persuadé. Bah oui, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'ai ressenti plus d'émotion devant Toy Story 3, mais après voilà, Toy Story 4 reste un excellent film sur ce point-là aussi. Ouais. Et encore une fois, ce qui est génial chez Pixar, c'est que les méchants sont pas forcément ceux que l'on croit. Il y a même pas Voilà, c'est ça. forcément de méchants tout le temps. Ils ont pas, ils, en fait, ils ont pas besoin de ça. Pas totalement. En fait, tout a une explication et tout le monde a comment Mais dire? chaque personnage existe. Ils n'ont pas Voilà, c'est juste des ça. fonctions, parce que même Ils ont. Zurg, finalement, n'est pas un méchant. Non. Au En final. fait, c'est. Oui, c'est. En fait, c'est pour arriver à un certain but et ils font des choses que. Enfin, voilà. Par exemple, Bonnie, elle. Attends, non, Bonnie. Oh là là, je suis fatigué. Gabi, pardon. Elle veut. En fait, elle a perdu sa voix. Sa boîte vocale, en fait, parce qu'à la base, c'est une poupée parlante. Et comme elle date des années 50, eh ben, ses boîtes vocales, même. Enfin, dans la vraie vie, ses jouets ne parlent plus, du coup. Et en fait, elle veut juste retrouver une boîte vocale pour pouvoir mettre, enfin, pour pouvoir de nouveau parler. Et du coup, en fait, on comprend sa méchanceté entre guillemets dans certaines scènes Oui, est-ce qu'elle veut juste pour, exister en fait? voilà, elle veut exister en fait. Elle veut plus être parce que la plupart du film se passe dans un magasin C'est un. de Oui, c'est un un. An... antiquaire en fait. Oui, Hein. c'est un antiquaire. Oui. Je vais dire une C'est brocante, un. mais non, c'est un antiquaire, oui. Ouais, c'est vraiment un antiquaire parce qu'il n'y a pas que des jouets, il y a plein de choses en fait. Et du coup, ouais, non, c'est. Moi, le film, ben. Oui, alors pourquoi il se Déjà. retrouve là? C'est parce que Bonnie et ses parents partent en vacances. Le Voilà, c'est ça. camping-car a un pneu qui crève Et Fourchette, en fait, se et barre Fourchette se barre. pour la 3000ème fois. Voilà. Et cette fois, réussit vraiment à se barrer. Voilà. Parce qu'à chaque fois, Woody l'arrêtait. Mais là, cette fois-ci, Woody, ben, il va sauter de la voiture en marche pour aller récupérer Fourchette. Fourchette. Voilà, et finalement, ils vont se retrouver dans cet antiquaire. Et dans une petite ville du Midwest, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un antiquaire, il y a Il y a une fête foraine sur la une fête place, foraine en même tout temps. ça, et du Voilà, coup c'est ils vont ça. y passer. Voilà, le film se passe. L'action du film se passe Oh principalement ben comme tous là-dessus. les Toy Voilà, c'est. Story, ça se déroule sur une journée, 2 jours, quoi, hein, dans Voilà, la c'est ça, chronologie exactement. du film. Voilà, c'est rarement plus long. Le plus long doit être Toy Story 2 et Toy Story le tout premier. Voilà, le Ouais. 3 n'est pas très long non plus. Enfin, quoi que. Mais bon, Ouais. celui-ci en tout cas, c'est celui qui se passe sur le laps de temps le plus court. Oui, parce que ouais, c'est clairement Et une course contre la montre, en ah fait. oui, bah oui, parce que Parce ils vont que. réparer la roue du camping-car à un moment à l'autre, et du coup il faut absolument retourner au camping-car avec Fourchette. Voilà, cette scène avec le camping-car dans la fête foraine, moi ça m'a fait exploser de rire. Moi, Ouais. ah mais j'étais vraiment mais en pleurs Ouais. devant le film tellement il me faisait Ah rire. ouais, non, Genre avec Ducky et Bunny, c'est ça, la c'est que. scène où ils s'imaginent. Puis les personnages, ils sont tous attachants en plus, tu sais. Voilà, Enfin, c'est ça. le truc, c'est que tu les vois, les conneries venir, parce que tu sais. On est au quatrième Ouais. épisode, on sait ce qu'ils font. Voilà, c'est ça. Mais ça fonctionne tout le Mais ça temps. fonctionne tellement bien. Ouais. Et j'étais en pleurs déjà d'émotion sur certaines scènes. Et en pleurs de rire, mais vraiment surtout avec Ducky et Bunny, honnêtement. Parce que c'est. Et Duke Kaboom, Ah ouais, Duke Kaboom. qui est Alors, je sais le. pas comment ils l'ont fait en VO, mais alors nous, ils l'ont fait avec un accent québécois. C'est Keanu Reeves qui double. Ouais, ah oui, donc ils l'ont pas fait avec un accent québécois. Non, non, mais en fait, il a un accent canadien en anglais, Ouais. enfin voilà, assez chelou et c'est, enfin, il y a beaucoup, enfin, il y a toutes comment dire, les spécificités de la langue anglaise au Canada en fait, qui se retrouvent dans ce personnage et du coup, ça le rend, en fait, ça rend le même effet que s'il avait l'accent Ouais, québécois, d'accord. Oui, quoi. Donc l'intention est la même, quoi. voilà, c'est ça, l'intention est vraiment Ouais. la même. Parce qu'en français, c'est très drôle, hein. Oui, bah, Enfin, moi, après, j'imagine, alors, je suis j'imagine. un grand fan de Ouais. l'accent québécois, Moi aussi. mais c'est vrai qu'en français, c'est vraiment très drôle et ils en font pas trop, mais du coup, c'est que ça, enfin, en plus, ça caractérise vraiment bien le personnage. Donc voilà, encore une fois, c'est un personnage secondaire, mais Ouais, qui même existe, quoi. tertiaire, hein, même Même tertiaire. plus, ouais. C'est Et, mais ouais. pourtant, il existe, il a une histoire, et c'est là, en fait, toute la force du film aussi, c'est que chaque C'est que chaque personnage est là pour quelque chose. Et au-delà de la simple fonction, bah, ils ont tous une histoire. De qui est Bunny, qui échafaude un plan pour s'échapper. Ah mais non, mais Et on voit le au bout du truc troisième, moi et... j'écoutais même plus, hein, j'étais, Ah mais je oui. crois que je riais le plus fort dans La la salle de scène avec cinéma. le chat aussi. Hein. Ouais, oui, mais en fait, il y a des vrais gros gros moments Ouais. comiques qui fonctionnent Et c'est extrêmement bien. burlesque. Ouais, qui fonctionne. Voilà, si vous aimez l'humour burlesque, c'est parfait quoi. Oui. C'est vraiment, c'est super bien écrit au niveau des blagues et tout ça. Enfin, Et franchement, alors après, c'est. au-delà du film, je ne sais pas, j'ai peut-être été trop tard. J'ai été à Disneyland le week-end, pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant. Ouais. Donc il y a ben, une quinzaine de jours à l'heure où on enregistre. Je suis jaloux. Hein? Pardon. Non, je disais j'étais jaloux, J'en suis navré. mais. mais il y avait pas de merchandising sur Toy Sur Toy Story, il y Story avait 4. rien. Non, il y avait rien, mais je D'accord. pense que ben, c'était trop tard en fait. Je pense aussi parce que quand c'est sorti, moi je voyais dans les magasins, même les magasins enfin, généralistes, genre Leclerc, etc., il y avait sur les devantures des jouets Toy Ouais, Story, mais il y avait partout, il y rien, il avait y des avait pas de peluches Toy fourchette, Story, il y avait pas etc. de. Alors, si, Ah, c'est il y avait le dommage. merchandising traditionnel, il y avait les Woody, il y avait les Buzz, il y avait les Ouais. Rex, mais un peu comme tu retrouves ben, la Belle et la Bête, machin, tu retrouves un peu, voilà. Mais il y avait pas les trucs avec les nouveaux personnages, donc mais ils reviendront, hein, parce que Disney c'est ça fonctionne par Oui, saison. Mais non, là évidemment, là c'était la saison du Roi Lion et de la Jungle, donc forcément on avait tout le merchandising autour de ça, qui était très très cool d'ailleurs. ouais, Voilà, on n'est pas là ok, pour balader ça. Mais non, Toy Story oui, 4, c'est un excellent film. ouais, Et franchement, c'est un bon honnêtement, moi, épisode. je crois, honnêtement, que c'est mon film préféré de l'année pour Ah l'instant, ouais? À ce ouais, point-là? Bon, pas clairement, moi, parce mais que il est pas loin. Oui. c'est un des seuls qui m'a fait autant rire et autant, enfin, Ah, me c'est provoquer peut-être la autant meilleure comédie de d'émotions. l'année, ça c'est sûr. Oui. Pour moi. Ouais, honnêtement, et un film dont je vais parler après qui m'a fait extrêmement rire aussi, mais celui-ci, ouais, c'est clairement un des films les plus drôles que j'ai vu cette année, et un des films les mieux réalisés, les mieux écrits, et le plus, voilà, très émotionnel, parce que c'est, même si on peut dire, ouais, ils vont faire un Toy Story 5, etc., moi, je sais pas, honnêtement, Je ne parce pense que. pas, hein. Je pense que là, ils l'ont dit, hein, Pixar, hein. Les Ouais. Indestructibles 2 et Toy Story 4, c'est les dernières C'est suites. les On derniers. se reconcentre sur des trucs originaux. C'est ça, ouais. Donc. Mais bon, après, c'est parce que c'est la direction actuelle qui est Pete Docter qui décide de Mais c'est ça. très bien. C'est justement, moi, Pete Docter, c'est peut-être mon réalisateur préféré De de. Pixar? C'est mon réalisateur préféré de Pixar, honnêtement. Parce que Monstres et compagnie, parce que Vice Versa, parce que Up, voilà. J'ai juste dit trois noms et c'est bon. Ah si, pour les 10 ans de là-haut, ils ont ressorti un merchandising sur là-haut à Disneyland. Donc si vous y allez en ce moment, Ah, cool ça. Ah putain, c'est bien ils ont ça. sorti Doug en peluche, ils ont Oh. sorti Fredricksen et Ouais. comment il s'appelle le petit scout. Ah. Ah, j'ai plus son nom. Ouais, en tout cas, voilà, on sait Mais tous ils ont pas de qui on sorti parle. Kevin. Ah. Il n'y a pas Kevin en plus. Mais bon, nous on a ramené Mince. Doug évidemment. Ah, Il a pris une super. bonne vouille, il est tout Bon, doux. bref, Bref. avec toute la pub qu'on fait à Disneyland, il ferait mieux de nous Non, payer, je mais crois, c'est parce vrai, que si vous y là. allez Ouais. prochainement, ils sont Bah ressortis, oui, c'est non, mais pour les c'est 10 ans sûr. du film. Ils vont pas Ouais. être là longtemps, hein. Donc. Non, mais t'as été embauché par Non, Disney, c'est pas possible. Non, mais on ouais, le je. sait, hein, d'une saison à Oui. l'autre, tu retrouves pas les mêmes trucs. Donc, Ouais, quand tu veux je faire sais. un peu la collection, voilà. T'es un peu obligé, ouais. Ok, voilà, donc moi, ouais, Toy Story 4, excellent film, excellentissime. Moi, j'ai pas plus de choses à dire, c'est vraiment. Voilà, honnêtement, le film d'animation de Moi, l'année très déjà. honnêtement, Hein. pour moi, pour l'instant, Disney, c'est pas une mauvaise année, hein, parce que entre Non. Ralph 2.0, Dumbo, Je l'ai pas vu. Toy Story 4, Le Roi Lion, Aladdin. Endgame, que j'ai quand même bien aimé, Ouais. ben, pour l'instant, ça va. Far From Home, j'ai bien aimé aussi. On en parlera tout à l'heure, mais voilà. Moi, il y a toujours Maléfique 2 que j'attends un petit peu, quand même. Sort Il cette y a la année. Star Wars, quand même. Donc, Oui. ben, Pour l'instant, mais de toute façon, Disney, ça va. Alors, il y a eu des trucs pas terribles, hein, mais c'est ouais. pas une trop mais mauvaise non, année. Comme chaque année. Hein. Mais ça, en disant ça, je me rends compte aussi de tout ce qu'ils ont pu sortir cette année, et c'est assez impressionnant. Ouais. Bah, la domination Disney est en marche. Hein. Depuis 2015, j'ai envie de dire, ouais. ça n'arrête plus. Hein. Mm-hmm. Même avant, mais là, je trouve qu'ils ont... Depuis qu'ils ont repris Star Wars, en fait, ça prend encore plus de... d'importance, voilà. Moi, je voulais vite parler de Yesterday, nouveau film de Danny Boyle, scénario de Richard Curtis, du coup. Donc, Richard Curtis qu'on connaît hein, pour Good Morning England, pour Quatre Parages en enterrement, Love Actually, des bons films. Ah, Love Actually, moi, c'est un ouais. feel good movie. Love Actually, j'aime beaucoup. Je l'ai découvert à Noël, là, ce Noël 2018. Ah, bah, c'est tu vois. Parfait. Donc, voilà. C'est parfait c'est... pour cette période de l'année. Ouais, non, mais. Coup de foudre à Notting Hill, tout ça. Moi, avec Martin... Les scènes avec Martin Freeman, elles m'ont tué. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais il est très bien, hein, ce film. Ouais. Voilà, donc Yesterday, c'est réalisé par Danny Boyle, scénario Richard Curtis. Sorti en France le 3 juillet 2019. Film où, en fait, le principe, c'est que. Le principe du film, c'est que Jack Malik, donc, qui est interprété. Avec brio, je trouve, par Himesh Patel, qui est un acteur qui enfin, promet beaucoup. Pour l'instant, on l'a vu que dans Yesterday au cinéma. Et il va être dans Tenet de Christopher Nolan en 2020. Ok. Voilà. En tout cas, moi, je le trouve excellent. Il y a aussi Lily James. Ah oui, Lily James, oui. Ouais, dans le film qui joue Kate son... Kate McKinnon, qu'on avait vu dans Ghostbusters 2016. Donc, voilà, exactement. Ed Sheeran. Voilà, Ed Sheeran qui joue son propre rôle, mais un peu plus débile, on va dire, parce que voilà. Il y a des vraies bonnes scènes de comédie qui sont bien drôles où Ed Sheeran reprend. Ah oui, voilà. Mais il c'est est ça, très en fait, cool, c'est... hein, Ed Sheeran. Hein, dans la... Quand tu le vois en interview, machin, il est. Non, mais j'ai jamais dit. Ah oui, moi j'aime bien, il chante très bien. Là, il est vraiment. Enfin, il joue vraiment le débile, quoi. Ouais. Enfin. Un peu plus débile que voilà que ce qu'on attendrait d'un chanteur honnêtement parce que là oui parce qu'il est loin d'être con hein, par contre je pense oui bah oui non là il fait en fait genre pour prendre un exemple donc déjà le film c'est donc le rôle Jack Malik donc le personnage principal c'est un chanteur qui essaye de percer en fait depuis une dizaine d'années. C'est un chanteur avec une guitare et qui a une très bonne voix d'ailleurs. C'est un super chanteur hein, en plus en passant. C'est lui qui interprète toutes les chansons dans le film et il arrive à rien. Et Lily James du coup qui joue le rôle d'Ellie Appleton c'est son manager slash slash meilleur ami voilà. Du coup un jour quand il rentre d'un concert il y a un truc qui se passe sur la Terre, je sais plus comment ça se passe exactement, mais en tout cas il est frappé. Ah oui, il y a une coupure de courant générale sur toute la Terre et du coup lui il est à vélo et il y a une voiture qui lui rentre dedans et du coup il est dans le coma pendant quelques jours et il sort du coma. Et en fait, c'est le seul à se souvenir que les Beatles existaient, en fait. D'accord. C'est en fait un monde où les Beatles n'existent plus. Et d'où vient le comique, c'est que d'autres choses un peu random, un peu au hasard, n'existent plus, en donc fait. C'est un peu comme Jean-Philippe avec Lucchini, quoi, sur Johnny. C'est ça, exactement. Y a genre, enfin, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais c'est pas ça. Genre, les pommes n'ont jamais existé, ou un truc comme ça. D'accord. Tu vois, okay. C'est. Voilà. Ah oui, au ça hasard. Fait partie des choses qui. Et, ok. Voilà, tu vois, y a pas que les Beatles qui ont disparu. Y a d'autres trucs, un peu au hasard. Et c'est de là d'où vient le comique, en fait. Parce que parfois, enfin, au début, quand il se dit, mais ils se prennent pour. Enfin. Non mais c'est une blague qu'on joue sur moi parce qu'au début il croit que c'est ses amis qui lui font une mauvaise blague mmh. Et après il se rend compte que personne n'a entendu les Beatles, il va chercher sur internet et il trouve rien dans Google sur les Beatles. D'accord. Et après genre quand il trouve par exemple, je prends l'exemple de la pomme mais c'est pas ce qui se passe dans le film parce que je me souviens plus en fait, mais par exemple il va chercher pomme sur internet et il va rien trouver mmh. Et c'est de là dont vient le... Mais genre sa pote qui s'appelle Appleton, s'appelle tout le temps Appleton. Non, mais je disais la pomme, mais c'est pas dans le film, en fait. C'est, ah oui, c'est d'accord, ok. Mais je pensais c'est que c'était un exemple du film. Okay. Non. En plus, j'ai même pas fait exprès, tu vois. Mais oui, non, ce que je me dis... Oui. Non, non, mais je pensais à un truc bête pour prendre l'exemple, parce que j'ai plus le souvenir en fait de ce qu'il y a. Et en même temps, c'est plus marrant de laisser le doute planer en regardant le film, parce que ça donne lieu à des scènes vraiment marrantes. Donc voilà, c'est le seul à se souvenir des chansons des Beatles, et du coup, ben, il va se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ben, toutes ces chansons, parce que les Beatles, c'est plus de 300 chansons écrites, voilà. Et du coup, il va essayer de se souvenir de toutes les paroles, et du coup, le film va... Il y a des moments aussi assez drôles où... c'est bien monté, etc. C'est en fast-forward, où il essaye de retrouver les paroles, il place certains mots qui sont pas justes dans les chansons, etc. Donc c'est... voilà, c'est un peu le principe du film, et du coup, il va sortir un album en indépendant qu'avec des chansons des Beatles, comme si lui il les avait écrites, enfin, c'est lui qui les chante, mais écrites, voilà. Et il va faire un buzz énorme, et ça va devenir un des artistes les plus connus de la Terre, du coup, parce que il chantait des chansons qui sont au demeurant très très bonnes, voilà. D'accord. Voilà, donc ça c'est le pitch du film. Il y a plus C'est plus profond après, parce que on découvre qu'il y a certaines personnes qui ont des souvenirs, etc. Et voilà, ça devient un peu plus profond, mais ça parle principalement de ce chanteur qui, bah, après, qui se sent un peu comme un voleur, quoi, parce que même s'il n'est pas, enfin, voilà, il se dit, ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien ou pas? Voilà, et du coup, il va rencontrer Ed Sheeran, il va faire la première partie au début, etc. Et c'est comme ça qu'il va devenir connu. Et moi, je prenais l'exemple, du coup, pour dire, Ed Sheeran est dans le film, il est un peu con. Il y a la chanson Hey Jude, qui est une chanson très connue des Beatles, de Paul McCartney plus précisément. Et du coup, Ed Sheeran, il dit, ah, Hey Jude, ça sonne pas très bien, il faudrait que ce soit Hey Dude comme gars ou comme mec, en français, quoi. Et du coup, ils font une chanson, Hey Dude, enfin voilà. Il y a des moments vraiment marrants, etc. Honnêtement, si vous êtes fan des Beatles, et même si vous l'êtes pas vraiment, c'est assez marrant d'entendre les chansons réinterprétées, et parfois avec des mots qui changent, etc. Et il y a des moments dramatiques qui sont très bien réalisés, très bien faits, je trouve. Danny Boyle, c'est toujours un peu foufou la réalisation, genre il y a des moments où ça part un peu dans le trop clipesque, je trouve, où il y a des lettres en 3D qui sont derrière le chanteur, etc. et qui forme un bus, enfin voilà, c'est vraiment des trucs très conceptuels, très clipesques en fait, limite. Ça fonctionne pas toujours, mais il y a des moments, par exemple, une des scènes finales, c'est un concert sur un toit d'un hôtel, là où il a débuté, du coup, ce Jack Malik. Il chante la chanson Help, donc aidez-moi, et honnêtement, on sent toute la. En fait, c'est comme s'il le criait à la face du monde, c'est aidez-moi, je suis en train de devenir fou, est-ce que je suis le seul à me souvenir des Beatles, etc. Et en fait, en même temps, le succès qu'il a, ça le rend un peu fou. Donc voilà, l'interprétation est excellente, les scènes dramatiques, comme ben, il va essayer de retrouver, du coup, les Beatles, ce qu'ils sont devenus, parce que s'ils n'ont pas formé. S'ils n'ont pas formé les Beatles, qu'est-ce que Paul McCartney, qu'est-ce que John Lennon, etc. sont devenus vraiment. Et ça apporte aussi un moment très fort, très chargé en émotions. Je ne vais pas dévoiler, mais que vaut mieux pas regarder le Wikipédia si vous êtes intéressé par le film, parce qu'il dévoile tout. Voilà. Donc voilà, c'est un film très sympathique, qui a ses problèmes de un peu. Enfin, je trouve que c'est très symptomatique des films de Danny Boyle, c'est-à-dire que parfois il en fait un peu trop, parfois c'est un peu trop clipesque, comme je l'ai dit, il y a des idées un peu trop conceptuelles qui fonctionnent pas très bien, mais tout ce qui est dramaturgie, etc., tout ce qui est comédie aussi, ça fonctionne plutôt bien, et les chansons sont très bien interprétées par Himesh Patel, donc voilà, c'est franchement un bon film à regarder. Il y a quelques problèmes de lenteur, on va pas se cacher, mais ça fonctionne plutôt bien. Voilà. D'accord. Voilà. On passe rapidement à autre chose. Là, je vais parler, mais très très rapidement, parce que j'ai fait une critique justement de ce film que je vous invite à lire si le film vous intéresse, et ça vous donnera plus mon avis sur celui-ci. Donc, c'est Wild Rose, un film de Tom Harper qui parle de Roselyne, du coup, qui est fraîchement libérée de prison et qui a qu'un seul but en fait dans sa vie, c'est de gagner assez d'argent pour quitter Glasgow, donc ça se passe en Écosse, et pour devenir chanteuse de country à Ah Nashville oui, aux c'est vrai. États-Unis. Voilà. Oui, t'avais Et adoré, donc, oui. j'ai adoré, je sais pas le T'avais mot, bien aimé quand même. bien aimé, ouais, mais il y a certains trucs en fait qui m'ont un peu dérangé. C'est le fait que en fait, l'aspect drame familial fonctionne très bien parce que en fait, cette Roselyne qui essaye de percer en tant que chanteuse, elle chante très bien aussi, l'actrice qui est Jessie Buckley. Et ben, en fait, elle a des enfants et qu'elle fait garder par sa mère, etc. Et du coup, à chaque fois, enfin, on la voit vraiment sous ses aspects les plus dégueulasses, en fait, les plus opportunistes, c'est-à-dire que. On a l'impression qu'elle s'en fout un peu de ses enfants et que ce qui est, en fait, elle est très très égoïste. C'est-à-dire que il y a d'abord son rêve et après ses enfants. C'est-à-dire qu'elle ferait tout en fait pour aller vivre sa vie à Nashville et en fait laisser ses enfants derrière avec sa mère quoi. Donc c'est leur grand-mère. Voilà. Donc, mais tout cet aspect fonctionne plutôt bien. C'est un peu long par moment, honnêtement. Toutes les chansons ne se valent pas. Et même, le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de chansons parce que c'est plus un drame familial qu'autre chose. Le fait que le personnage principal soit aussi égoïste, ça le rend parfois difficilement supportable, moralement, pendant une bonne partie du film, en fait. La réalisation, elle est plutôt très très classique. Et comme je l'ai dit, du coup, il y a un essoufflement du rythme au tiers du film à peu près, voilà. Mais ça reste un film qui est plutôt bon et qui a un casting vraiment bon avec Jessie Buckley qui est au top de sa forme. Voilà. Moi, je vous le conseille quand même si ça vous a donné envie, lisez ma critique et après peut-être enfin, ça vous donnera encore plus envie, je sais pas. Mais moi, je vous le conseille quand même. Voilà, moi je savais rien du film, à part que j'avais lu une petite 7-8 lignes qui était consacrée au film dans le premier de août, il me semble, juillet-août. Et du coup, ça m'avait titillé, donc je suis allé voir et j'en suis pas ressorti déçu parce que j'en suis ressorti avec des. C'est un peu feel good à la fin parce que voilà, c'est toujours. Les films musicaux, c'est toujours un peu feel good. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà, après avoir parlé sur ces deux films, on va passer à du très gros encore. On va parler du Roi Lion, du coup. Mais c'est pas le film d'animation, le film sorti en 2019, du coup en France le 17 juillet 2019, et réalisé par Jon Favreau qui était déjà à la réalisation du Livre de la Jungle pour Disney en Oui. live. Et qui vient d'annoncer dans la presse qu'il aimerait bien faire un Star Wars spécial Noël. Alors surtout pas. En Ne fait, je ramenons pas trouve Star que. Wars à ce qu'il Ouais. a été. Oui, voilà. Hein, Ouais. genre à Non, faire des mais. films sur les. La famille d'Ewok, Voilà, voilà. des trucs. Non, non, merci. Non, non. Voilà. Voilà. Le Roi Lion, adaptation en live, slash. En fait, c'est un peu compliqué de dire que Slash c'est du live animation, hein. parce que, voilà, c'est vraiment de la full animation 3D, Et je mais sais même pas pas si c'est des 3D. décors réels. Non, non, non, c'est tout sur du fond vert en Bah, fait, en c'est de fait, la c'est de performance. l'animation. Voilà, c'est de la performance capture avec de l'animation. Enfin voilà, c'est vraiment de l'animation. Mais voilà, c'est un peu un. Ils ont parlé justement. Je fais vraiment C'est la un pub long de métrage première. d'animation. Ouais, c'est C'est ça. comme ça Je que c'est fais défini, en vraiment. tout cas, sur Sens Critique. Ouais, mais je fais la pub de première. Mais ils en parlaient justement dans ce numéro de juillet-août de la dualité du film en fait. Parce que. On en parle comme un film live, mais finalement c'est plus un film d'animation qu'autre chose. Donc voilà. Donc, toi, tu l'as vu en VF, moi, je l'ai vu en Parce VO. que je n'ai pas eu le choix de le voir en VF. Je ne voulais absolument pas le voir en VF. Ouais, je sais. Mais tant pis. Mais tant pis. Du coup, Le Roi Lion, qui est ton Disney préféré, si je me trompe pas. Il se bat avec La Belle et la Bête. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Un de tes Disney Peut-être préférés, qu'un en tout cas, jour, moi. l'un vaincra l'autre, mais pour l'instant, je ne sais pas. Ah, mais pour l'instant, c'est le duel des titans, C'est hein, impossible. c'est compliqué. Bah, je vais pas te demander, est-ce que tu l'attendais? Parce que tu l'attendais pas Ben, Le vraiment. Roi Lion, c'est le premier film que j'ai vu dans ma vie de cinéphile. Ouais. Avant, je regardais les dessins animés à la télé, quoi. Mmh. Sur genre TFou, machin, voilà. Mmh. Mais Le Roi Lion, c'est le premier film que j'ai vu. C'est le premier film que l'on m'ait offert en VHS. Mmh. Donc, j'ai un affect particulier avec Le Roi Particulier, c'est Lion. normal. Évidemment, c'est mon premier Disney. Mmh. Voilà, Le Roi Lion, chez moi, il y a quelque chose, quoi. Ça cristallise beaucoup de choses. Ouais. J'avais absolument pas envie d'une version live parce que je savais que faire Le Roi Ouais, Lion ça en c'est. version live, déjà ça ne pouvait pas être une version live parce que Bah c'est sinon c'est Hamlet hein, tout simplement. bah, c'est voilà Mais déjà et puis c'est surtout que comment humaniser des animaux tout en alors en soi c'est possible. On peut faire une version live très proche du dessin animé avec des animaux qui ont des expressions faciales et tout. Sauf que là, le choix qui a été fait, c'est l'ultra réalisme. Alors, évidemment, c'est très bien fait. Les animaux sont parfaitement modélisés, ils sont assez crédibles, réalistes, ils existent à l'image, ça c'est ok. Les décors aussi, bien sûr. Sauf que c'est tout, en fait. Voilà. C'est bien résumé. Sauf que c'est tout, parce que du coup, tout ce qui faisait le charme du film d'animation ne fonctionne pas dans ce film live, parce que l'ultra-réalisme ne colle pas. Tu peux pas faire des lions qui soient très crédibles et qu'on pourrait voir dans un zoo, mais les faire parler et les faire chanter, parce que du coup, déjà, Les bouches, les ben mouvements de c'est. mâchoire. Ouais. Enfin, les gueules plutôt. Ouais, oui. Ouais. Déjà, c'est pas hyper perceptible. Au début, le premier que l'on voit parler véritablement, c'est Scar. Au départ, j'ai eu du mal, hein. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre. On a l'impression qu'il ne parle pas, quoi. Donc déjà que ça ne fonctionne pas. Quand Zazu se met à parler, c'est une catastrophe parce que c'est clairement lever baisser, hein, voilà, le ouvert fermé le bec, hein, pas plus que ça. Oui, parce qu'il ne peut pas se tordre un petit peu comme dans le film Bah oui. d'animation où il avait des rictus. Là, les animaux Ouais. n'ont aucune expression. Ouais, Dans le c'est film c'était. d'animation, ils avaient des sourcils, les mâchoires faisaient la bouche, la gueule faisait un rictus ou au contraire exprimait la tristesse. Là, il n'y a rien, c'est zéro, c'est nada. Donc déjà, au niveau de l'émotion, ça ne fonctionne pas parce que les personnages ne peuvent rien exprimer. Et au-delà de ça, c'est alors là pour le coup, mais c'est du copier-coller, mais plan par plan. On a rajouté des petits trucs ici et là. Alors oui, le film s'ouvre sur l'histoire de la vie. Bon. Moi, je vais pas cacher que j'ai eu quelques Alors, c'est frissons très, de mais c'est l'entendre au très beau, cinéma. c'est très très beau, parce que là, les animaux ne parlent pas. Donc c'est très beau, c'est Ouais, très bien voilà, c'est fait. ça. Et même les postures, genre Rafiki, bon, qui a plus son espèce de bâton, parce que justement, on est sur un truc réaliste. Donc Rafiki, c'est une mandrille qui se déplace comme une mandrille dans la savane. Il n'y a pas le petit câlin à Mufasa, mais juste ça me gêne pas. C'est un parti pris qui est intéressant, qui fonctionne. En fait, tout fonctionne jusqu'à tout pendant que les animaux ne parlent pas, ce qui est quand même emmerdant dans un film où ils parlent. Et où ils chantent aussi. Oui. Bon, l'histoire de la vie, ok. Alors, en VF, le problème, c'est que. Alors, c'est la même chanteuse que pour. C'est China Moses, qui du coup chantait dans D'accord. La Princesse et la Grenouille. Les chansons dans La Princesse et la Grenouille sont très bien. C'est jazzy, ça correspond. Sauf que pour l'histoire de la vie, elle n'a pas de coffre du tout. Donc, ça marche pas. Et passé ça, donc on va sur la scène avec Scar et la petite souris, pour ceux qui se rappellent du Roi Lion, dans le film d'animation. Alors, sauf que la petite souris, mais c'est un personnage, Oh putain, mais t'as vu tout ce qu'elle fait, mais c'est ouf, Ah hein. mais c'est qu'ils sont Et c'est 5 tellement, minutes de ah scène, oui, hein. ils sont tellement fiers de leur technique que la petite souris, elle monte sur une branche, puis elle passe sur une autre, elle grimpe sur un rocher, machin. Et enfin, il y a Scar qui finit par la choper entre ses griffes. Mais tout ça, ça dure bien 2-3 minutes. En fait, c'est pour gagner du temps, oui, parce qu'ils n'ont pas de matériel. Mais c'est ça. Et puis, vous avez vu ce qu'on est capable de faire. Ouais, c'est des faux rochers, des fausses brindilles, machin. Mais c'est trop bien fait. Regardez ça, la petite souris, on dirait une vraie et tout. Mais on s'en fout. Bien sûr que c'est bien fait, mais on s'en fout. Genre la scène où Rafiki va apprendre que Simba est vivant. Alors, il y a les félins dégagent des phéromones. Les animaux, en manière générale, dégagent des phéromones, des odeurs. Les félins, quand ils marquent leur territoire, vous avez ceux qui ont un chat, vous l'aurez vu à la maison, ils se frottent. Quand ils se frottent à vos jambes, ça veut dire qu'ils vous aiment, mais ça veut dire qu'ils vous marquent avec son odeur. Vous êtes à lui. Ouais. Dans le dessin animé, on avait ça aussi. On avait quand Rafiki apprend que Simba est vivant, Simba a eu une étreinte avec Nala et du coup il y a un mélange d'odeurs machin et on voit dans le vent les odeurs qui s'envolent jusqu'à la terre des lions. Rafiki capte ces odeurs là et hop, éclair de génie, comprend que Simba est vivant. Donc là, ça relance tout le film et ça donne lieu à une belle séquence avec la musique de Hans Zimmer où Simba court à travers le désert, revient chez lui. C'est très très beau. Dans le film, alors, je vais faire deux temps. On n'a pas ça. On a le vent avec l'odeur, avec un poil de Simba qui vole. Alors ça, ça va. Et alors le poil se retrouve par terre, il est mangé par une girafe, la girafe défèque, donc du coup c'est ramassé par un bousier, le bousier je crois qu'il fait tomber le truc dans l'eau, ça revient jusqu'à la terre des lions, voilà. Mais c'est tout un cheminement, mais c'est incroyable. Alors dans l'idée, c'est vrai que ça exprime aussi ce que c'est que le cycle de la vie dans Le Roi Lion. Ok. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Ça aurait suffi. Mais qu'est-ce qu'ils nous mettent après ? Eh bien, après, ils nous mettent une chanson à la The Voice de 30 secondes. Et c'est absolument affreux. Et voilà. Alors, c'est pour toi, Spirit, en anglais. Par Beyoncé. Ouais, alors en anglais, je sais pas ce que ça donne, mais alors en français. C'est pourri, parce que c'est les mêmes phrases pendant trois. Enfin, c'est la même phrase pendant 30 secondes. Voilà. Donc, honnêtement, même si c'est Beyoncé qui prononce trois phrases en chantant un peu. Mais bon, sauf que Beyoncé, elle a de la voix, elle chante. Oui. En français, c'est nul à chier. En anglais, c'est pas mieux. Et en sachant qu'avant ça, quand même, avant cette scène dans le film, on a quand même eu L'amour brille sous les étoiles deux jours. Ouais. Voilà, et c'est même pas un coucher de soleil, il fait jour, donc bon, tout va bien. Voilà, et en fait, le film c'est ça constamment, quoi. C'est constamment ça. C'est du copier-coller. On rajoute 2-3 trucs entre pour dire ah, ouais, c'est pas exactement pareil non plus. Et on refait les mêmes chansons, et pour la plupart, elles sont mal chantées. La scène avec Mufasa dans les gorges. Ouais. Aucun impact. Soyez prêtes. Soyez prêtes, mais le massacre. Alors, forcément, on veut faire du réalisme. Alors, on peut pas refaire Soyez prêtes comme elle est dans le film d'animation. Non. Alors que c'est l'un des temps forts du film d'animation. C'est peut-être même l'une des meilleures chansons. Moi, j'ai été encore plus déçu par Je voudrais déjà être roi. Mm. Parce que c'est un de mes moments préférés. Parce que l'animation est complètement folle sur cette séquence. C'est peut-être pas la pire dans le film. Mais. Mais tu retrouves. Enfin. En même temps, je vais pas les blâmer parce que c'est impossible de retrouver la magie qu'il y avait dans l'animation. Mais voilà, tu te lances dans ça, tu t'essayes de faire un truc un peu correct. Là, c'est juste les animaux qui courent. Bah voilà. C'est pas ouf. Donc bien sûr, les images sont belles, machin, mais ça suffit pas, quoi. Et au final, la chanson que je redoutais le plus parce qu'elle était chantée par Jamel et Alban Ivanov, c'est en VF toujours, c'est Hakuna Matata. Alors évidemment, c'est le leitmotiv de la seconde partie du Roi Lion. C'est devenu le leitmotiv de beaucoup de personnes dans le monde d'ailleurs. Hakuna Matata. C'est pas la pire. C'est peut-être même la mieux dans le film d'animation. Moi, j'aime dans pas le film, qu'ils en tout cas en français là, dans cette version live. Sauf que là, Pumba pète. Voilà. Alors ça, c'est drôle. Oh là là, qu'est-ce que c'est rigolo. Mais d'habitude, tu m'arrêtes avant. Alors il y a ce côté aussi un peu méta, mais qui fonctionne pas. Mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Et puis. Enfin, c'est gras. Il y a plus aucune poésie, quoi. Donc non, c'est assez catastrophique. Et en plus, moi, je trouve que c'est plus drôle. Non. si quand il l'arrête. Bah oui. Tu vois, parce que tu peux te l'imaginer et tu peux te dire, ah ouais, ça aurait pu être drôle s'il l'avait dit en fait. Ouais. Mais quand il le dit, bah, l'effet comique il Bah retombe à non, parce plat que déjà c'était complètement. une blague méta dans le film d'animation. Non, Pumba, pas Voilà, bah c'est devant les ça. enfants, parce que c'est Voilà, c'est ça, voilà, les exactement. enfants regardent le film. Mais là, oh, mais d'habitude tu m'arrêtes, hein. Bah non, ça marche pas, hein, c'est nul, hein. Donc, et je me dis, et ce qui m'emmerde là-dedans, c'est que pour une génération d'enfants, ça va être ce film-là qu'ils vont connaître avant le film d'animation. Et alors moi, je suis très content, et je suis très content que mes frangines. Alors bon, moi oui, elles m'ont nourri à Julia Roberts, ça machin. Oui, voilà. Mais elles, leurs enfants, elles leur ont fait découvrir leur Roi Lion et les Disney qui les ont bercés elles aussi. Et je suis très D'animation, content que moi, quand j'ai ramené un sweet Simba, parce que je reviens de Ah. Disneyland, hein, je me rappelle. Oh, trop bon. Quand j'ai ramené un Sweet Simba à mon petit neveu, parce que c'était son anniversaire, ah, oh, mais c'est Simba, c'est trop bien! Et il a pas vu la version live, on va tenter de les préserver de ça! Voilà, je suis content que mes neveux aient la bonne culture Disney, parce que oui, il y a une bonne et une mauvaise culture Disney, je suis désolé, c'est live, c'est n'importe quoi. Et alors, Le Roi Lion, eh ben, c'est certainement mon film d'animation préféré de chez Disney avec La Belle et la Bête, mais c'est la plus mauvaise version live existante à ce jour. Voilà. Passer de Dumbo au Roi Lion dans la même année, eh ben, je suis désolé, mais ça fait mal au cul. Hein. Bon, on a eu Aladdin, Bon, tu Aladdin, sais, je l'ai qui pas vu, mais a entre priori, nous, c'est quand même pas pire. ouais. Oui, non, c'est pas Ben, pire. moi, ça, Ah non. franchement, là, je suis passé d'un extrême à l'autre, et ben, ça m'emmerde, parce que Dumbo, c'est peut-être Ouais. la meilleure des versions, et ben, Le Roi Lion, c'est la pire, quoi. Même Le Livre de la Jungle allait plus loin que ça, et j'ai même du mal à me dire que Jon Favreau ait pu faire les deux, parce que bah, Le Livre de la Jungle, c'était pas parfait, mais il y avait quand même des idées, et dans l'intention, ça fonctionnait à peu près. Là, il n'y a rien qui va, quoi. Alors, c'est très beau, certes, visuellement, c'est crédible, c'est bien fait, mais ce déferlement de technologie pour rien derrière, bah, c'est complètement Ouais. inutile. Et évidemment, bah, ça cartonne au box-office. Ça fonctionne, hein. Voilà. 9 millions d'entrées en Voilà, France. donc... Donc voilà, c'est ouf. Sachant qu'en août, c'était le premier du box-office alors qu'il est sorti en juin. En juillet. En juillet, pardon. Mais quand même. Enfin, voilà quoi, c'est quand même dingue. Et il est tout le temps diffusé, hein. Voilà, il est tout le temps diffusé, il y Ouais. a toujours des séances, etc. Ça a rapporté, mais des... Il a dépassé Avengers Endgame en France, déjà. C'est quand même ouf de se dire ça. Parce que Avengers Endgame, c'est quand même la fin du cycle Marvel que tout le monde a suivi, etc. Et bah, Le Roi Lion, ça l'a C'est dépassé, ça. quoi. Donc voilà, Et... nous faire une version live pour finalement pas amener grand-chose de plus, pas étoffer des personnages comme Scar, la relation entre Mufasa et Scar, qu'est-ce qui pousse Scar à vouloir se venger, tout ça. Éluder des trucs comme ça qui auraient pu être intéressants pour nous rajouter des piaillements dignes d'une vita là, dépressive pendant 30 secondes. Ouais, C'est je mais comprends. enfin, c'est nul quoi. À quoi ça sert? Ouais. Pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt si ce n'est financier? Je veux dire, Bah là non, ils mais peuvent même pas ça. s'en cacher quoi, Disney. Ils Non, peuvent même pas se cacher de bah on veut faire des sous hein. De toute façon, c'est clairement ça là. C'est Bah enfin, oui. l'intérêt artistique là-dedans, il est où? Alors, hormis oui, les belles images, parce que bon, ça c'est objectivement c'est vrai, c'est très bien fait. Mais c'est tout Mais quoi. oui, mais c'est pas enfin voilà quoi, c'est pas pour la Voilà. technique qu'on va voir un film Disney Alors, on va quoi, dire, tout le monde, il clairement. y en a beaucoup qui critiquaient, par exemple, James Cameron avec Avatar, ouais, l'histoire, elle est quand même pas folichonne. Alors, oui, alors c'est sûr, hein, Avatar, plastiquement, c'est magnifique. Puis ça vieillit d'ailleurs très bien. Ouais. Et le scénario est peut-être pas hyper recherché, mais au final, ça reste une grande morale écologique. Et je pense qu'à notre époque, des morales écologiques, il y en a, hein, c'est quand même Il y en a d'actualité. besoin. Il y avait quand même Ouais. une démarche derrière, autre que financière. Là, non. Voilà. Si on doit parler de films comparativement en termes de technique révolutionnaire, bah, Le Roi Lion, c'est peut-être très bien fait, mais ça ne raconte rien. Et voilà. Et alors, j'en ai pas parlé, mais en version française, on a Ryan Bensetti qui fait la VF de Simba. Alors déjà, moi, j'ai Simba. un problème parce que Ryan Bensetti, bah, il nous fait Simba comme la racaille de la jungle, hein. Et en plus, il est le seul à ne pas chanter ses chansons. Ouais. Voilà. Parce que dans Ouais. La Belle et la Bête, on reprochait, on disait, ouais, c'est pas les mêmes voix, machin. Ouais, mais au moins, ils ont pris des chanteurs. Donc, quand les chanteurs chantent, ils chantent, hein, merci, c'est une logique infaillible, Eddie. Mais c'est surtout qu'ils parlent, ils font les voix à côté en même temps. Donc, il n'y a pas d'incohérence. Parce que Simba chante très bien dans la version française, parce que forcément, c'est pas lui qui fait sa VF, c'est Ryan Bensetti. Donc, l'écart entre les deux est assez énorme. Donc, non, mais c'est n'importe quoi, de toute façon. Donc, voilà, je D'accord. m'arrêterai là. J'ai détesté. C'est parfaitement ce à quoi je m'attendais, c'est raté. Oui, bah, de toute façon, ce sera dans nos flops respectifs, je pense. Et Mais ça me fait ouais, du mal coup, moi. de. Parce que pourtant, je défends Disney et tout, mais là, non, quoi. Bah non, mais là, c'est pas possible de défendre devant ça, quoi. C'est pas. Enfin, c'est même pas acceptable, quoi, de rendre ce genre de choses au public, quoi. C'est un Et peu lui pourtant, je suis cracher à bon la gueule, hein, public, moi. clairement. Bah, Je suis bon ouais, public, hein, parce que mais. j'arrive à aller trouver des sous-textes dans Jurassic World, même dans Fallen Kingdom et tout. Et là, non, quoi. Ben non, mais là, il n'y a rien. Voilà. Enfin, à part l'œuvre originale qui est déjà très bien, Ouais, ben en c'est fait, ça ça. nous apporte rien du tout. Donc, et ça dénature même l'œuvre originale qui était très bien comme elle était. Du coup, ben là, moi, en fait, moi, ce que j'ai à dire à propos de ce film, c'est, j'ai pas grand-chose à rajouter, Je suis sauf que, désolé, en hein, j'ai fait, bien déversé ma haine. non, mais t'as totalement le droit. Voilà, je reprends ma phrase. D'ailleurs, il y a ta critique sur Movies Nerd, au cas où si, Je bah, crois si que vous c'est voulez la en dernière sort. que j'ai fait, non? Il me semble, Ouais, ouais. je suis désolé, hein, Non, mais c'est c'est pas le rythme est assez grave. catastrophique cette Mais année, moi hein. aussi, hein, moi aussi. Moi, enfin, voilà, j'avais recommencé et finalement, j'ai plus le temps, donc voilà. Mais donc, moi, la différence que j'ai à apporter justement par rapport à Eddie, parce que lui, il l'a vu en VF et moi, je l'ai vu en VO. Du coup, moi, tout ce que je peux dire, c'est par rapport à la VO, ce qu'elle apporte, justement. Moi, Le Roi Lion, c'est pas un film avec lequel j'ai grandi, malheureusement. Je pense l'avoir vu aussi quand j'étais petit. Je crois que j'ai vu plus le 3. Le 3, j'avais la cassette et je l'ai vu mais des centaines de fois. En fait, le 3 se passe en même temps que Le Roi Lion, le premier. Sauf que c'est l'histoire de Timon et Pumba pendant que Simba retourne vers sa mère et Scar. Voilà, donc Le Roi Lion, même si c'est un de mes films Disney préférés, c'est clairement pas un film avec lequel j'ai grandi, le premier en tout cas. Mais j'ai un attachement quand même particulier parce que c'est un excellent film et voilà, le scénario est très très bon. Du fait que ce soit une adaptation de Shakespeare, du coup voilà, ça reste quelque chose d'universel et de très. Et en même temps, le fait que ce soit une adaptation de Shakespeare. Il rajoute en plus le fait, quelque chose qui est très important dans l'univers du Roi Lion, c'est le cycle de la vie, qui est au centre du film, en fait, vraiment. Oui, c'est le cœur. Donc C'est voilà, c'est ça. vraiment le cœur, Même c'est. Mufasa l'explique très bien. Voilà, c'est Même Jean ça. Reno en VF, putain. Ben, mais c'est pas lui qui faisait Ben si, mais Mufasa là, il y croit plus, quoi. Ouais. Là, il y croit plus. Là, Et c'est. je revois même un truc, là, en mettant le nez un peu sur ma critique. Je disais Ouais. que, au niveau des expressions des personnages, c'est raté. Parce que c'est Oui. raté parce que, ne serait-ce que, par exemple, quand tu reprends le monde de Narnia. Le monde de Narnia, dedans, il y a Aslan, Aslan. qui est un lion parlant, donc c'est clairement, c'est une figure divine hein, dans Donc Narnia. 2005, Ouais, hein. et ben, 2005. Aslan avait des expressions faciales, on ressentait des choses. Je veux dire, quand la Ouais. sorcière blanche tue Aslan, moi ça m'avait fait chier, ça m'avait fait de la peine. Là, j'ai rien senti. Donc c'est pas comme s'ils n'avaient pas pu. Parce que Aslan, il ressemble à un lion, hein, je veux dire, hein, c'est Oui. pas... Il a une gueule de lion, quoi. Il est pas plus humanisé que ça. Et pourtant, ça fonctionne, hein. Ils auraient pu avoir un parti pris réaliste et puis rajouter des micro-détails qui auraient pu, parce que ça fonctionnait en 2005. Pourquoi ça fonctionne pas en 2019? Ouais. Donc Mais. c'est bien représentatif d'un problème quand même, là. Oui, le problème enfin, moi, je trouve que le problème principal, en dehors de ce qui a été rajouté, ce qui dénature un peu l'œuvre originale, c'est les expressions qui ne sont clairement pas là. Et on a l'impression d'avoir en face de nous des lions robotiques, vraiment, où c'est juste ben, deux expressions, quoi. Il y a deux expressions et c'est tout. Il n'y a pas de comment dire. On voit pas les différents, enfin, on voit pas le changement d'émotion. C'est On ça. ressent quand Simba perd son père, qui est une scène très très importante du Ah premier, oui, enfin du premier des 90 et toute originales, je une veux dire. génération même. Voilà, c'est Ouais. ça. Et ben là, honnêtement, le gros plan, enfin, on fait un énorme zoom sur Simba pour donner Oui, une c'est impression ça. enfin, d'émotion, parce qu'on n'arrive même pas à faire rendre Bah oui. l'émotion au lion numérique. Et pourtant, c'est un Donc, lionceau, quoi. C'est un voilà. lionceau, c'est bon, par nature, c'est mignon comme tout, quoi. Ça a une bonne bouille Voilà, et c'est tout. ça. Pff, là, rien. Rien du tout. Rien du tout. Et même le jeu des acteurs qui sont plutôt bons, je trouve, en VO, parce que bon, on a du gros casting, Ah hein. bah On oui. a Donald Glover, Beyoncé, il y a James Earl Jones qui revient en Mufasa. Donc James Earl Jones, pour ceux qui savent pas, c'est la voix de Dark Vador en anglais, et d'autres choses, hein, parce que c'est un grand acteur. Et voilà, enfin, il y a énormément d'acteurs qui sont très très doués. Mais ça, il n'y arrive pas en fait parce que la technique, même si elle est impressionnante, eh ben en fait ils sont focus, ils sont intéressés à pas à la chose la plus importante qui est les émotions. C'est ça. Ils sont Ils ont raconté la intéressés même à histoire, mais sans émotion dedans, en fait. voilà, c'est ça. Ils Parce qu'ils sont n'ont pas pu en intéressés. intégrer ou parce qu'ils se sont mal démerdés, j'en sais rien. Voilà, c'est oui, tout simplement, hein, voilà. Et bon, voilà, Vaut moi mieux j'ai retourner. Honnêtement, vaut mieux voir le Disney Nature Félin, qui du coup est un documentaire où ils ont filmé des vrais oui, avec lions. des vrais Et lions, il y quoi. a beaucoup plus d'émotion là-dedans que dans la version live du Roi Lion. Hein. Très Ben, sincèrement. et moi, cette scène, même si c'est mineur dans le film, cette scène rajoutée avec la chanson de Beyoncé, même si c'est Beyoncé derrière. Bah, je suis désolé, dire la même phrase pendant 30 secondes, Ça pour moi, sert à c'est pas une rien. chanson. C'est pas une chanson et elle sert absolument à Ouais. rien. Puis Et 30 secondes, honnêtement, quoi. voilà. Mais vraiment, hein, c'est pas Ah oui, moi non, qui dis non. 30 secondes pour dire 30 Non, non. secondes. Hein, c'est vraiment. Vous allez écouter. Peut-être qu'ils ont fait une version longue sur l'album sur Spotify ou quelque chose, mais en tout Non, cas. mais c'est... Je veux dire, c'est pas comme si la musique d'Hans Zimmer, à ce moment-là, ne suffisait pas. Voilà, c'est Ça, ça. c'était d'autant plus Et. beau... Surtout que c'est... En En plus, fait. à quel point ils peuvent être cons, parce que... Cette scène-là, dans le dessin animé... On voit juste Simba courir. Il y avait même pas besoin de lui créer des émotions sur le visage. C'est même des gros plans sur ses pattes, je crois, en plus, dans le dessin animé. Et juste avec la musique derrière. Et ça suffisait. C'était suffisant, c'était subtil, c'était beau. Là, non, ils ont besoin d'aller nous rajouter une chanson à la con, quoi. Donc, alors le seul truc qui m'a, la seule blague méta qui m'a fait rire, c'est le remplacement de... Alors, Timon ne fait pas la vahinée pour appâter les hyènes. Et il sort un... Ils nous font un mini remake de C'est la fête. Voilà, de La Belle et la Bête. C'est le Ah seul oui, truc que j'ai ça. trouvé drôle. Je me suis dit, ah, ça pour le coup, c'est une blague méta qui fonctionne à peu près. C'est plutôt drôle. Bon, évidemment, si t'as pas vu La Belle et la Bête, tu comprends pas. Ouais. Mais encore, et encore, c'est facile, mais ça, oui, sur le coup, ça m'a fait sourire. Ouais, Voilà. voilà. Ça fait peu quand même. Hein. Bah, je crois qu'on a assez parlé de Oh ce film, hein, de toute oui. façon. On va certainement en reparler en fin d'année en plus. Voilà. Donc, bah, on vous le conseille vraiment pas. Voilà. Si Mais vous bon, faites pas partie vous des avez 9 sûrement été le millions, voir. qui... voilà. Si vous faites pas partie des 9 millions, ben, n'y allez pas. Ne donnez pas Et le pire, c'est que d'argent. j'ai pas l'impression que les gens soient plus déçus que ça. Ah, c'était Bah, aussi beau que ouais. le dessin animé, machin, mais bordel, vous avez aucun esprit critique ou quoi? Réveillez-vous. Voilà. Ok. Ok. Ben, on va passer à autre chose. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de Comme des bêtes 2. Alors, je vais pas vous reparler justement de tout ce dont j'ai déjà parlé, tous les problèmes qu'il y a dans ce film. Il y a ma critique sur Movies Nerd si vous voulez en savoir plus. Je suis plutôt fier de ce petit papier, donc voilà. J'ai bien déversé ma haine comme Eddie a fait sur le Roi Lion. Oh, j'ai été poli sur le Roi Lion. Oui, bah oui, non mais. Moi, j'ai pas été mal poli. Non, non, non. J'ai juste mis une photo du chat qui se retient de vomir en disant une photo de moi pendant le film. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est poli. Donc voilà. Non, mais bah, en tout cas, voilà, moi, c'est clairement le premier comme des bêtes. Enfin, moi, il m'a saoulé. J'ai trouvé pas ça drôle. J'ai pas trouvé ça touchant. En plus du fait que. Sans parler du fait que c'était un peu une repompe de Toy Story. Donc voilà, Comme des bêtes 2, c'est une succession de trois histoires qui n'ont rien à voir avec elle, qui est juste là pour une succession, pour faire une succession de gags en fait. Et elle a aucun intérêt pour l'histoire. Enfin, l'histoire principale, ben on s'en fout clairement. On se fait chier alors que le film fait 1h10, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même, enfin, faut le faire hein, pour pas réussir à tenir un spectateur en haleine pendant 1h10. La meilleure chose que j'ai à dire à propos de ce film, c'est que ben, on y allait le jour de la sortie, un mercredi du coup, et on était tout seul dans la salle. Bon, il était 20h, mais quand même, Il n'a pas dû marcher tant que ça. sachant que c'était l'été, hein, donc les enfants peuvent quand même aller au cinéma, je sais pas, à 20h pour finir à 21h10, parce que le film durait 1h10. Donc bon, Ah oui, en plus. voilà, 1h10, 1h20, quelque chose comme ça. Ça fait cher la Donc, place de ciné. non, mais heureusement que j'ai ma carte UGC parce que sinon je sais pas si j'y serais allé. Donc voilà, honnêtement, le scénario est inexistant. Il y a même plus de. Enfin, ce que je dis, c'est que en fait, les 5 premières minutes du film pouvaient amener quelque chose d'intéressant, mais en fait, parce que c'est l'arrivée d'un enfant en fait dans le monde de Max et de l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ah De oui. Duke, voilà. Du coup, c'est l'arrivée d'un enfant dans cette famille, et du coup, ça va apporter du stress à Max, etc., parce qu'il veut protéger l'enfant, voilà. Et cette partie est intéressante, mais elle dure 5 minutes. En fait, c'est un montage de 5 minutes de séquences, voilà, l'enfant grandit, etc. Et après, on passe à autre chose. On passe à trois histoires. Qui n'ont rien à voir entre elles. On a vraiment l'impression de voir en fait une série d'animation sur 1h10, ouais. Vraiment les Lapins Crétins sur France 3 pendant 1h10, mais qui est pas drôle, qui est pas touchante, qui a rien du tout, mais absolument rien. Donc En plus, voilà, c'est pas beau. c'est clairement visuellement, enfin c'est quand même on va dire que c'est pas, ce sera jamais au niveau de Pixar, ça de toute C'est bien façon. animé, mais c'est pas les textures et tout sont pas belles, quoi. Les textures sont pas très jolies, et au niveau des expressions des visages et tout ça, enfin des visages des animaux, je trouve que ça manque un peu de distinction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de caractéristiques spécifiques à chaque animal. On retrouve un peu les mêmes animations sur chaque bestiole. Si c'est un chien, bah, il fera le même visage que ce soit Duke ou Max, etc. Voilà, il n'y a pas de recherche en fait, il n'y a pas vraiment de recherche, c'est très très feignant. Et honnêtement, c'est un des pires films d'animation que j'ai pu voir au cinéma, honnêtement. Parce que c'est de la pure. On accusait Disney d'être là uniquement pour l'argent, mais là vraiment, je crois que j'ai rarement vu un film aussi opportuniste De de toute ma façon, vie, quoi. Illumination, oui, hein. Ouais, mais non, mais ouais, après les mignons, on avait compris que. Voilà. Les Mais. mignons, mais même les suites à Moi, Moche et Méchant, hein, Oui. c'est pas autant le C'est. premier, moi j'aime bien, mais je veux dire, les suites Grand chose. ne racontaient pas grand-chose, même sur la relation de Gru vis-à-vis des enfants, quoi. Il y avait pas, c'était quand même pas, c'était pas hyper recherché non plus à ce niveau-là, hein. Ouais. Donc voilà, comme des bêtes 2, je vous le conseille absolument pas. Si vous pensiez enfin, il est plus au cinéma, il me semble, mais bon, si vous pensiez aller avec Mais je vos pense pas qu'il enfants, ait vos très bien neveux, marché, de toute façon. etc., ben, tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que honnêtement, c'est un peu. C'est ouf que ce film ait pu se faire, en fait, parce que je comprends pas. Bah, ça démontre bien que le studio. Oui, là pour l'argent, hein, tout Oui, simplement. voilà. Voilà. Je vais rapidement aussi parler des Faussaires de Manhattan. Je voulais en faire une critique, mais j'ai pas eu le temps. C'est un film réalisé par Marielle Heller, et avec Melissa McCarthy, qui joue le rôle principal de Lee Israel, qui est basé sur une histoire vraie en fait. Lee Israel, du coup, c'était une auteure qui, dans les années Ah oui, avec 70-80, Melissa McCarthy. voilà, c'est son premier vrai rôle. Dramatique, on va dire, à Melissa McCarthy, et je crois qu'elle était peut-être nommée, ou elle a failli être nommée aux Oscars, ou quelque chose comme ça. Bref, du coup, ça se base sur une histoire vraie. L'Israël, c'était une auteure très, enfin, populaire, pas très populaire, dans les années 70-80, mais qui, au début des années 90, est complètement du coup tombé dans l'oubli du public, parce que ces livres, en fait, sont des échecs commerciaux, etc. Et du coup, en plus de subir le syndrome de la page blanche, elle sombre vraiment dans l'alcoolisme, etc. Et en fait, elle va se découvrir le don d'imiter à la perfection le style de grands écrivains, le style d'écriture de grands écrivains, mais que ce soit au niveau de la calligraphie, mais aussi au niveau de l'intonation, du trait d'humour, etc., de grands auteurs, etc. Donc, elle va réaliser des fausses lettres qu'elle fait passer pour des lettres d'auteur, et du coup, elle va les vendre et elle va se faire de l'argent comme ça. Voilà. Et elle va se retrouver au final, le FBI va être alerté de lettres qui sont faussées ou de fausses lettres, justement. Elle va. C'est un peu une course contre le FBI, même si, justement, en fait, c'est un de mes problèmes avec ce film. C'est qu'il est intéressant au début. Il a un milieu, mais qui est plat, mais comme jamais. Parce que, en fait, on raconte juste comment elle fait ses lettres et qu'elle les vend. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, donc voilà. Le seul moment où ça aurait pu être intéressant, c'est sa poursuite contre le FBI, mais ça dure pas longtemps. Ça dure 10 minutes dans le film. Et c'est dommage parce que c'est le seul moment où on ressent un peu de. On a l'impression de. Comment dire? Il y a un peu de tension, il y a un peu de. Enfin, c'est. Il y a du rythme, quoi. Mais le reste du film, en fait, c'est très plat. Et même la scène du procès qui aurait pu être très intéressante, et eh ben en fait, c'est la fin du film, c'est les 5-10 dernières minutes du film, quasiment. C'est la scène du procès. On rentre dans le procès, c'est déjà la fin, en fait. C'est juste. Le juge va rendre son verdict. On n'a même pas pu assister à tout ce qui s'est passé, ce qui aurait pu être intéressant, je trouve. Et elle explique pourquoi elle est pas vraiment désolée d'avoir fait ça, parce que voilà, ça l'a aidé à vivre les meilleures années de sa vie avec un peu d'argent, etc. Voilà. C'est un film qui est vraiment plat, qui a du mal à trouver son rythme de croisière, en fait. Et qui a des moments qui sont intéressants, qui sont drôles, qui sont touchants parfois. Ça arrive jamais à un moment où on se dit ah ouais, c'est vraiment un bon film, un bon biopic, etc. C'est vraiment dommage, en fait, parce que ça aurait pu être tellement plus. L'ambiance est plutôt bien retranscrite d'un New York des années 90, un peu. Elle vit dans un appartement dégueulasse où elle laisse de la bouffe traîner partout. Il y a des merdes de rats partout dans son appartement. Enfin voilà, on est vraiment dans une ambiance assez. Début des années 90, New York, un peu cliché qu'on pourrait trouver, Un peu poisseux. voilà, poisseux, voilà. Le problème, c'est que même si l'ambiance, même si la réalisation est plutôt correcte, le film, souffre vraiment d'un problème de rythme qui l'enferme dans une sorte de. Comment, je sais pas. Et en fait, ça l'enferme dans une platitude, voilà. Ouais. Et c'est pas très intéressant, voilà. D'accord. Donc c'est dommage parce que ça aurait pu être vraiment bien. Il y a quelques messages qui sont intéressants, il y a quelques scènes qui sont intéressantes, mais c'est pas. Voilà. On passe à. À chaque fois qu'on passe à autre chose, on passe à du Disney, du coup. C'est un peu ça, ouais, avec tout ce qu'ils ont sorti. Ouais. À Spider-Man Far From Home, réalisé par John Watts, sorti en France le 3 juillet 2019. Donc c'est le film Marvel qui sort après Endgame. Donc c'est quand même censé exposer toutes les répercussions de Endgame Mais sont c'est dans la ce fin de la film. phase, surtout. Voilà, c'est ça. La fin de la phase 3. Oui. Comme Ant-Man avait fini la phase 2, il me semble. C'est ça. Voilà. Quelque chose comme ça, hein? Ah, peut-être bien, oui. Je Oui, crois, hein, que c'était oui. après. Après, oui. Le premier Ant-Man. Voilà, le premier Ant-Man. Oui, oui, oui, exactement, c'est tout à fait ça. Ouais, je suis pas encore totalement has-been sur les Marvel, ça va. même si j'ai décroché. Donc voilà, suite de Homecoming, mais avec les événements de Avengers Infinity Wars et Endgame qui sont passés par là. Mm-hmm. Du coup, un Peter Parker un peu traumatisé, puisqu'il a perdu Iron Man. Voilà, il a perdu son père de substitution, on va dire, en la présence d'Iron Man. Donc voilà, il va se retrouver. Pas vraiment, pas comme s'il était orphelin, mais il y a, y a une déchirure en lui, oui. Ouais, voilà, c'est ça. À l'école, il va aller dans un, sa classe va faire un voyage. Un voyage scolaire en Europe, ouais. Voilà, avec la première étape du voyage qui est Venise. Venise, voilà. Oui. Voilà. Après il y a Europe en Autriche. Je crois que c'est oui, Autriche et Londres ensuite. Ouais, et il passe par les Pays-Bas très très rapidement. Oui, oui, aussi. Oui. Ouais, c'est tellement rapide qu'on s'en souvient. C'est vraiment. Vous voulez une carte postale des Pays-Bas, vous regardez ce film, il y a tulipes, il y a des moulins, il y a limite des chaussures en bois et c'est fini quoi. Mais c'est très beau. Ouais, voilà, c'est très beau. Mais... donc voilà. Le truc de ce film, c'est qu'il y a des grosses entités qui se manifestent un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Et il y a un personnage principal, un personnage mystérieux, dans la présence de Mysterio, qui est interprété par Jake Gyllenhaal. Qui est venu chercher son chèque. Parce qu'il joue bien, hein, mais il a jamais vu un autre Marvel. Ouais, ouais, j'ai lu son interview justement dans le premier et il disait ah ouais, moi je suivais pas trop Marvel, etc. J'étais là, ah oui, pourquoi pas. Enfin voilà quoi. Donc, bon, il s'amuse hein, dans le film, il a raison en même temps. Il s'amuse, ouais, c'est clair. Et du coup, on va pas dévoiler. C'est compliqué en fait d'en parler du film parce que. On a quand même une grosse partie du film où on croit quelque chose sur un personnage et en fait, au final, on se rend compte que ce personnage, eh ben, il cachait quelque chose de plus sombre, quoi. Mmh. Voilà, pour faire dans le cryptique. Ce qui est pas trop mal amené, même si je pense que quand t'as lu les comics, tu vois un peu le poteau rose. Oui, clairement. Mais moi, ne connaissant pas, je me suis assez laissé porter par le truc. Ouais. Et de manière générale, j'ai bien aimé le film. Je pense même que je l'ai préféré au tout premier. Homecoming, ouais. Moi aussi. Hein. Enfin, même si j'aime j'avais bien. J'avais pas aimé Homecoming, donc bon, c'était pas difficile. Et moi, j'aime bien Tom Holland dans Spider-Man. Je trouve que ça lui va bien. Ouais. Ouais, alors, ça lui allait bien. en tout cas, que ça lui va bien. Il reste Spider-Man, mais plus chez Marvel. Voilà. Bon. Donc, on va pas revenir sur la polémique, mais ça peut non, chier. Non. Ouais. Parce que bon. Surtout que dans ce film-là, ça démontrait que Tom Holland Spider-Man pouvait vraiment devenir l'un des nouveaux personnages phares du Marvel Cinematic Universe. Ouais. Donc bon, bref. Quoi qu'il en soit, Far From Home, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça divertissant. Clairement. C'est hein, le c'est... mot, hein. C'est clairement. Voilà, mot. Ça fait son job, ça le fait bien. C'est drôle. Les blagues avec les drones, les machins, ça m'a fait rire. Visuellement, je trouve que avec les drones, il y a certaines idées de réalisation qui sont plutôt pas mal. Mm-hmm. On a des plans qui sont plutôt jolis. Dans le bus, en fait. Là, c'est ouais, pas voilà. Bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. Même visuellement, le film est quand même assez abouti. Hein, parce que je veux dire, le premier passage dans les canaux de Venise avec l'espèce de monstre tout en eau, c'est quand même bien foutu. Mm. Et après voilà, donc on est sur le même ton que le film précédent. Hein. C'est assez drôle. C'est vrai qu'il le traite un peu comme une comédie teenage aussi, ce qui fonctionne bien. MJ là, elle existe. Ouais, elle prend de la substance, mais si je trouve qu'elle est un peu cliché dans certains trucs où elle juste, tu vois, elle est dark, donc elle regarde des vidéos sur YouTube un peu bizarres et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment très très cliché, mais ça fonctionne pas trop mal. Mais en même temps, Zendaya le joue plutôt bien. Ouais. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'elle s'appelle juste Zendaya. Eh ben oui. Donc ça va. Jake Gyllenhaal, moi j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Le seul truc qui m'a un peu fait chier, c'est que moi je pensais qu'on allait quand même nous parler du multiverse et qu'il y Et dans aurait le un cul la baïque, là. multiverse. Et ben en fait non, il n'y aura pas de multiverse. Bon, en même temps, tu me diras, vu que de toute façon Tom Holland ne sera plus chez Marvel, ils vont pas pouvoir faire vraiment de multiverse chez Marvel non plus. Même si, avec toutes les annonces, on pourrait avoir du multiverse, mais peut-être plus avec Doctor Strange. Donc on verra. Quoi qu'il en soit, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un très bon moment. Et c'était, en fait, ce qui faisait surtout du bien, c'était un peu de légèreté après Endgame, qui était quand même assez riche en émotions. Hein, ça fait pas de mal aussi là, Bah parce oui, que c'est sûr. les deux derniers Avengers étaient quand même assez lourds. Moi je les ai bien aimés, mais je veux dire assez lourds dans le drama, dans le drame. Donc c'est vrai qu'on revenait à quelque chose d'un petit peu plus léger, ça c'est pas désagréable. Et puis voilà, je trouve que tout fonctionne assez bien. Après voilà, ça reste un Marvel, c'est pas le film de l'année, mais Ah bah ça fait son clairement, job. Voilà, ouais. on commence Moi, à Les ouais. bilans sont vite rédigés maintenant sur les Marvel, hein. C'est un peu le, enfin moi c'est un peu le souci que j'ai avec le film, c'est que c'est du Marvel quoi, donc C'est la recette. c'est la recette, il y a pas tellement d'originalité, pas plus que ça je trouve, même s'il y a des beaux plans etc. comme je l'ai dit, Bah, c'est A plus B égale C, quoi. Un et un font deux, voilà, c'est infaillible, tout fonctionne, quoi. c'est ça. Et pour moi, en fait, le truc, c'est que faire un film Spider-Man après Spider-Man Into the Multiverse, qui est classique, entre guillemets, c'est un peu compliqué. C'est ça. Sachant que je l'avais pas revu avant de voir celui-ci, je l'ai vu là très très récemment pour la deuxième fois, et clairement, c'est un de mes films préférés, peut-être pas de tous les. Si, quand même, ouais. Honnêtement, c'est un de mes films, c'est mon film préféré de super-héros, je crois. Peut-être même devant les Sam Raimi, faut que je le revoie plus, mais honnêtement, je trouve qu'il propose tellement de choses et qu'il réussit Bah, disons que tellement c'est un film qui est bien. très complet sur l'univers de Spider-Man, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu tout ce qu'on aime de Spider-Man, compacté dans un seul film qui est pas trop long et qui, enfin, qui propose tellement de choses Puis c'est qui. beau. C'est beau, C'est ça aussi, enfin. hein. C'est magnifique, la musique, les musiques sont superbes. Enfin, il y a tout, l'ambiance, l'univers, le personnage, les émotions fonctionnent. Enfin, il y a tout qui fonctionne. Et du coup, revenir, même si c'est un bon film, eh ben pour moi, un bon film, ça suffit plus après Into the Multiverse, parce que C'est ça. on a eu ça et on a eu un éclat de génie Bah, parmi après, tout le truc ça. qui fait chier, bon, avec cette histoire entre Disney et Sony, c'est que bon, bah, si Sony, ils nous font du Spider-Man un peu à la sauce comme ils l'ont fait avec Multiverse, mais en gardant Tom Holland, bon, bah, pourquoi pas? Si c'est du même acabit, puis que c'est aussi audacieux, pas de Mais problème. après, le Mais le problème, seul c'est truc qui fait que. chier, c'est que bah, c'est dans la logique et la continuité du Marvel Cinematic Universe. Là, ça n'aura plus de sens, quoi. Voilà, le problème Le aussi, problème c'est est que là. Sony, c'est Multiverse, c'est Spider-Man Multiverse, mais c'est aussi Venom. Ah, par contre, oui, ça c'est vrai. Mais j'ai pas vu C'est. Venom. Voilà. Et du coup, on tire un peu à pile ou face avec Sony. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de parler du futur de Spider-Man actuellement. Et on ne sait pas sur quel côté la pièce va retomber, on va dire. Mais c'est voilà. Le film en lui-même, Spider-Man Far From Home, n'est pas mauvais. Et je trouve que c'est honnêtement un des meilleurs films que Marvel a pu faire récemment. Oui, Voilà. oui. Un des meilleurs films solo, en tout cas, qu'il a pu faire récemment. Mais c'est vrai que c'est triste quand même de se dire que voilà, et on avait vraiment. Enfin, l'héritage de Tony Stark se retrouvait un peu dans le personnage de Peter Parker, dans le Marvel Cinematic Universe, et que finalement ça ne se fera pas, quoi. Donc, il y avait quelque chose qui fonctionnait entre les deux personnages qui du coup se retrouvent cassés avec cette histoire de fric entre les deux studios, quoi. Mais bon, c'est C'est comme dommage. ça. C'est dommage. D'impuissants spectateurs. Exactement, exactement. Alors moi, je vais essayer de faire vite sur les deux prochains, même si ça va être compliqué. Bah, parce surtout pour que. un, je pense, oui. Parce qu'on a déjà plus de 3 heures d'émission. En même temps, c'est le bilan de l'été. On résume Voilà, 4 mois ouais. Ouais, c'est ça. Hein, en une émission, c'est pas évident. C'est la première fois qu'on fait 4 mois en plus, hein, parce que d'habitude c'est juillet-août. Hein, donc, alors, Once Upon a Time in Hollywood, voilà, le titre est lancé. Mon attente, la plus grosse attente que j'ai eue cette année, c'était celui-là. Je l'ai mis en top 1 dans mes attentes. Voilà, il y a eu énormément de débats, machin. Ça, honnêtement, je vais pas en parler parce que. C'est un Tarantino, donc. Ça voilà. Plaît beaucoup, mais ça fait débattre aussi. Ça fait débattre, voilà. C'est pour le bien ou le pas bien, ça, j'en sais rien. Honnêtement, je m'en fous un peu. Moi, je ne l'ai pas encore vu et j'en suis navré. Ouais, je voulais vraiment, mais. Non, mais après. Le Roi Lion reste 3 mois en salle, mais pas Once Upon a Time in Hollywood. Donc. Voilà, non, mais en plus, je crois que c'est son meilleur démarrage à Quentin Tarantino en France avec Once Upon a Time. En même temps, il y a un casting qui est assez ouf derrière. Qu'on a Leonardo DiCaprio et Brad Pitt déjà dans le même film. Après, on a Margot Robbie, on a Al Pacino. Enfin voilà, il y a Timothy Olyphant. Enfin voilà, il y a énormément. Enfin, il y a tellement d'acteurs que on peut même pas tout dire. Regardez juste la fiche Wikipédia de la distribution, vous allez voir le nombre d'acteurs qu'il y a, c'est assez dingue. Donc voilà. Moi, je. Comment dire Quentin Tarantino, c'est un de mes réalisateurs favoris. Voilà, c'est clairement quelqu'un qui m'a beaucoup influencé avec nombre de ses films. Et du coup, j'attendais normalement. Enfin, pour moi, c'était normal de l'attendre. Voilà. On en parlait, on savait que ça allait être un film sur le massacre de la bande de Charles Manson. Sur Sharon Tate. En partie, puisque. Voilà, en partie. Mais en tout cas, c'était pas totalement le pitch non plus. Voilà, c'est pas le pitch complet. C'était un truc en orbite autour de l'histoire. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est bien ce qui ressort du film, hein, clairement, puisque le. Alors, ça va être. Je vais pas spoiler, hein, parce que. Pour le est-ce bien que, est-ce qu'on peut un peu le voir comme le portrait d'une période précise à Hollywood? J'aurais pas pu le mettre mieux en fait. Vraiment, d'accord, c'est okay. Clairement une lettre d'amour de Quentin Tarantino, une énième lettre d'amour, mais cette fois-ci à un cinéma et à un genre de production très très spécifique, c'est-à-dire le cinéma grand public des années 60, fin 60, début 70. Un truc qu'il connaît très bien. Voilà, mais cinéma grand public, c'est-à-dire les comédies, les machins, etc. Oui, les westerns. Les westerns, spaghetti et la fin des westerns hollywoodiens, puisque en fait. Et c'est ça. C'est vrai que. Enfin, oui. Bon, quand t'es pas trop cinéphile, c'est pas forcément quelque chose que t'as trop en tête, ça. Mais il y a vraiment eu deux périodes du western à Hollywood. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Le western hollywoodien, du coup, Il était une fois dans l'Ouest, par exemple. Grand, grand classique du cinéma hollywoodien. Attends, il était une fois dans l'Ouest ? Ouais. Attends. Parce que. C'est un western, hein, c'est... Ouais, mais je sais pas si c'est pas Sergio Leone qui a fait ça, attends. Si. Mais c'est pas hollywoodien, du coup. C'est un western spaghetti, ça. C'est un film qui a été produit aux États-Unis, en Italie. Ah non. Si. T'es sûr de ça? pour moi, non, justement, pas celui-ci. Je dis peut-être une grosse connerie, mais. Il était une fois dans l'Ouest. Bah alors le bon, la brute et le trou, hein, quoi, si tu veux, mais. C'est aussi un western spaghetti. Bah. En fait, les westerns hollywoodiens, c'est vraiment les John Wayne, les films avec John Wayne, Rio Bravo, tout ça. Oui. C'est plus cette période-là, en fait, le western hollywoodien. Je prends Rio Bravo comme exemple, mais il y a plein d'autres choses. Mais j'oublie tous les noms, c'est horrible. Mais en tout cas, voilà. Oui, c'est vrai, oui. Années 40-50, âge d'or du cinéma, du western hollywoodien. Vraiment produit aux États-Unis, en Californie, au Texas, etc. Enfin, pour les décors, en tout cas. Années 60, début de l'émergence du cinéma, du western spaghetti, du coup, western produit en Italie ou en Espagne. Exporté et avec des sous et des acteurs aussi américains. J'avais une grosse lacune là que je viens de Non, comprendre. non, mais après, je sais que t'es pas très fan de western, donc du coup, c'est normal que tu. Mais je savais qu'il y avait Ouais, vraiment ouais. deux périodes, mais tu vois, j'ai Ouais. confondu les deux en fait. Bah oui, non, mais c'est pas... après, c'est pas grave. Hein. On n'est pas infaillible, hein, vous voyez, on a des cœurs sensibles, on n'est pas infaillible. Non, mais voilà, du coup, années 60, 70, vraiment explosion du western spaghetti. Sergio Leone en tête, Sergio Corbucci aussi, avec son Django. Entre autres. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc ça, c'était pour replacer un peu historique de ce que je connais. Hein. Après, il y a des plus grands fans de western qui vont me dire, ah, mais c'était cette période exactement. Ouais, moi, je m'en... Voilà. Et Voilà. donc genre oui ouais John Wayne oui John le vol Wayne, du Grand Rapide, ces voilà, c'est trucs là, ça. ça Howard c'est Hawks, du ça etc. c'est du western western américain. John Ford, tu vois, le Oui, réalisateur John Ford, les ça, c'est vraiment... Indiens, Voilà, les exactement. la guerre de sécession. Ok, Voilà, exactement. ouais. Donc, voilà, ça c'était pour replacer le contexte. Et en fait, on est dans cette période-là où le western hollywoodien n'est plus produit pour le cinéma, mais produit pour la télé. C'est les feuilletons qu'on appelle en France, les serials en anglais, aux États-Unis. Ouais. Mais au final, alors pardon, mais au final, les westerns les plus prestigieux et les plus célèbres, genre Il C'est était une les fois dans l'Ouest, qui Spike. est quand même considéré comme un chef-d'œuvre, moi qui suis pas fan de western, Ouais. je le trouve magnifique, ça fait partie des western spaghetti, Spaghetti, ce qu'on exactement. penserait être un sous-genre presque, alors qu'en fait, pas du tout. Non, non, ouais, c'est vraiment. Enfin, le western spaghetti a ses films prestigieux, hein, clairement. Il y a aussi des grosses merdes, comme il y a des grosses merdes dans le western hollywoodien des années 50, 40, 30, etc. Mais ça, c'est pas les films qu'on retient, c'est plus les John Ford, les Howard Hawks, enfin voilà, les grands réalisateurs de cette période-là. Et du coup là on est vraiment on s'intéresse à cette période où le western passe sur le petit écran, le western hollywoodien c'est même la fin vraiment de ce western hollywoodien, c'était le dernier souffle de ce western hollywoodien sur le petit écran, mais on sent que c'est la fin justement avec des séries en fait c'est une série qui a été inventée pour le film mais elle est basée sur une série avec Steve McQueen justement. Au nom de la loi, voilà, que je n'ai pas vu, hein, bien sûr, mais voilà, c'est ça se base un peu sur ces histoires-là, où du coup le personnage principal qui est interprété par Leonardo DiCaprio, qui est Rick Dalton, était un acteur récurrent, enfin c'était le personnage principal de cette série, et en fait il a quitté cette série pour poursuivre ses rêves de cinéma en fait. Et du coup ça s'est foiré, et maintenant il fait les méchants dans les... Dans tous les feuilletons des années 60-70, du genre FBI, qui est une série sur le FBI, où il joue le méchant de la semaine, quoi, voilà, clairement, dans chaque série comme ça. Et du coup, il est un peu. Il est très fragile, on le voit dans le film, il pleure souvent d'ailleurs, justement parce que il se Il dit, passe en seconde zone, voilà, ma carrière est foutue, qu'est-ce que je fais, etc. Du coup, Brad Pitt, qui joue le rôle de Cliff Booth, c'est son double, c'est sa doublure cascade, pardon, ouais. à Rick Dalton. Et du coup, il l'accompagne un peu partout. Et comme il a pas beaucoup de travail en fait, et que c'est devenu son ami au fur et à mesure, eh ben lui, Cliff, il va s'occuper de sa maison à Hollywood. Il va s'occuper de la maison à Hollywood de Rick Dalton, alors que lui, il habite dans une caravane toute pourrie à côté d'un cinéma en plein air. Ouais. Voilà. En fait, ce qui est génial avec ce film et ce Il qui, enfin, revient pas un peu à ses fondamentaux avec le duo, par exemple, c'est très quand tu m'en parles comme ça, c'est très Pulp Fiction aussi. c'est un peu ça, même si, en fait, c'est un peu ça au début et à la fin, Ouais. même si, en fait, il va y avoir une grosse, grosse partie du film qui se passe sur une journée. OK. C'est une journée type en fait avec certains flashbacks etc. C'est une journée type de Rick Dalton, de Cliff Booth et de Sharon Tate qui est interprétée par Margot Robbie. On a 20-30 minutes d'exposition de l'univers etc. Et c'est super bien fait. On voit toutes les séries etc. Qui regardent les séries dans lesquelles ils jouent etc. On présente le personnage de Sharon Tate avec Du coup, avec Polanski, on le voit aussi Polanski, Ok. ils sont voisins en fait. Sharon Tate et Rick Dalton, qui sont Rick Dalton, c'est un Parce personnage. qu'un de mémoire, Polanski et Sharon Tate se sont rencontrées sur le tournage de Rosemary's Baby. C'est ça. Et elle a annulé son engagement avec un acteur que j'ai oublié le nom, mais c'est expliqué dans le film. Ouais. Et du coup, voilà. Ils n'avaient pas comme voisin Jack Nicholson aussi ? Ah, ben du coup, tu l'apprends. Je crois. Et bah, ils étaient amis en tout cas. Et justement, ça explique un truc que je me demandais, parce que devant la villa de Rick je Dalton... Je crois que là où elle se fait tuer, Sharon Tate, ouais. Le voisin, bah c'est sa Jack maison. Nicholson, et il me semble qu'il avait racheté la maison après. D'accord, ok. Grosse guillemets, mais il me semble avoir lu ça. Mais du coup, ça expliquerait quelque chose, c'est-à-dire que, moi, je me posais justement la question, il y a une affiche, en fait, devant la maison, slash villa, c'est pas vraiment une grosse villa, c'est une petite maison avec une piscine, etc., mais très belle, hollywoodienne, quoi, où Rick Dalton vit, et en fait, devant sa villa, il y a un genre de poster, mais qui fait penser, en fait, c'est Leonardo DiCaprio, comme s'il était sur une affiche des années 70, donc peinte, etc., très jolie, mais avec le même rictus que Jack Nicholson dans Shining. Et du coup, moi, je me demandais, mais c'est bizarre, parce qu'il me fait vraiment penser à Jack Nicholson, mais en fait, c'est peut-être justement un clin d'œil qui vient d'être expliqué, là, en ce moment, à moi-même, qui ne savais pas ça. Donc, voilà. Bref, c'est pas du tout ce dont je voulais parler, du coup. On a 30 minutes d'exposition et après on a une journée complète, une où Rick Dalton va aller sur un plateau de tournage où il joue le méchant et il va, voilà, il y a des moments où on a vraiment un épisode, enfin c'est Tarantino qui réalise son épisode de série et clairement c'est Rick Dalton dans le rôle du méchant, il y a tous les acteurs qui sont dans le rôle de la série qui sont en train de tourner et pendant 10 minutes, et après, à un moment, Rick Dalton oublie sa phrase et dit texte, et voilà. Et du coup, tu sors du truc et tu dis ah, ouais, d'accord, en fait, c'était pas. Enfin, ils sont vraiment sur un plateau de tournage, quoi. Et en fait, il explique tout ça, mais de manière très organique et très. Moi, je trouve très bien fait. Alors, il y en a qui ont trouvé ça chiant parce que je pense qu'ils sont pas habitués au rythme des. Que ce soit des séries ou des films. Des années 50-60 américains qui sont très. Le rythme est très spécifique, c'est pas un rythme qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des pauses, il y a des longueurs, il y a des machins, on prend le temps de digérer le texte de l'acteur, etc. Voilà, c'est pas. C'est très très spécifique en fait. Il suffit de voir un épisode d'une série n'importe laquelle des États-Unis de cette période-là et vous remarquerez que le jeu est complètement différent, que l'intonation est complètement différente, etc. C'est beaucoup plus théâtral en fait. Donc voilà. Et je pense que ça vient de là que beaucoup de monde se sont fait chier clairement durant ces scènes parce que c'est pas. Après, moi honnêtement, je me suis pas fait chier parce que ça m'intéresse. Mais je vois pourquoi les gens ont pu s'emmerder durant ces scènes, parce que c'est pas la chose la plus passionnante que Tarantino ait pu filmer, en fait. Même si le process de l'acteur qui doit se souvenir de son texte et qui fait des fautes, etc., et qui s'énerve, et voilà, et ça apporte aussi un élément humoristique aussi, parfois, quand il pète un câble, justement, parce qu'il se souvient pas d'une phrase, etc., et qu'il se dit... en fait, il y a beaucoup de moments comiques qui viennent du montage, en fait. Et je trouve que le montage dans ce film est vraiment assez exemplaire. Ça fait presque penser à du Edgar Wright à certains moments, en fait. C'est-à-dire, je prends un exemple tout bête, Rick Dalton va dans sa loge après avoir foiré toute une scène parce qu'il se souvenait pas d'une ligne, il pète un câble et il se regarde dans le miroir et il se dit je vais plus jamais boire, il faut plus jamais que tu boives parce que tu fais n'importe quoi, t'as bu 9 martini ou je sais pas quoi la veille, ça va plus, et cut, et tu le vois en train de picoler juste après, et après tu le vois en train de lancer la bouteille dehors, en dehors de son van, etc. Donc il y a beaucoup d'humour qui vient du montage et qui est très exemplaire, je trouve, sur le film. Voilà. Pour dire honnêtement ce que j'en ai pensé, je trouvais que c'était un très bon film qui prend ses libertés parce que c'est un Tarantino. Je vais pas en dire plus. Voilà, c'est un peu comme si on s'attendait à avoir un film sur la Seconde Guerre mondiale avec Inglourious Basterds. Eh ben, pas vraiment, quoi, parce que c'est clairement de la relecture. Donc ici, c'est une relecture. Voilà. Clairement. Je ne vais pas en dire plus. Il y a les 30 dernières minutes qui sont un accès de violence énorme par rapport à tout ce qu'on a vécu avant. On sentait un peu la tension monter. D'ailleurs, les scènes de tension sont toujours magnifiques. Enfin, moi, avec Tarantino, moi, les scènes de tension, ça me fout par terre. Mm-hmm. Parce qu'à chaque fois, tu es crispé sur ton siège et ça fonctionne à merveille. Il y en a au moins 3-4 au moins dans le film. Et elles sont mais réalisées à la perfection, scénarisées, enfin dialoguées aussi à la perfection. C'est juste parfait. Honnêtement, cet aspect-là du film est juste parfait. Et du coup, la montée énorme de violence qui arrive à la fin, mais qui sent... Alors, beaucoup se sont plaints, etc. Moi, en fait, j'essaie de comprendre, en fait, mais ça me passe un peu au-dessus de la tête parce que je comprends pas les gens qui sont choqués par de la violence au cinéma. Parce que, je veux dire, c'est pas des vrais gens qui meurent, c'est pas des... Et puis tout dépend du contexte aussi. Tout dépend du contexte, c'est pas... Alors, on pourrait dire que c'est gratuit, honnêtement. Même si... au bout d'un moment, on pourrait dire que c'est gratuit. Mais là, c'est tellement cartoonesque que c'est du Tarantino. Donc, c'est cartoonesque, la violence est cartoonesque, c'est pas réaliste. Pour un sou, clairement. C'est vraiment... Il y a une fille spécifiquement dans ce film qui enfin une fille, je dis une femme plutôt, qui s'en prend tellement dans la gueule, mais ça en devient humoristique au bout d'un moment, parce que au bout d'un moment, enfin dans la vraie vie, elle serait morte il y a 3 heures, quoi, clairement. Donc voilà, enfin. Pour, je vais pas essayer de défendre Tarantino parce que je m'en fiche, hein, vous pensez ce que vous voulez du film. Si vous avez été choqué par la violence, ben, tant mieux pour vous. Ou tant pis pour vous, je sais pas. En tout cas, quand on va voir Quentin Tarantino, pour moi, on signe un pacte, on signe une sorte de contrat en disant oui, j'accepte que le film soit violent par moment, que ça déborde sur certains trucs. Enfin voilà, c'est un peu la base du cinéma de Tarantino. Regardez Reservoir Dogs, c'est ça. Hein. Genre couper une oreille à un mec attaché à une chaise, ça pourrait sembler gratuit, mais dans le film, ça a un sens. Donc je veux dire... voilà, pour moi, c'est un peu un non-débat, et je vois pas pourquoi on en a fait des caisses là-dessus. Mm-hmm. Après, je comprends les gens qui se plaignent des lenteurs du film, il peut y en avoir pour certaines personnes, ça je conçois totalement, et voilà. Pour moi, pour les personnes qui pensent, enfin, qui trouvent que c'est un peu un manque de respect aux morts et tout ça, c'est pas... Oh, on a bien fait des séries, voilà. On a bien fait des trucs sur Jack l'Éventreur, c'est plus vieux, non, mais... donc c'est moins grave, c'est quoi, c'est... Clairement ça, et surtout on a fait des trucs plus, enfin, où on parlait vraiment de la comment dire, avec des vraies images, quoi, et là c'est beaucoup plus choquant, plus, enfin voilà, je veux dire, là c'est du cinéma, c'est du grand guignol, c'est pas de la réalité, quoi, donc voilà, c'est inspiré de faits réels, mais c'est pas... comment ça s'est passé exactement, voilà, il faut pas s'attendre à ça, parce que c'est clairement pas ce que Tarantino nous a promis en faisant un film sur ça. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé le film, c'est pas mon film préféré de l'année, parce que même si j'étais vraiment scotché à mon siège pour la plupart du film, je peux pas nier ses lenteurs, objectivement. Et voilà... Le film est vraiment génial, super intéressant, à mon avis. Et il mérite au moins d'être regardé une fois. Après, si vous adhérez pas à la proposition, c'est une proposition artistique, tout simplement. Si vous adhérez pas à la proposition, tant pis. Je veux dire, c'est pas grave, hein. Vous avez le droit de passer à côté d'un film. Et ceux qui insultent les gens parce qu'ils sont passés à côté d'un film, ils sont pas mieux que ceux qui... enfin voilà, ceux qui insultent les gens parce qu'ils ont aimé le film. C'est clairement... c'est d'une débilité sans nom, et moi je comprends pas. Enfin, moi de toute façon, je parle de Twitter. Enfin, honnêtement, c'est tout ce qui s'est passé sur Twitter, parce que sans Twitter, il n'y aurait pas eu tout ça. Je comprends pas, je trouve ça d'une débilité sans nom, et je voulais même pas en parler, mais je voulais quand même dire que vous soyez d'un côté ou d'un autre, que vous ayez réagi d'une façon. comment, extrême, ben c'est débile, voilà, tout simplement. C'est qu'un film, c'est le cinéma, vive à la cinéma, point. Voilà. La vie scolaire, pour finir, un film dont j'attendais rien du tout. Grand Corps Malade et Mehdi Idir à la réalisation, donc qui avait réalisé Le Patient, que je n'ai pas vu et que j'ai envie de voir maintenant, du coup, en 2017, quelque chose comme ça. Oui, peut-être bien, ouais, oui. Ouais, 2017, il me semble. Du coup, comédie dramatique qui se passe dans un collège de la Seine-Saint-Denis, dans la cité de Framoison, voilà, dans une zone d'éducation prioritaire, donc ZEP. Et c'est l'histoire de Samia Zibra, qui est interprétée par Zita Anroth, qui est une superbe actrice. Moi, je la trouve géniale dans ce film. Elle avait remporté le César du meilleur espoir féminin pour Fatima en 2016, que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, voilà, c'est, moi je trouve que c'est déjà une superbe actrice dans ce film. Elle est géniale, elle est touchante, elle est attachante, elle est drôle. Voilà. En fait, du coup, ça parle de cette CPE. Elle est CPE, du coup, Samia. Elle est originaire d'Ardèche et elle est mutée, en fait. Elle a demandé un poste en région parisienne et du coup, elle est mutée dans ce collège. Et on va vivre sa vie. Pas au jour le jour, parce que quand même, mais toute une vie, toute une année scolaire, on va vivre sur toute une année scolaire ce qu'elle va vivre avec l'équipe de surveillants qu'elle dirige. Du coup, les CPE, c'est les conseillers principaux d'éducation, c'est-à-dire ceux qui dirigent, entre guillemets, les surveillants, ou les pions, si vous préférez. Et du coup, on va suivre cette femme et son équipe à travers toute l'année scolaire, avec les relations qu'ils ont avec les profs, etc., avec les élèves. C'est un film Netflix, hein ? C'est pas un film Netflix. J'ai cru. C'est un film qui est sorti au cinéma. Et honnêtement, c'est peut-être. Alors moi, je m'y attendais pas du tout, mais c'est une petite claque, honnêtement, parce qu'il est touchant, ce film. Il est drôle, mais tellement drôle. Mais honnêtement, il y a des scènes. En fait, il y a un prof d'EPS qui invente des sports parce qu'il n'aime pas les sports genre le ping-pong. Il déteste le ping-pong, il déteste le volleyball. En fait, il faut que, par exemple, ils font du hockey avec des vélos, en fait. Ils jouent au hockey, mais ils sont sur des vélos. Et il invente des sports, et du coup, en fait, c'est toute une scène comme ça où c'est vraiment mais à mourir de rire. Les scènes comiques sont super drôles. Super drôle. Les scènes, enfin, il y a des scènes vraiment très touchantes où on voit un peu ce que vivent certains étudiants, certains collégiens à la maison, et ce qu'ils font du coup au collège par rapport à ce qu'ils vivent à la maison, etc., ou dans leur quartier. Et c'est touchant, c'est bien écrit, c'est subtil aussi. C'est pas. Il y a des choses, on pourrait se dire, ouais, ça pourrait être cliché, mais je trouve que c'est très très bien écrit, avec beaucoup de finesse. Honnêtement, moi, j'ai pas vu l'une, c'est quasiment 2 heures, et j'ai pas vu le temps passer, parce que c'est. Il y a des idées de réalisation qui sont géniales, honnêtement. Il y a souvent des répétitions de plans, mais avec différentes actions qui se passent sur ce plan. Au fil de l'année, il y a toute une scène au début où tous les élèves et en fait on voit la différence entre les élèves qui se préparent et la CPE qui se prépare à vivre leur première journée de collège. Enfin voilà, c'est vrai, et on entre un peu dans l'intimité de la salle des profs ou des choses comme ça, ou alors la réunion de pré-rentrée qui est aussi importante pour les professeurs puisqu'ils découvrent leur emploi du temps, les classes qui leur sont attribuées, etc. Voilà, moi j'ai trouvé ce film extrêmement touchant, extrêmement divertissant, et en fait Samia du coup va se lier un peu, parce qu'elle a le même destin entre guillemets avec un élève qui est interprété par Liam Pierron, qui joue le rôle de Yanis Bensadi. Et en fait, ce gamin, il a un potentiel de fou, il a vraiment un gros potentiel, à l'école, mais il est gâché par son insolence et en fait, du coup, il veut faire des blagues, etc. Il veut faire rire ses copains. Et donc, elle va se lier d'amitié avec cet élève et on va la voir évoluer avec lui. En fait, les parcours sont très parallèles, en fait. Et du coup, c'est intéressant à voir. La mise en scène reflète ça super bien. Il y a toute une scène où il y a une fête. Au même moment, en fait, il y a une fête d'étudiants, de collégiens, et une fête avec les professeurs et tout le corps enseignant, et les CPE, etc. Et en fait, ils font beaucoup de parallèles entre les deux pour dire que finalement, ils ne sont pas très différents, les profs et les élèves, les surveillants voilà, et les élèves, etc. Donc, moi, je vous le conseille énormément si vous avez l'occasion d'aller le voir. C'est un film vraiment touchant, vraiment drôle. Je pense que non, mais c'est quasiment sûr qu'il sera dans mon top de la fin d'année parce que il m'a vraiment touché et vraiment fait rire comme peu de films ont fait rire cette année. Voilà. D'accord. Bon bah écoute. Voilà, j'espère que j'ai réussi à le vendre. Ah oui, je pense oui. Parce que c'est vraiment un film qui me tient à cœur parce que c'est un petit film aussi. C'est pas non plus un film qui voilà. On a parlé de gros films avant qui méritaient vraiment pas leur attention, genre Le Roi Lion ou des choses comme ça. Eh ben, La Vie Scolaire, honnêtement, c'est un petit film qui paye pas de mine et qui en vaut vraiment la chandelle. Voilà. Oh. Je sais pas comment on va finir ce podcast, mais on va le finir maintenant. Vas-y. Ah, si. Voilà, et si on va parce finir, que, bon, ouais, non, parce que là, il est. Voilà, on a commencé à enregistrer à 10h20, quelque chose comme ça. Il est 14h17, exactement. voilà. 4 heures qu'on enregistre. Donc, merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout, déjà. Merci à toi, Eddy, d'avoir participé dans ce podcast de 4 heures à 2. Pas de soucis. Ben, j'espère que c'était pas trop chiant. Non, j'ai très envie d'aller pisser, hein, mais ça va le faire. J'imagine. Ok, très bien. Donc, je vais rappeler rapidement toutes les informations, et comme ça, tu vas pouvoir aller aux toilettes. moviesnerd.net, c'est là où vous pouvez retrouver nos critiques, nos émissions audio, vidéo, sachant qu'on va faire un Parlons Cinéma prochainement, j'espère, et le Movies Nerd sur les films de septembre devrait sortir début octobre, mi-octobre, on va dire. Voilà, on dit ça comme ça, mais sachant qu'on enregistre le 21 septembre pour le bilan de l'été, c'est quand même... voilà, bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et puis même, vous avez un podcast de 4 heures, ça va aller, quoi. Donc voilà, moviesnerd.net, les réseaux sociaux, c'est moviesnerd sur Facebook, movies_nerd sur Twitter, moviesnerd_officiel sur Instagram. Vous pouvez nous contacter sur avec notre boîte mail sur contact@moviesnerd.net. Vous pouvez noter le podcast sur Sens Critique, sur PodCloud, sur iTunes. En tout cas, sur PodCloud et iTunes, ça nous aide à monter dans le classement des podcasts francophones qui parlent de cinéma. Et sur Sens Critique, ça nous fait plaisir, voilà, tout simplement. Je crois que c'est tout pour Movies Nerd. Et moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Movies Nerd, sur Sens Critique, sur Twitter, Instagram et Steam aussi de temps en temps. TheLexal, THELEXAL, voilà, tous les liens sont dans la description du podcast. Eddy ? Ça change pas, hein, sur Sens Critique, sur Movies Nerd, sur YouTube, sur Facebook, c'est Stark partout. Voilà. Puis après, les plateformes, pareil. Sur Steam, Origin, sur YouPlay, pareil. C'est Stark aussi. Ouais, ok, très bien. Voilà. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain podcast Movies Nerd. Salut. Salut. First in line. Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament.